Voilà une bonne chose de faite. Ça ne bouge pas cette semaine pour le DJ Superstar Fun Radio. Avicii avec Hey Brother reste cette semaine le titre le plus joué dans tous les clubs d'Europe. Je vous refile le top 5 de ce soir. 5e, Fallen Wadad, la reprise de Pno avec Changes. 4e, Dubs and Borges pour le Tsunami. 3e, Carton des Clubs au Danemark, Pitbull, Keisha, Timber. 2e, Martin Garrix, Animal. Et 1er donc, Avicii avec Hey Brother. Belle semaine tout le monde. Oh, Europe. Oui. Il y en a un qui a trop gueulé là. Ce week-end là, non? C'est ça, bah, party fun, les soirées, les sorties, il fait froid. Il fait froid, il fait 12 degrés. Enfin, ça dépend où t'as été, mais après. J'ai un dossier sur Miko. Vous savez ce qu'il a toujours rêvé d'être? C'est pas ce qu'il fait aujourd'hui. Il a toujours voulu être Cobra dans la série. Il m'a expliqué comment il faisait. Vous savez, Cobra, il a un bras en laser. Ouais. En fait, il prenait des vieilles boîtes de tennis et il mettait son bras dedans. Polo, t'as une pute. Oui, c'est ça, c'est mon métier. Oui, j'avais 8 ans, ça va. Oui, y a pas d'excuse, voilà, c'est comme ça. Bon, retour le week-end prochain avec une voix. Exactement, de l'Eurodance 25, et d'ici là, il y a Michael, il y a Toff, il y a Apollo, aussi Barbuc, le Père Noël, Chabal, Captain Igloo ou Ernest Hemingway. Ouais, aussi, ouais. Pas trouvé mieux. C'est vrai, non, mais c'est pas mal déjà. Voilà. Bon, bonne semaine. Oui, je vais reposer ma voix. Ouais, c'est mieux, je pense, ouais, c'est mieux. Ouais. Allez, nous, on est parti là jusqu'à minuit sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Yes, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Oui, c'était la Saint-Valentin. Week-end de Saint-Valentin, évidemment. Là, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez reçu comme cadeau? Les filles, est-ce que le cadeau que vous avez reçu vous convient? Je suis curieux d'avoir les réponses. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique pour nous le dire. Tiens, Benjamin qui est avec nous là du Val d'Oise. Salut, ouais. Benji, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va. T'es avec une meuf là ou pas actuellement? Ou avec un mec, hein, peu importe, mais en couple. Actuellement, ouais. Ah bien, ouais, et alors Saint-Valentin, il s'est passé quoi en deux mots? Bah, le truc, c'est qu'en fait, elle fait ses études en Vendée et j'ai reçu un petit cadeau parce qu'elle est partie à Monaco en fait. Ouais. Un petit porte-clés, voilà quoi. Bon. Ah ouais, bon, d'accord. Je vais dire que c'est de la merde, mais. Non, mais c'est bien, c'est bien. Bon, écoute, on va en parler, reste avec nous. Si vous voulez passer l'antenne aussi, bah, il suffit de faire comme Benjamin, hein. 01 42 48 5000 ou pour la Belgique, donc le 02 851 4x0. Sandro qui a passé le week-end seul. Oui, seul, avec mes bonbons et mes gâteaux. Oui, attends, c'est Saint-Valentin, c'est normal, c'est normal. Et quoi qu'elle a quand même réussi à zapper le McDo de tout à l'heure, hein. Ouais. C'était sur le fil. C'est normal, je me suis tellement goinfré pendant une semaine là que. C'était sur le fil, ouais, on l'a pris tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai mis une belle photo d'un Big Mac dans la pub et d'un Big Mac en vrai. Vous allez voir, donnez-moi votre avis, est-ce que vous trouvez que c'est ressemblant ou pas? Alors là, l'exemple, c'est un Big Mac, mais ça peut être n'importe lequel, hein, évidemment. N'hésitez pas chez Quick, McDo, Burger King. Donc facebook.com/MIKAELOfficiel. Toff était malade hein, pour ne pas voir ses maîtresses ce week-end. Bah évidemment, là j'ai eu une gastro de ouf. Ah ouais, une gastro de ouf. Mais heureusement, c'est passé aujourd'hui. Bah aujourd'hui. Ça allait mieux hier déjà. Bah exactement. Voilà, c'est ça. C'était vraiment vendredi là, je crois. Vendredi, c'était le pic, le pic de la gastro. La journée sur les chiottes. Bah ouais, je comprends, évidemment, c'est difficile. Et puis, Polo qui a enfin rencontré l'amour. Non, ma femme. Ma femme va me gifler ce soir. C'est ça. Bon, non. On était au concert de 30 Seconds to Mars à Lille hier soir hein, et voilà. Et puis Jared est arrivé et il a embrassé Polo. Il a fait give me a hug. Il est arrivé. Il l'a tenu dans ses bras. C'était beau. C'était. Et on pèse maintenant. Il nous a reçu en coulisses. Ouais, bien, Michael, my friend. Yeah, it's a long time. C'était beau. Ce give me a hug et tout. Voilà. Oh, c'était magnifique. Mais il se passe rien entre moi et Jared. On est des potes. Hein. C'est le mec. Le mec qui se la ramène. Non, et j'embrasse Stéphane, ça fait longtemps. Bien sûr, voilà, évidemment. Stéphane qui est une fille, hein, enfin, en tout cas aujourd'hui, qu'il avait rencontré à Starfloor, bien entendu. Ça fait déjà quelques temps pour ceux qui viennent de débarquer. Bon, comme tous les dimanches, on va se refaire le chéri, je peux te faire cocu de lundi, qui était encore une fois, je ne peux pas dire violent, je ne peux pas dire très violent. Est-ce que tu as entendu, toi ou pas, Benjamin? Non, pas du tout. Non. Tu l'as pas entendu? Eh ben écoute, je te conseille de l'écouter, ce sera tout à l'heure, on va vous le remettre. Il était juste magistral. Bon, on a également Renaud avec nous maintenant d'Avignon. Bonsoir Renaud. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va, ça va. Putain, t'as la voix d'une fille, Renaud. C'est vrai? Bah oui. Bah oui. Mais c'est pas grave, hein. Après, t'as quel âge? 14 ans. Oh, c'est rien, ça va aller mieux, ça va s'arranger avec le temps, ça va s'arranger. Bon, Renaud, on va jouer pour gagner un Narcos 45 Platinum que j'ai affilé ce soir dans la colle. Le principe est très simple, tu poses une colle, on laisse aux auditeurs jusqu'à 22h pour trouver la bonne réponse. On tire au sort l'un d'entre eux, s'il décroche et qu'il donne la bonne réponse, il gagne. Dans tous les autres cas, c'est perdu. Et à ce moment-là, tu gagnes, forcément. D'accord ? Okay. Vas-y pour la colle, on t'écoute. Pour couvrir ma maîtresse, je me gonfle et me dresse. Quand j'ai fini mon service, je me plisse et je pisse. Mais qui suis-je ? Tof ? Et ouais, ça pourrait être tof, c'est vrai, ouais. Donc je répète, pour couvrir ma maîtresse, je me gonfle et me dresse. Quand j'ai fini mon service, je me plisse et je pisse. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Bon, bah, j'ai très beaucoup bien. Cette ouais, elle est pas mal cette colle. Ouais. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L suivi de votre réponse. Envoyez ça au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et puis, bah, sinon, vous pouvez jouer aussi dans 5 minutes. Là, je vous mets la colle sur le Facebook de l'émission. Comme ça, vous allez pouvoir y répondre facilement et surtout pouvoir la lire. Il y en a chez qui ça peut peut-être aider. Hein. Et puis, comme ça, vous allez même pouvoir voir à quoi ressemble l'Arcos 45 Platinum qu'on vous offre. Ça vaut quand même 200 € si vous voulez. Donc, facebook.com/MIKL officiel. Bon, on te récupère plusieurs fois avant 22 heures Renault pour répéter la colle pour les retardataires, d'accord ? Ok, d'accord. À tout merci. À l'heure Renault, bah, bouge pas là. Tiens, il y a un son que t'as envie d'écouter ou pas toi Renault ce soir là ? Ouais, Bouya de Showtech. Bouya de Showtech, attends, il est où celui-là ? Il faut que je le retrouve. Ouais, celui-là, hop là. Ouais. Eh ben on va te le mettre, pas de problème. Tu vas écouter okay. L'émission jusqu'au bout évidemment. Bah oui. Bon bah je te le mettrai avant minuit alors promis. T'offres une note parce que je l'oublie. Bien sûr, voilà. Bon sinon il y a aussi Pharrell Williams qui va débarquer là avec Happy. Il y aura David Guetta le nouveau. Shut Me Down, il y aura Cash Cash, Take Me Home. Il y aura aussi Shakira avec Rihanna. Can't Remember to Forget You, un son que vous avez découvert évidemment sur Fun. Et le dernier, Da Funk, Instant Crush. Voilà, et puis si vous avez envie d'écouter des sons en particulier, eh ben comme tous les dimanches et comme tous les soirs de la semaine également, vous demandez hashtag M-I-K-L. Il y a Indiul Piu Piu qui dit bonsoir à tous, je vous fais un gros bisou. Ben, nous pareil, Indiul Piu Piu. Il y a le Prince Nadia qui dit c'est parti pour une belle soirée avec Mickaël Enjoy. Et Adeline qui dit bonsoir toute l'équipe, c'est parti pour une soirée mortelle. En tout cas, on fera tout pour. Cher merci Emeline également et Polo également aussi d'ailleurs, puisque Emeline m'a envoyé un mail avec une photo d'elle dénudée où, ouais. Où on ne voit rien, ça reste artistique. Ouais. Où on ne voit rien, mais elle est dénudée quand même avec un tatouage qui part de tout en haut jusque tout ouais. En bas qui est très bien. Adore, rappelons-le. Ouais sauf qu'en fait elle me l'a envoyé, elle m'a pas envoyé sur mon mail à moi, elle m'a envoyé sur mikaelnolimit@fanradio.fr, ce qui fait que du coup ça arrive chez Toff et Polo également. Et donc elle a été très déçue, elle a dit oh non merde, je voulais pas montrer ma photo aux deux pervers. Mais oui, parce que et moi là... à la base je pensais que c'était Mikael qui me l'avait forwardé, puis non. Il m'a dit bah non, tout le monde l'a reçu. Et bah tout le monde l'a reçu, ouais, donc moi, voilà, au départ je pensais que c'était pour moi tout seul, puis j'ai vu que c'était adressé à tout le monde. Bah voilà. Voilà, donc du coup t'as pas envoyé le message Toff. Bah non, j'étais en train et puis je vois ah merde, c'était pas pour moi. Ah ouais, dommage. En tout cas, tu as un très beau corps Emeline, on voit pas ta tête mais tu as un très beau corps et un beau tatou surtout. Bah, bon, Emeline tiens justement qui dit Saint-Valentin en boîte, c'était cool. Ben bah, oui, voilà. Sophie. Vous pouvez pas venir. Oui, c'est cool. Et donc Renaud. Oui. Pourquoi tu dis PD comme ça? J'ai pas dit ça. Ah c'est ce que j'ai entendu, il me semblait. Tu parlais avec qui? Avec ma maman. Ah d'accord, ok, très bien. Je le vois mal dire PD à sa maman. Ouais, là comme ça, ouais, tout de suite c'est différent. Sophie dit personnellement j'ai quasi toujours de bons burgers au McDo. Ah mais je pas dit que c'était mauvais, c'est juste l'esthétique qui est pas terrible. Secret Key qui dit passe Instant Crush, ça me motiverait pour bosser, sinon un coup de pelle pour me réveiller, ça marche aussi bien. Bah écoute, je te mets les deux tiens. Hop, le coup de pelle et le son comme promis des Daft Punk qui passera tout à l'heure Instant Crush sur Fun Radio. Voilà, je vous l'avais déjà dit mais je vous le remettrai promis sans aucun souci évidemment. Bon allez, continuez avec vos messages. Et Mickaël sur Facebook, hein, tapez Mickaël officiel sur le Twitter et sur l'Instagram également. Vous pouvez voir d'ailleurs ma belle photo avec my bro Jared Leto. C'était hier my soir. My brother évidemment. In arm. Yeah, brother motherfucker. Et bah, il passera nous voir aussi cette semaine puisqu'il est en concert à Paris, donc on aura l'occasion de le recevoir. On aura l'occasion de le recevoir bientôt. J'en dis pas plus, mais vous verrez. Et puis donc la colle, on en a parlé. On va se faire plein de cadeaux également. Il y a un écran plat gagné sur le Facebook ce soir. On aura également les Arcos 45 Platinum. C'est avec la colle de Renault dans quelques minutes. Et j'ai des t-shirts également comme ceux que vous avez vu avec la tête de mort là, j'en ai plein, hein, des comme un air de rock. Vous pouvez les voir à quoi ils ressemblent sur le Facebook de l'émission, j'en aurai un à vous offrir par soir, donc allez-y, faites-vous plaisir. facebook.com/MIKL officiel. Je pense qu'on est bon là, je pense qu'on ouais. A tout fait, on a fait le tour de tout là. Et puis venez nous dire aussi hein, ce que vous avez eu comme cadeau de Saint-Valentin, si ça s'est bien passé. Comme par exemple pour un prisonnier américain, je sais pas si vous avez vu l'info, qui a escaladé le mur de sa prison pour aller passer la Saint-Valentin avec sa chérie. Oh. Les flics ont trouvé ça tellement so romantic. Oh. qu'ils les ont laissés tranquilles 3 heures avant de venir les rechercher. C'est beau quand même. Ah, oh, ils sont sympas. Non, moi je trouvais ça cool. Non, je trouvais ça cool. Donc venez nous raconter comment s'est passé la Saint-Valentin pour vous, puis genre une autre histoire de ouf à vous raconter dans quelques minutes. Voilà, Benjamin. Ouais. Bon, toi, tu nous appelais pourquoi toi? Bah, en fait, on m'a demandé de vous raconter mon histoire, mon cadeau de la Saint-Valentin. Ah, bah très bien, bah voilà, c'est parfait. Alors, c'est quoi, toi, ton histoire de cadeau de Saint-Valentin? C'est que ma copine est partie à Monaco, en fait, et comme cadeau de la Saint-Valentin, j'ai reçu un porte-clés Monte-Carlo, c'est tout. Oh, c'est mignon. Mais je pense qu'elle se fout de ta gueule, non? Ouais, voilà. Je pense qu'elle se fout un peu de ta gueule. Ouais, apparemment j'aurai un autre cadeau, tu vois, mais voilà. Attends, l'autre cadeau, ce sera peut-être quelque chose de plus sexuel quand vous verrez. Voilà, non, ce sera le portefeuille Monte Carlo. Voilà. Bon bah dites-nous, appelez-nous, hein, 01 42 48 5000 02 851 4x0. Les cadeaux de Saint-Valentin, ça s'est passé comment? Est-ce que vous voulez qu'on les échange aussi, hein, tant qu'à faire? Vous nous dites, vous nous appelez, n'hésitez pas. Benjamin, bah du coup tu restes avec nous. On va demander l'avis de tout le monde. Il y a des auditeurs qui sont passés nous voir aussi. Là, comment ça va les gars? Hop là. Je vais mettre tout le monde là. Ça va bien, comment tu t'appelles? C'est Abdou, il y a à côté, parle bien dans le micro. Salut, c'est Ali. Salut Ali. Salut, c'est Hamza. Hamza. Salut, c'est Maxime. Et Maxime, très bien. Comment s'est passé la Saint-Valentin, les gars là? T'as que des mecs, je suis vénère. Y'a pas de meufs. que des mecs. Donc pas de meufs là, et là. Ah, célibataire la veille. Célibataire la veille, putain. Mais elle a compris le concept. Elle s'est dit, putain, c'est moi qui vais devoir allonger, laisse tomber. Abdou, non, pas de meufs? Non, pas. Pas de meufs, tranquille, Maxime. C'est pas encombré avec ça. Pareil. Pareil aussi, parle bien dans le micro parce qu'on a rien entendu là, tu disais? Ouais, pareil aussi, célibataire. Célibataire, bah voilà, très bien. Bon bah pour les autres, rappelez-nous, on en parle dans quelques minutes. Et puis je vous l'avais promis, le son de Pharrell Williams va débarquer sur Fun Radio, ce sera Happy sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Allez vous faire foutre, il fait des têtes de con. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Bon, et toujours en direct sur Fun Radio, là, 20h13, en direct, comme tous les dimanches de 20h à minuit, avec Mila 7 aussi, qui dit branché sur Fun avec Bibi, pendant qu'on se prépare avant d'aller en soirée, là, que du bon son, on t'aime. Oh, merci Mila. Dragon également sur le Twitter qui dit, moi la Saint-Valentin tranquille, je suis tout seul, donc je me suis regardé tous les Star Wars d'affilée. Eh ben voilà, parfait. En plus on était déguisés, tiens, en Star Wars la semaine dernière. Si vous voulez voir, les photos sont encore sur le Facebook. Et en parlant de Facebook, il y a toujours l'écran plat 32 pouces Full HD que je vous offre également en exclu sur le Facebook de l'émission. Donc si vous voulez le choper, l'écran plat, on fera le tirage au sort avant minuit. Eh ben venez nous rejoindre, facebook.com/mikaelofficiel. Faites un like et un partage sur la photo où il y a l'écran plat. Et puis si vous êtes tiré au sort, il sera à vous, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Et puis on va s'écouter le son de Pharrell Williams avec Happy avant de parler des cadeaux de la Saint-Valentin juste après sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. It might seem crazy what I'm about to say. C'est Fun Radio avec le son de Pharrell Williams à l'instant et Happy, bienvenue si vous venez débarquer. Mickaël No Limit tous les soirs, hein, on est là tous les dimanches de 20h à minuit, tous les soirs de la semaine de 23h à 2h du mat. Il y a Euskal aussi qui dit en couple mais j'ai rien fait pour la Saint-Valentin. Bah t'as bien raison. Ouais, c'est une fête commerciale, c'est mais de la oui merde. Mais c'est vrai, il y a Geoffre qui dit moi j'ai fêté la Saint-Valentin en boîte à boire comme un trou pour me faire larguer dimanche au réveil. Le seum, oh merde. Fait pour ta gueule. Ah grave. Il y a Phoenix aussi qui dit beau gosse les nouveaux jingles. Ben merci Phoenix. Et Jesse qui dit moi j'ai offert un cadeau à quelqu'un, j'ai demandé pour sortir avec elle, elle m'a dit non, le seum, tu peux mettre un message de bienvenue s'il te plaît. Bien sûr Jesse, avec plaisir. En plus t'es fait larguer, tu penses bien que hop là, toi fils de pute d'enculé de ta grand-mère, voilà, hop là, il était bien comme ça, il est bien placé, il est passé crème comme on dit, hein. Voilà. Nickel. Ah ouais, non mais c'est vrai, nickel au top, j'ai envie de dire. Voilà, donc si vous avez envie de parler avec nous, bah donc vous êtes bien les bienvenus, vous balancez vos messages maintenant avec le hashtag Mickaël sur le Twitter, comme Magda qui dit Mickaël, moi je vous ramène plein de monde depuis que j'ai marqué sur Facebook que j'avais gagné des sous-vêtements, tout le monde va aimer ta page. Ah bah écoute, avec plaisir Magda, et n'hésite pas à faire une photo quand tu auras les sous-vêtements pour voir à quoi ça ressemble, bien entendu, hein. Et puis trop facile la colle, c'est Sandy. Bah ouais, trop facile, mais en attendant faut la trouver justement. Bon, on va faire les appels avec Toff aussi, hein. Vous connaissez le principe, hein. Tous les soirs on appelle pour vérifier un sondage ou l'autre, oui, ou avertir les gens D'un drame qui pourra arriver. Voilà, c'est ça. Voilà, donc qui les attend peut-être demain. Exactement. Donc on les appelle tous les soirs, on leur demande, on leur explique. Souvent, ils sont quand même relativement fermés à la discussion, ce qui est bien dommage. Et donc, on mettra les meilleurs dans moins de 10 minutes. Donc continuez écoutez l'émission. Dans moins de 10 minutes, ça va arriver. Et je vous avais dit que j'avais une histoire de ouf pour la Saint-Valentin. Ah. C'est un couple d'anglais dont le mec part pour le taf en Australie, mais sa meuf doit rester à Londres en attendant que le visa soit validé. Hein, donc forcément, ça prend du du temps. Le mec tombe sur une promo de ouf pour faire un aller-retour à Londres. Il se dit qu'il va faire une surprise à sa chérie, oh, réserve les billets. Il part pour l'Angleterre, sauf que quand il arrive chez elle, eh ben, c'est la mère qui lui ouvre la porte. Et donc, bah, elle sait pas trop comment lui dire, mais elle sait pas comment lui dire quoi, à votre avis. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Meuf. Benjamin ? Ouais. T'as écouté l'histoire là ? Vas-y, bah ouais, ouais. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'elle dit, la mère ? Bah, que c'était elle qui a envoyé le message, non ? Non. Que c'était elle qui a envoyé le message ? Non, pas du tout. Cindy qui est avec nous de Corse. Salut Cindy ! Salut ! Comment ça va ? Fais attention parce que. Ouais, fais attention Cindy parce que t'as fait Wanted en Corse, hein. J'entends pas ce que t'as dit. Ah oui, moi non plus j'entends pas ce que tu me dis. Il y a pas le réseau aussi qui est Wanted en Corse. Le réseau est recherché également en Corse. Moi je sais. Cindy, est-ce que tu peux bouger un petit peu s'il te plaît ? Ouais, voilà. Sûr, carrément, allez. Voilà, bouge un petit peu, c'est parfait. C'est bon. Donc, est-ce que tu as une idée de ce que la mère a pu dire quand le mec est arrivé ? Ouais, moi je pense qu'en fait elle lui a carrément dit que sa fille est de l'autre côté pour rejoindre. Je n'entends rien de ce que tu me racontes, j'ai entendu rejoindre. Ah. Bon, ouais, écoute, carrément. Cindy, ouais. Je vais te reposer la question, on va d'abord te raccrocher au lit, on va te rappeler parce que le réseau est merdique. Bon, Cédric est avec nous de Marseille. Salut Marseille ! Salut, allez, l'OM. Marseille qui joue ce soir. Allez, là, face Paris, à... ils vont perdre hein, une face fois. À Saint-Etienne. Là. Oui. À ton avis, un petit pronostic, Cédric. Allez, Paris. Ouais, t'as raison. L'OM, Paris. Eh oui, bon, alors combien, à ton avis, le pronostic de ce soir, Cédric là je sais pas trop. Ouais. Moi, allez. Moins 20 pour Marseille. Je dirais 2-0. Ah, carrément, je sais pas trop, mais il se met 2-0 quand même, lui. Il se met bien, lui. un bon Marseillais, Cédric. Bon, est-ce que t'as une idée de ce qui a pu se passer quand ils sont arrivés là-bas, là, quand le mec est arrivé à Londres ? Ouais, non, je sais pas. À mon avis, je sais pas. Une autre meuf ou un autre mec ou la fille est morte. Ou un décès, non, mais va savoir. Avec mec, la meuf. Elle a dû se tailler avec un autre mec. Ouais, elle est partie en week-end avec son nouveau mec. Ouais, mais voilà. Bon, donc je répète, donc le mec, ils habitent tous les deux à Londres. Le couple habite à Londres. Le mec doit partir en Australie pour le boulot. Il part là-bas. La copine ne le suit pas parce qu'elle n'a pas encore les papiers, mais ça va venir apparemment. Le mec tombe sur une promo pour aller passer un week-end à Londres. Il se dit qu'il va donc y aller. Et quand il arrive là, sa meuf n'est pas là et sa mère ne sait pas comment lui dire justement. Mais comment lui dire quoi ? Voilà, donc si vous avez la bonne réponse, eh ben n'hésitez pas, hashtag Mickaël, vous nous le dites, sur le Facebook, vous pouvez réagir également, par SMS pareil, envoyez Mickaël, suivi de la réponse au 64 900 ou au 30 44 depuis la Belgique, et on en parle dans quelques minutes. Bon, Cédric, toi tu voulais réagir par rapport au cadeau de la Saint-Valentin, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Alors t'as reçu quoi toi, Cédric ? Moi j'ai reçu une vaginette. Une vaginette ? Une vaginette, c'est quoi ? Bah écoute, ma femme, elle m'a offert une vaginette pour la Saint-Valentin. Bah attends, mais c'est quoi une vaginette ? Bah c'est un faux vagin pour te branler quoi. Ah c'est, ouais, ça, c'est ça. Ah c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fous avec ça du coup ? Tu l'as déjà utilisé ? Ben non, pas encore. Oh, arrête, je suis sûr que oui. Non, non, je l'ai pas utilisé, mais bon, c'est bizarre quand même, c'est tout. J'ai dans les mains là, c'est vraiment bizarre. Ah tu l'as dans les mains là ? Oh putain, ouais, ça va être bizarre, effectivement, ouais. Mais tu lui as demandé pourquoi elle t'avait offert ce truc, ce cadeau magnifique ? Ouais, j'ai posé la question, elle m'a dit que c'était pour pimenter un petit peu le couple. À pimenter le couple, d'accord, ok. Ouais. Bon, écoute, pourquoi pas. Eh, attends, ça va, tu vas pas te plaindre parce que ta meuf en plus est plutôt ouverte sexuellement. Ah non, elle est très ouverte sexuellement. Ah bah voilà, c'est même plutôt positif, t'as plutôt de la chance. Ah ouais, franchement, je me plains pas. Ah bah tu m'étonnes. Attends, il y a aussi Cindy avec nous de Corse. Cindy, est-ce que le réseau passe mieux là ? Ouais, Mickaël, tu m'entends ? Ah là, ça va mieux, là, j'entends Mickaël. Même l'accent et tout, c'est parfait. Bon, alors, parfait. Cindy, qu'est-ce que t'as reçu comme cadeau toi ? Eh ben en fait, moi j'en ai reçu beaucoup, mais j'en ai fait surtout un gros. Vas-y. J'avais jamais fêté la Saint-Valentin de ma vie parce que malheureusement il y a 15 ans en arrière, ce jour-là j'ai perdu ma maman. D'accord. Et je me suis dit pourquoi pas faire de ce jour malheureux un jour heureux. Ouais. Et j'ai carrément demandé à mon homme s'il voulait faire un bébé. Oh. Et il a dit non. Non, en fait c'est parti en courant depuis trop longtemps et j'ai toujours dit non. Et là j'ai dit allez c'est parti. Allez, c'est parti. C'est alors, est-ce que vous avez déjà consommé ? Est-ce que vous avez déjà essayé là ? Ah bah ils ont baisé tout le week-end. Ah bah carrément hein. Et alors, Bah attends, je te dirai ça dans 15 jours. Ouais, mais t'étais dans la bonne période, tout le bordel là ou pas ? Ouais, nickel, franchement, c'est super. Ah, t'as tombé pile poil au bon moment. On veut être les parrains là. Ah bah parfait, tu vas l'appeler comment si c'est un garçon ? Elle appelle pas Tof, je t'en supplie. Ah, c'est pas Mickaël. Ah bah voilà. Évidemment. Exactement. Et si c'est une fille, Mickaël là ? Non, si c'est une fille, je l'appellerai. Natania. Natania ? Ouais, non, il y avait Paulette qui était pas mal. Il y avait Paulette. Non, ouais, Paulette, ça craint. Oui, Paulette, ça craint un peu, effectivement. Ouais. Oh, ben c'est bien, qu'est-ce qu'il a dit lui alors ? Il était content, il a pleuré, c'était beau ou pas ? Franchement, ouais, il a eu la larme à l'œil. Ouais. Oh. Et pas qu'à l'œil. Ah, ouais, non, bah là, pour le coup, effectivement, ouais. Bon, attends, il y a Victoria aussi qui est avec nous, là, de Picardie. Comment ça va, Victoria ? Ça va, Salut Mickaël, oui ou toi? Oh oui, très bien, on y était la semaine dernière là en Picardie, on était à Noyon il y a pile poil une semaine, figurez-vous. T'es pas venu nous voir toi évidemment Victoria là hein? Bah non, c'est la dernière fois que tu me le dis la dernière. Ah oui c'est vrai, t'étais déjà passé, c'est vrai, ouais, bah bravo hein, bah du coup hop là je t'en mets une tiens, voilà. Ça c'est fait. Non non mais voilà, il y a un moment faut corriger les gens, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon Victoria, qu'est-ce que t'as reçu pour la Saint-Valentin toi? Bah rien en fait, je suis partie en boîte pour la Saint-Valentin, j'ai bu comme un trou, après le lendemain je suis partie dormir chez mon copain et dimanche matin au réveil je me suis fait larguer, bah ce matin. Bravo! Mais pourquoi? Parce que t'avais une haleine dégueulasse, puant l'alcool et tout ça? Non, c'est parce que monsieur, bah il arrive pas à oublier son ex d'il y a 3 ans. Ah oui. Mais il a quel âge lui? Il a 16 ans. C'est sérieux ça? Je m'attendais qu'ils aient 40 piges, moi, tu vois, ouais, pleurer, au moins 20, tu vois, au moins 20. Attends, il a 16 ans et il arrive pas à oublier son ex d'il y a 3 ans, il avait 13 ans. Il avait 12 ans. Bah ouais, je me suis foutu de sa gueule. Mais c'est un bouffon. Bah ouais, mais bon. Non mais attends, t'es sérieuse avec bon, ça là? Mais il faut dégager ça là quand même. Mmh, non mais attends. Enfin oui, en même temps, tu me diras et tu l'as dégagé. Tu veux qu'on l'appelle? Ah non. Ah si, pour rigoler. Allez, on va pourrir le truc encore plus. Allez, pour rigoler. Vas-y alors. Bon alors attends, on va prendre le numéro de téléphone là. Reste avec nous Victoria là. Oh là là, bah attends, on va pas passer à côté de ça là. Alex attends, de 3 Cindy, ans là. Hey, Cindy, c'est du pain béni là quand même ce qui nous tombe dessus là. Ah bah oui. Ah non, mais là franchement, c'est tout frais. Moi franchement, je le ferai direct. Ah bah bien, mais attends, bon, on va l'appeler directement. Là, t'en bouge pas là. Ah mais carrément. Bah oui. Tiens, il y a Abdou qui communique alors qu'il est là hein, qui va dans les studios chez Mickaël au calme. Bah ouais, Abdou, tu peux parler, tu me dis, tu lèves le doigt, hein, y a pas de problème Abdou. Ouais. L'autre il met des messages sur le Abdou, sur Twitter. Ouf. Ouais, t'as vu, je suis là, pépère, ah non, t'as c'était vu. C'était pour dire à mes potes que j'étais en direct. Ah tu te la racontes, ah, oui, bah, il se la ramène Abdou. Ah bah faut ramener les auditeurs. Non, t'as raison, c'est vrai. Non, c'est vrai. Bah, c'est bien, c'est bien. Toi qui veux juste ramener devant eux. Non, en plus ils ont ramené un petit gâteau et tout en mode bien. Par contre le gâteau c'est bien. Toff il a déjà flingué la moitié là. Non, le gâteau ils nous ont mis bien. Ah ouais, ils nous ont mis pas mal. Bon, tu dis le quart au moins. Ah bah évidemment là il a déjà fini. Non, il est là-bas. C'est dégueulasse. Bon, il y a Secret Key qui dit j'adore le t-shirt Mickey, il déchire, je le veux. Oui, c'est ce que je vous offre, un Common Air de Rock toute la semaine. Donc inscrivez-vous, on fera un tirage au sort à l'heure. Et Phoenix qui dit demain je dis à ma prof de français de vous écouter. Ça c'est bien Phoenix là, continue, n'hésite pas. Bon, on va appeler Victoria. Oui. On va appeler ton mec. Ouais. Mais juste l'ex de 3 ans, ils sont restés combien de temps ensemble? 2 jours. 9 mois. Ah ouais. Grosse relation. Oh là là, ridicule. Bon, Victoria, reste avec nous. On va l'appeler dans quelques minutes. Cédric, Cindy, je vous fais des gros bisous. Merci d'être passé. Bisous. Ouais, bisous. Ah, Mika. Oui, Cédric. Je peux passer vite chez une petite dédicace? Allez, vas-y, il y a une personne qui t'écoute. Allez, je dédicace à Ludo, Cyril, Seb et Thomas. D'accord. Il y a le message qui est passé, il n'y a pas de problème Cédric. Salut à toi. Allez, salut. Et vive la Torre. Eh oui, quoi, tu dis bisous à Toff, Cindy? Ouais. Alors qu'il arrête pas de faire chier les Corses. Cindy, combien mesures-tu? Je fais 1m58. Combien pèses-tu? J'ai compris. 52 kilos. Est-ce que je peux couper 2 secondes, Toff? Je te coupe. En fait, c'est une stratégie pour le faire venir en Corse. Ils vont le fumer dans le maquis. Ah oui, c'est une bonne idée. Ouais. Venez. C'est ça, t'as vu? Ils vont le faire dévorer par les sangliers. Quel est ton tour de poitrine, Cindy? 85D. D comme la quatrième lettre de l'alphabet? B. B comme la deuxième lettre de l'alphabet. Non, c'est pas grave. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? De quoi? Le dernier pantalon que tu as acheté, quelle taille? 38. Ouais. Ah ouais, mais je pense que je peux aller en Corse. Bonne! Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Oui, effectivement, oui, pas mal. C'est bien, Cindy. Nous passerons en Corse prochainement. Ah ouais, venez quand vous voulez, franchement. Tu nous accueilles? Nickel, j'ai une grande villa. Cool. Je ne viendrai pas. Venez. Parfait. Mais si, on va voir Toff se faire tuer. On est wanted à cause de tête de con. Mais non, c'est Toff qui on est wanted, pas nous. Mourir. Bon, Cindy, gros bisous à toi et on embrasse tout le monde sur l'île de beauté. Que tu représentes bien, apparemment. Hein? Ah bah, il faut. Ah, il faut, ouais. Salut, Cindy, je t'embrasse. Salut. Ciao. Merci, Benjamin. Tu reviens quand tu veux également. Ça marche, bah merci. Salut. Bonne soirée hein. Eh ben merci à toi, bonne soirée aussi Benjamin. Oh. Restez tous là, Victoria, tu bouges pas, on va reprendre Renaud avec la colle dans quelques minutes et puis on va se mettre vous nous appelez là 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël de 20h à minuit sur Fun Radio. Et ouais, et on se fait péter le son de Dimitri Vegas. Oui, on est en liberté, ce qui déplaît à beaucoup de monde, mais ouais, c'est comme ça. Stampede qu'on écoute maintenant à 20h29. On est en direct jusqu'à minuit comme tous les dimanches soirs sur Fun Radio. Et toujours l'écran plat à gagner là sur le Facebook de l'émission. Là, ramenez-vous là maintenant là, facebook.com/MIKL officiel. Le son dance floor de Dimitri Vegas. Stampede, c'est maintenant sur Fun Radio. Bonne soirée. Le dimanche soir, Fun Radio, 20h minuit, nos limites. Allez vous faire foutre, Mickaël, sur Fun Radio. Ouais, on est sur Fun Radio là tous les dimanches soirs de 20h à minuit, toute la semaine également de 23h à 2h avec DJ Koma Kilitov qui se la pète avec sa petite pépite de 2 cm, un vrai bâtard. C'est vrai. Paul PC28 qui dit franchement ces nouvelles intros sont juste énormes. Ces intros. Ah oui, les jingles. Oui, bah écoute, on a réfléchi un petit peu, on s'est dit qu'on allait un petit peu innover et éviter de continuer à faire du basique. Mélissa qui dit moi j'ai eu un œuf vibrant par mon chéri pour la Saint-Valentin. Oh so sweet. Et Sarah Svati aussi. Il y a un truc qui est super important avec l'émission Mickaël No Limit, c'est que même malade on est là. Oh bah c'est gentil ça, Sarah Svati. Et puis bon courage pour la maladie, je sais pas ce que t'as. Secret Kick qui dit au nom de Toff, du Polo et du Mickaël, amen. Oui, on fera la prière dorénavant. Et Mickaël aussi qui dit mort de rire Victoria, trop bon, tu me vends du rêve avec ton histoire. Non mais c'est improbable, on fera les appels de Toff dans quelques minutes, mais Victoria on va te récupérer. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc Victoria nous a appelé parce qu'elle voulait réagir à la Saint-Valentin, disant qu'elle venait de se faire larguer par son mec, elle a 17 ans, lui 16, et la raison du virage est que en fait il n'arrive pas à oublier son ex d'il y a 3 ans. Ouais. Avec qui il est resté quelques mois, mais ouais, il y a 3 ans, donc il avait 13 ans quand même. C'est ça, c'est ça l'improbabilité du truc quand même. Oui. C'est incroyable. Non mais c'est un truc de ouf quand même. Bon. Bon du coup on va l'appeler Victoria. Il s'appelle comment lui ? Albéric. Oh là là. Hey, il cumule les tares. Oh là là, mais attends, c'est un truc de dingue qui s'appelle Albéric. Oui. Oh là. Oh, on est bon, on est pas bon là. C'est contemporain de Clovis. On est au top. On est au top du top, j'ai c'est envie de dire. Moyenâgeux comme prénom. Bon, on va l'appeler et je vais lui dire, je vais lui demander. Qu'est-ce que je pourrais lui demander pourquoi il t'a viré ou tu l'appelles toi ou je l'appelle moi ? Toi. D'accord, ok. Bon, attends, je l'appelle. Il y a ma mère qui rigole pour ce que vous avez dit sur lui. Pourquoi ? Pourquoi elle est en train d'écouter. Mais elle trouve que c'est un con, mais c'est normal en même temps, c'est ta mère. Oui. Bah oui, alors ne demandons même pas au père. Mais en même temps, c'est peut-être son ex dans une autre vie. Ah, si vous voulez parler. Oui, hein, peut-être, c'est possible. Il n'arrive pas à oublier. Bon, attends, on l'appelle en direct, Victoria, bouge pas. Ma mère a dit oui, c'est un con. Oui, bah oui, je m'en doutais. Attends, ça se trouve, on va réussir à rabibocher, elle va être contente, ta mère, tiens. Mm. Attends, tu veux le récupérer, toi ou pas ? Vic ? Oui ? Tu veux le récupérer ou pas, toi ? Oui. Oh. Allô ? Allô ? Ouais, salut Albéric. Ouais. Ouais, salut, c'est Mickaël, ça va ? C'est qui ? C'est Mickaël. Ah ouais. Je suis un pote de Victoria là. Mmh. Et apparemment elle m'a dit que tu l'avais viré. Ah ouais. Bah ouais, pourquoi tu l'as viré ? Ah bah comme ça. Comme ça quoi ? Comme ça, comme tu vas au ciné ou comme tu vas bouffer un McDo ? Non, non. Bah pourquoi ? Bah à cause d'une ex. À cause d'une ex ? Quoi, tu as récupéré ton ex ? Non, non, pas du tout. Ah bon, bah alors pourquoi tu l'as viré, je comprends pas. Bah parce que j'arrive pas à oublier mon ex. T'arrives pas à oublier l'autre ? Non. Ouais mais bon, ça fait combien de temps ? Ça fait un an. Ça fait un an ? Non, longtemps. Longtemps ? Ça fait combien de temps ? Ça fait à peu près plus d'un an. Ça fait à peu près plus d'un an. Mais plutôt vers deux ou trois ou quatre ou... Ouais, plutôt vers deux. Plutôt vers deux. Et t'arrives pas à l'oublier ? Mais bon, faut tourner la page hein, ma gueule. Ouais, c'est bien. Ah bah ouais, mais bon, alors quoi ? Et du coup, ta Victoria, tu la vires et tout pour une meuf qui existe plus ? Bah non, c'est pas pour ça, mais ouais, bon, je sais pas comment le dire en fait. Bah vas-y avec des mots. Hein ? Vas-y avec des mots. Avec des mots, ouais, parce que tiens, mais je sais pas comment expliquer. Ah, tu sais pas comment expliquer. Et du coup, on fait quoi avec Victoria là ? Ah, mais c'est ça, à moyen de régler ça. Ah bah ouais, mais il faut le régler là, justement là. Attends, t'es là, t'as 16 ans, t'as une meuf de 17 qui arrive et tout, toi tu te permets de la virer. Mais je l'ai pas viré. Ah bah t'as viré, tu l'as juste viré quoi. Pas viré, mais juste viré. C'est ça ? Non, pas vraiment, mais bon. Bah alors, tu l'as viré ou tu l'as viré ? Viré. Bon, donc tu l'as juste viré, donc c'est pareil. Ouais. Donc rien. Toi tu la vires alors qu'elle a 17 ans, elle est plus grande que toi, déjà elle les prend au berceau et tu te permets. Bah non, je me permets pas, mais ça sert à quoi que je reste avec quelqu'un si je la fais souffrir ? Bah tu la fais pas souffrir, elle demande juste une petite cartouche de temps en temps, c'est tout. Non, moi, maman. Hein ? Voilà, c'est tout. Rien de bien grave, quoi. Eh bien, allez vous faire foutre, cher ami. Voilà. Voilà, exactement. Bon, bah, tout simplement. Donc, tu ne veux pas la récupérer ? Bah, si. Bah alors, mais pourquoi tu l'as virée? On dirait une meuf. Je la vire, mais je la veux encore. Je sais plus, je sais pas pourquoi, comment. Et en plus, eh attends, tu l'as virée quand? Tout à l'heure, ouais. Tout à l'heure? Y a une histoire de Saint-Valentin dans l'histoire ou pas? Non. Tu lui as offert quoi? Du tout. Tu lui as offert quoi? Comment ça, je dois faire quoi? Bah pour la Saint-Valentin, si tu l'as virée hier. Non, c'était tout à l'heure, je vous ai dit. Eh ben tout à l'heure, c'est encore pire, on est le 16, donc ça veut dire qu'il y a 4, le 14, c'était il y a deux jours, tu lui as offert quoi? J'ai rien à offrir. Oh là là! Non mais Victoria! Oui? Mais vire-le! Vas-y, allez, maintenant tu peux le dire. Écoute, tu sais quoi, finalement c'est moi qui te vire. Hop. Non. Vas-y. Non. Si. Sois non. Fort. Vas-y. Non. Vas-y. Non. Vas-y. Non. Vas-y. Non. Vas-y. Non. Vas-y. Non. Vas-y. Non. Vas-y. Non. Vas-y. Non. Vas-y. Non. Attends, passe-moi ta mère. Allô maman? Oui, elle est partie. Elle est où ta mère? Elle est pas là. Bah passe là, attends, je l'entends hurler derrière et tu me dis qu'elle est pas là, t'es sérieuse? Oui. Bon. Albéric? Oui. Bon, tu veux pas la récupérer alors? Albéric? Oh il est mou, ouais. Oh, Albéric tête, oh, de brique. Albéric, t'es sur Fun Radio, c'est Mickaël. Elle nous avait appelé pour nous expliquer l'histoire là. Et puis on s'était marré parce que c'est quand même prof de pas oublier de pas arriver à oublier une meuf de quand t'avais 13 ans quoi. Ouais mais après c'est... Ah ouais, c'est non je comprends, non mais vu comme ça je comprends. Après c'est différent quoi. Ouais non mais je comprends. Très bien, donc c'est définitif, c'est fini, on arrête là, on en parle plus. De quoi on en parle plus? Eh ben on n'en parle plus, je pense que c'est mieux. Bon, Victoria? Oui. Vire-le! Non! Vire-le! Mais vire-le! Mais pourquoi les meufs doivent toujours être attirées par les mecs qui s'en branlent? Parce que ce sont voilà, des femmes. Moi je propose qu'on lui trouve un autre mec ce soir. Ouais ben voilà, tiens, on va faire comme ça, Victoria. Non. Si si. Non. Non mais t'as pas le choix. On va trouver un vrai mec. De toute façon, moi j'ai ton numéro, j'ai ton adresse, tout le bordel. On va t'envoyer un mec ce soir à minuit, tu vas voir. Ouais, c'est cela, oui. Ah ouais, tu vas. Et elle fait la valise en plus, tu vas voir. Tu vas voir. On va mettre un petit nœud autour de son cou. Voilà. Et tu préfères Albertric là ou Albertric là qui te dégage comme ça, il t'offre rien pour la Saint-Valentin. Et il te dégage telle une merde. Eh ben c'est mal. Bon, si vous êtes intéressé par Victoria, en plus vous avez remarqué qu'elle est plus couverte. N'hésitez pas, hein, 01 42 48 5000, 028 51 4x0 pour la Belgique. Hein. Albéric, on va pas te déranger plus longtemps parce que... On va pas te fatiguer. D'accord. Ouais, non, mais il a une croisade à aller faire, il peut pas tout faire. Ouais, non, là, il y a beaucoup. Salut avec Albéric. Avec Sir Godefroy. Oui. Salut Albéric. Au revoir. Bon, Victoria, reste avec nous, on va faire les appels de Toff. Là maintenant, on va prendre Vincent après pour parler aussi de la Saint-Valentin. Il y aura Céline également pour parler de Scoot, la colle avec Renault. Mais avant cela, évidemment, c'est parti pour les appels. Et on va parler d'amour. Ah oui, parce qu'on a demandé aux gens ce qu'ils faisaient après l'amour. Exactement, c'était beau. Une fois qu'ils avaient fini de bourrer madame. Oui, c'était pas dit comme ça, enfin je pense. Ah pardon. Mais on va appeler maintenant, donc c'était la semaine dernière, les meilleurs appels de la semaine qu'on vous diffuse le dimanche. Et puis je vous rappelle que si vous connaissez des gens qu'on peut appeler, qui sont un petit peu, je vais pas dire nerveux, mais dans le même esprit en tout cas, n'hésitez pas bien entendu à proposer tout ça sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Laissez les numéros et nous on les appelle tout au long de la semaine. Et là c'était l'appel donc pour savoir qu'est-ce qu'ils font quand ils ont terminé de faire l'amour avec madame ou avec monsieur. Et ça a donné ça, justement, écoutez. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir ce que vous faites après avoir fait l'amour. C'est qui, t'as enculé là? Moi je m'appelle Toff monsieur. Ah ta gueule. Bah pourquoi vous me dites ça monsieur? Voilà, en toute simplicité, donc on l'avait rappelé. Cours rapide, efficace. Cours rapide, efficace. Deuxième appel, toujours pour la même question et je suis toujours chez la même personne. Qu'est-ce que tu veux? Bah je veux savoir ce que vous faites après l'amour monsieur. Bah je me branle sur le cul de ta mère, d'accord? Non mais c'est une fois... Après je vais te fourrer ton foie à quenelle avec mon gros gland là, tu vas voir espèce d'enculé là. Non mais monsieur, faut pas le prendre comme ça. Mais il le prend comme il veut en même temps. Hein. Bon, on l'avait donc, on l'avait rappelé encore un coup. Là, c'est parti. Allez. T'as pas compris hein. Bah, non, pas vraiment, monsieur, parce que je vois pas le rapport par rapport à ce que vous faites après l'amour. Eh bah, je me suis sur le cul de ta mère. Tu as compris là? Bah oui, j'ai compris, mais je vois pas le rapport, monsieur. Bah, je vais te dire ce que je vais faire. Oui. Toi, je vais te mettre à quatre pattes. Oui. Hein, je vais te la mettre bien profond dans ton trou du cul. Oui. Tu vois, ton trou du cul, c'est un bon four à quenelle, hein, d'accord ? Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Hein ? Oui. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Non. Hein ? Eh ben, un four à quenelle, un four à bite, ton cul, c'est. D'accord ? Ah un oui. Un gros four à bite, une grosse cheminée, tu vois ? Hein ? D'accord. T'as compris là maintenant ? Bah oui, enfin j'ai compris non, parce que je vois pas le rapport avec ma question, monsieur. Eh ta gueule, tu m'as gonflé là. Hein ? Enculé de tarasse. Ah non, monsieur. Ah si. On l'avait encore un coup rappelé une dernière fois quand même, il avait l'air tellement gentil. Trop bon. Trop bon même. T'as pas marre de me casser les couilles, espèce d'enculé ? Mais non, je veux pas vous casser les couilles, monsieur, je veux juste savoir ce que vous faites après l'amour. T'as vraiment une boîte tapette hein, quand même. Ah non, monsieur, non, on pouvait pas vous dire ça. Oh ta gueule, putain, tu m'as gonflé là. Oui, je suis en train de bosser là. Bah oui, mais dites-moi ce que vous faites après l'amour, comme ça je saurai, monsieur. Mais qu'est-ce que je fais après? Moi ce que je fais après, oui. Je bois une bonne bière, un bon pétard et après je vais me coucher. Eh ben voilà. Bah oui, là ça me va. Hein, putain, t'as vraiment une voix de tafiole hein, quand même. Hein. Bah non, monsieur. Bah si, apparemment. Bon, on en fera d'autres tout à l'heure. Il y a le chéri, je peux te faire cocu, qui va débarquer dans quelques minutes. Restez bien avec nous. On va se refaire la colle également. Là, on a un petit peu de temps. Tiens, avec Renaud qui est toujours avec nous. Là, toujours là, Renaud. Oui, toujours là. Toujours là pour gagner le smartphone Arcos 45 Platinium qui vaut 200 euros avec Android à l'intérieur. Il faut découvrir pour ça la colle de Renaud. Vas-y, on t'écoute, Renaud. Pour couvrir ma maîtresse, je me gonfle et me dresse. Quand j'ai fini mon service, je me plisse et je pisse. Mais qui suis-je ? Voilà, vous avez la bonne réponse. Envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Il y a Pierrick qui proposait le pénis. Non. La femme ? Non plus. Ou une capote ? Ah non. Non, bon bah tant pis. Allez, c'est pas grave. On va te reprendre dans quelques minutes, Renaud. On donne la réponse avant 22h. Si vous avez la bonne réponse, eh ben à vous de jouer. facebook.com/Mickaël officiel. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez Mickaël. Suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio, en direct dans toute la France. On est là également tous les soirs, hein, juste après Love in Fun, à partir de 23h. Donc continuez à faire passer le message chez vous, au bahut, un petit peu partout. N'hésitez pas, il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Et même Miko d'ailleurs écoute, hein, Miko qui est là d'ailleurs, il est là dans le studio, il écoute en direct et tout, il est au taquet. Oui. Voilà, il est là, il est tellement fan, il est collé à Toff et tout, je pense qu'il y a une histoire qui se passe là. Mais oui. Je pense qu'il y a une histoire. Voilà, c'est ça. Miko, vous retrouverez. On va se passer le désir, tu vois. Voilà, Miko, que vous retrouverez la semaine prochaine, dimanche entre 18h et 20h, dans l'Eurodance 25. Bon, il y a la colle qu'on va récupérer dans quelques minutes avec Renault. Et il y a toujours l'écran plat à gagner, écran plat Full HD que vous pouvez gagner simplement en faisant un like et un partage sur la photo où il y a l'écran plat sur le Facebook de l'émission. Donc c'est pas compliqué. Vous faites un like et un partage. Et si vous êtes tiré au sort avant minuit, eh bien vous repartirez avec ça. En plus, il n'y a pas d'SMS ni rien. Donc c'est un jeu gratuit. Vous pouvez y aller. facebook.com/Mickaël officiel. Et puis un son que vous avez découvert dans Party Fun sur Fun Radio, le son de David Guetta, qu'on va vous mettre dans quelques minutes là. David Guetta donc avec Shut Me Down, le petit nouveau. Voilà, je vous le casse dans quelques minutes, donc restez bien évidemment sur Fun Radio. On va se refaire d'autres appels de Toff, ce sera tout à l'heure en direct sur Fun Radio, donc continuez à rester avec nous bien entendu. Et puis on parlera aussi de Chéri, je peux te faire cocu. Eh oui, vous souvenez, c'était la semaine dernière. Il n'était pas énormissime, il était plus qu'énormissime, le Chéri, je peux te faire cocu, puisque c'était avec Delphine qui nous avait appelé pour faire le Chéri, je peux te faire cocu justement. On va également récupérer Vincent dans quelques instants pour parler de la salle. Valentin, Victoria. Victoria. Elle ose plus nous parler, Victoria, parce qu'elle sait que j'ai des mecs pour elle. Victoria. Oui, je suis là. Ah, elle est là, parfait. Victoria. Oui. Très bien, il y a plein de mecs pour toi, Victoria, qui sont là au standard. Plein de beaux gosses. Plein d'hommes, des personnes qui sont plus matures, Victoria, que le mec qui t'a viré comme une merde. Qui ont déjà oublié leur amour de 13 ans. Complètement. Victoria, tu restes avec nous, hein ? Oui. Oui, très bien. Et puis on va récupérer Céline aussi, là, qui appelle de Fontaine, dans l'Isère. Salut Céline. Salut. Comment ça va, Céline ? Ça pourrait aller mieux. Oh, qu'est-ce qui t'arrive en deux mots, là ? On va en parler dans quelques minutes, hein, mais qu'est-ce qui va pas ?

Bon. Mais Damien, d'habitude, bon, d'habitude, je demande de t'excuser, mais là, je pense que c'est pas possible. Mais c'est. Mais non. Tu veux que je m'excuse de quoi? Mais non, mais non, mais non. Tu veux tuer, toi? Moi, je vais venir te faire mettre le feu à ton cul. Damien. Damien. Écoute ce que j'avais à dire. Damien, c'est tough. C'est tough. T'es en direct sur Fun Radio. Voilà, si tu viens le tuer, n'hésite pas, c'est, je m'appelle Toff. Ah, arrête, tu me prends pour un con là ou quoi? Mais non, mais enfin, t'es à la radio. Damien. Mais non, mais t'es à la radio. Eh, hey, regarde, je vais te mettre ta jingle, si tu me crois, tu me crois pas là. Regarde, je t'en mets un là, regarde, attends, il faut que je le cale là. Attends, merde. Voilà. Tous les soirs, 23h, 2h. Voilà. MKL, nos limites. Mais oui. Sur Fun Radio. Voilà. Mais oui. Ah, écoute, elle nous avait dit que t'étais plutôt du style à t'énerver rapidement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi, aussi fort. Ah non, mais c'est un pur Marseillais, tu peux pas tomber. Ah bah oui. Eh, allez, l'OM. Ah ouais, l'OM, ouais. Ah, l'OM, eh oui, gros but. Ah, ça l'a calmé, tiens. La prochaine fois, on serait possible d'attendre que je prenne un café, au moins, là. Ouais, mais dis-toi, vois le côté positif, c'est-à-dire que là, maintenant, t'es un peu nerveux, mais tu te dis quand même que c'est une bonne nouvelle, ouais, que ta femme est à la maison, que tout va bien, et que le Michel est pas du tout tout près d'elle, quoi. Non, putain, mais sérieux, là, tu m'as mis les nerfs, putain, j'ai les Bon, ça j'abrose va aller, ça la va aller. Que j'arrive. Ah ouais. Je vais te mettre le 44 tonnes dans le cul. J'ai adoré. Allez, rock'n'roll, Damien là. Bon, bah, ouais, non. Bon, bah Delphine, on va quand même te filer le casque audio. Ça vaut 200€. On va t'envoyer ça. Je te repasse Sandro au standard. Ça ou va, alors, ou Damien. Enfin, l'un des deux. De toute façon, ça arrivera au même endroit. Il y a pas de problème. Merci en tout cas d'avoir joué. Gros bisous tous les deux et bon merci courage, Damien. Damien. Allez, l'OM. Allez, l'OM jusqu'à la mort. Eh oui. Allez, bonne soirée à vous, bye. Bonne soirée. Et allez l'OM, oui, bye. Et allez l'OM qui joue là, ça y est, ça va commencer là. Allez Paris. Saint-Étienne. Non mais c'est pas Paris, il a rien compris. C'est pas grave. Saint-Étienne, Marseille qui va démarrer maintenant. On va voir comment ça va se passer. D'ailleurs, si vous avez des pronostics, dites-nous, hein, facebook.com/MIKL officiel. Ou alors par SMS également, il y a Mika qui dit yeah, MIKL, vous faites trop délirer, là, trop bon de vous écouter. Bah merci Mika. Il y a Romain, tombé 30 fois en scout, faut le faire. Bah oui, c'est avec Céline, on va en parler dans quelques minutes. Et Phoenix qui dit explosé de rire, il est énormissime le chéri, je peux te faire cocu. On en refera un autre demain, hein, si vous voulez jouer avec nous. Bah n'hésitez pas, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour vous inscrire. Il y a Cam aussi qui dit pourquoi ma fille est accro à toi, elle t'écoute jour et nuit. Ah bah je sais pas Cam, peut-être parce que... elle a bon goût. Ouais, et quoi, je peux me mettre un pote pas mal. Il y a Tess qui dit un petit resto chinois, ça fait du bien après ça. Écoutez, Mickaël, ça lance une super soirée. Oui, très bonne toi. Bientôt, écoutez, oui, le détente et le temps de toi. D'accord, pas de problème avec le dire. Voilà, et Ginette du 26. Ce jeu, c'est celui qui m'a fait le plus rire niveau insulte. Michel et sa descendance de père en père, j'adore. Ah bah oui, attends, c'est toute une histoire avec Michel. Qu'est-ce que vous croyez, vous? On fera la canular aussi tout à l'heure. Hein, donc, si vous voulez, vous aussi, d'en faire un pour gagner les cadeaux, bah appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Alors, avant d'écouter David Guetta et Jason Derulo avec Marry Me, il y a Vincent qui voulait lui réagir par rapport à la Saint-Valentin. Salut Vincent. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Bon, ça va et toi? Eh ben écoute, ma foi plutôt pas mal, hein, on a passé un bon week-end. T'as passé un bon week-end toi? Bon, ben j'ai connu mieux, mais bon, voilà, on fait avec quoi. À cause de la Saint-Valentin, t'as foiré? Ah ben c'est pas que j'ai foiré, c'est elle qui a foiré. Pourquoi? Elle t'a viré ou elle t'a offert un cadeau de merde? Ah ben écoute, non, elle m'a viré après pas mal de choses quoi. Ah bah explique. Tu as fait de la merde. J'ai l'impression que tu veux pas le dire, tu vois. Ouais, bah, si. Moi y a pas de souci, c'est pour ça que je suis en ligne. Mais bon, après avoir réservé une semaine à New York, un week-end à Walt Disney, je vais dire je me suis fait jarter pour un autre quoi. Oh bravo! Attends. C'est parce que Disney et New York c'est pas, y a pas. Ah ben bah écoute, si, en fait, on avait prévu un week-end à Disney au mois de mars. À Paris? Oui. D'accord, ok, je croyais que tu parlais de Disney World, mais ça c'est en Floride, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Non, Disney à Paris, d'accord. Alors une semaine à New York au mois d'août, et je me suis fait jarter en me disant qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Attends, et c'est débile, sachant qu'il y a tout ça, pouvait pas attendre au moins la fin du mois d'août pour au moins avoir tout, profiter de tout. Faut tu fais quoi du billet? Parce que sinon moi je pars avec toi au pire, hein, c'est pas grave. Hein. Mais le billet, justement, je suis à la recherche de quelqu'un pour partir. J'ai plusieurs demandes et voilà, mais j'attends. Ah, sinon, il y a Abdou, l'éditeur, là. Bon, il n'est pas très sexy physiquement. Non. Hein. Ah, non. Pour un mec. Je suis preneur. Hein, pour hey, Abdou, c'est pas le mec le plus bonasse, tu vois ce que je veux dire. Hein, en si, termes si, de... elle est bonne, Abdou. Oh, et elle fait du bon gâteau. Ah, elle cuisine bien. Elle cuisine bien, Abdou. Et ça, il n'y a pas de problème. Bon, Vincent. Ouais. Vincent, attends, parce que sinon on peut te trouver quelqu'un. Attends, Céline, tu veux pas aller à New York? Pourquoi pas? Eh, hey, t'as vu? Bon, par contre, Vincent, faut pas lui louer de voiture ni de scooter, hein, parce qu'elle a un peu de mal à. Enfin, sur tout ce qui roule, elle a un peu de mal à s'en sortir, Céline, ça c'est clair. Je vais être franc avec toi, les transports entre hôtel et aéroport étaient prévus en limousine avec champagne, quoi. Oh là là, il va bien, Vincent, là. Et Céline, aucun risque d'accident. Ah ouais, ah, il l'a mis très très bien, là, Vincent. Et en parlant d'histoire. J'ai mis un barreau et je me suis bien fait mettre. Ah ouais, là, complètement. Ouais. Et en parlant d'histoire de merde, à propos de la Saint-Valentin, écoutez ça, c'est quand très très fort aussi en termes de cadeaux. Pour Anaïs, j'ai trouvé une petite robe super sympa, un truc top quoi. Petit, ça ressemble à rien. C'était bouffant. J'aimais pas la matière, j'aimais pas la couleur bleu canard, j'aimais pas la forme. En gros, j'aimais rien. Je la trouvais juste hideuse, la robe. T'es trompé sur toute la ligne. Vas-y, bah donne-la à quelqu'un. Et là, je le retrouve comme un con devant tout le monde. Pour moi, sur le moment, là, j'ai juste envie de l'attraper et de la noyer dans la piscine. Oh, la violence. Eh, mais en même temps, qui dit d'offrir une robe bleu canard? Enfin, déjà, bleu canard, je vois pas très bien à quoi ça ressemble. Bah, tu sais, c'est le truc qu'ils ont sur la tête, hein, un espèce de bleu vert, là. Ah, tu sais, il y a des canards, oui. Ils ont ça un peu bleu-vert comme ça, c'est bizarre. Ah, non, j'avoue, la couleur est pas terrible. Ah, la couleur est même plutôt hideuse. Là. Je comprends la film, après, c'est le geste, tu vois. C'est ça, c'est le geste. T'as reçu quoi, Céline, tiens, pour la Saint-Valentin? Un accident. Non, même pas pour une fois. J'ai pas fait. T'as pas fêté la Saint-Valentin, bah écoute, ouais. C'est une manière de voir les choses. Sinon, il y avait une bonne mutuelle comme cadeau sympa pour toi. Ouais, une mutuelle, ouais. L'assurance. MMA. Non. Je te ferai un abonnement chez MMA. Bon, reste avec nous, Céline, on va parler des accidents dans quelques minutes. Vincent, bah, on va essayer de te trouver quelqu'un pour venir à New York avec toi, alors. Ouais, meuf presse, pas de soucis. Ah bah attends, une meuf, t'es dans quel coin, là? T'es à Derouet, c'est où, ça? C'est Pervé, non? Vraiment, allons, Belgique. Ah d'accord, je croyais que c'était Perouet. Donc effectivement, tout près de Bruxelles. Donc si vous êtes dans le coin, bon, peu importe, hein, même si vous êtes ailleurs, vous pouvez faire le déplacement jusque-là, c'est pas un problème. Ça part d'où, de Bruxelles, l'avion? Oui. C'est un vol direct ou pas? Parce que ça change beaucoup de choses. Hein. Direct, oui, un direct. Vol direct. En business ou en éco? En écho. Oh putain, espèce de crevard. Non mais t'es sérieux là? Qu'est-ce que c'est que ce cadeau de merde? À qui tu veux qu'on fourque ça, nous? Eh, t'offres ça à ta meuf, à New York, aller-retour, en écho? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non mais t'es pas sérieux pour les vols. Arrête ton cinéma, il y avait plus que ça. C'est genre la business était blindée et il restait plus que de l'écho. Bah merde, oui, bah oui. Écoute, en même temps, Bruxelles, il n'y a pas énormément. Hein. Non mais je plaisante, non mais je rigole, Vincent, c'est très bien, t'es sérieux là. Je suis bien. Bon, bouge pas, on va parler avec toi dans quelques minutes, on va récupérer Victoria, on va essayer de trouver une meuf, un mec, pardon, il y a Adrien, il y a Mickaël pour toi, Victoria. Tu as vu la chance, Victoria, tous ces gens, tous ces mâles qui sont là en rut pour toi. Ça va être beau, non? Elle a pas l'air plus motivée que ça, mais t'inquiète pas, on va te trouver quelqu'un, Victoria. T'inquiète pas, tu vas avoir Victoria. Mais oui, t'inquiète. Et t'as vu, j'ai même calé la chanson de mariage. Ouais, d'accord. On va être au top, tu bouges pas de là. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres savantes des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros cadeau. Mickaël No Limit, tous les dimanches, 20h à minuit sur Fun Radio. Et on est en direct, évidemment, la Mélanie qui a envoyé son message sur le Facebook, là, moi pour la Saint-Valentin. J'ai été au loto, j'ai gagné une friteuse. Oh, génial, putain, waouh. Ah là on est bon là, il y a des bons achats aussi, Mélanie, bah, pour acheter l'huile, c'est bien. Camille qui dit moi je veux bien s'il faut rendre service, je suis prête à me sacrifier pour aller à New York. Oh Camille, quelle bonté. Et Sébastien qui dit s'il te plaît Mickaël, je voudrais un message de bienvenue bien salace pour ma femme que j'ai convertie à Fun. Alors si c'est pour ta femme Sébastien que t'as converti en plus à Fun, alors pas de problème. Bah voilà. Tu es que je te le dise. Ouais. Que tu peux poser à ta, comme question à ta femme si tu veux, Sébastien là. Et Dédé qui dit elle devrait même se déplacer à pied pour être tranquille. C'est vrai aussi, ça c'est par rapport à Céline qui a eu 30 accidents en scout. Vincent avec la Saint-Valentin et surtout sa meuf l'a viré alors qu'il a déjà réservé un billet d'avion pour aller à New York au mois d'août. Donc en plus, attention, et pépère, hein, limousine, transport entre l'avion et entre l'aéroport et l'hôtel et tout, il s'est mis bien là. Donc il cherche quelqu'un, surtout quelqu'une, pour faire le voyage avec lui. Départ de Bruxelles, mais c'est pas très grave non plus, même si vous êtes à Marseille, ça vaut quand même le coup, hein, de faire le déplacement ça. Jusqu'à Bruxelles. Bon, après, le TGV, c'est pas si cher que ça. Voilà, c'est ça. Et puis on va récupérer Victoria aussi et ses deux hommes qui seraient éventuellement prêts à... Enfin bref, on dit pas plus, on verra ça dans quelques minutes. Le temps d'écouter justement le son de Jason Derulo maintenant sur Fun Radio. Il y a toujours l'écran plat gagné sur le Facebook. On vous attend, hein, facebook.com/MIKL officiel. C'est Marry Me sur Fun Radio. 105 is the number that comes to my head. That's precisely what I plan to do. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-L. Suivi de votre message au 64-900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Allez, continuez à balancer tous vos messages. Continuez également à faire la promo de l'émission auprès de vos potes, bien entendu. Il y en a plein qui sont pas encore au courant. Qu'il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. C'est de 20h à minuit le dimanche, de 23h à 2h toute la semaine. Et Sébastien qui dit merci pour le message de bienvenue. Et ma femme te fait de gros bisous. Avec plaisir, Sébastien. Tiens, tu lui feras de gros bisous également. Amandine qui dit je suis en train d'attendre l'heure de ma séance de cinéma et sérieusement vous me faites trop rire, surtout avec le chéri, je peux te faire cocu. Mais Amandine, va pas au ciné, qu'est-ce que tu vas y foutre au ciné, Amandine, alors qu'on est là, hein, mais on oui, est là pépé. Tranquille, entre amis, la famille jusqu'à minuit, là, bah t'iras au ciné demain. Dédé qui dit elle devrait même se déplacer à pied. Il y a Ariel qui dit abandonne le scooter et la voiture et tente la luge. C'est une idée, alors le problème c'est que. Ça manque un peu de neige pour l'instant. Emeline aussi qui dit merci Mickaël, je voulais l'écouter en plus, t'es le meilleur. Ah le chéri, je peux te faire cocu avec plaisir. Ah oui non, le titre qu'on a mis, autant pour moi. Et Julien qui dit Albertric est sponsorisé par Passage du Désir, mort de rire. Ah oui ça c'est sûr. Ouais. Bon, on va récupérer Vincent là dans quelques minutes et on va d'abord terminer avec Victoria. Vic, tu vois. Oui. Maman, je passe à l'antenne. Maman. Ah, tu as demandé d'éteindre la radio, d'accord, ok. Ouais. Bon, adore. Donc je rappelle que Victoria nous avait appelé à la base pour parler de la Saint-Valentin. Son mec l'a viré, machin, blablabla. Bla, bla. Elle a 17 ans, lui 16, et il t'a viré parce qu'il a... Pardon. Parce qu'il n'arrive pas à oublier son ex. Donc il a 16 ans, hein. Souvenez-vous bien de cette information importante parce que ça fait toute la vanne. Donc il a 16 ans et il n'arrive pas à oublier son ex d'il y a 3 ans. Oui. Pardon. Et donc du coup, bon, il t'a viré pour ça. On l'a eu en direct à l'antenne. Il a l'air très motivé. Il a une joie de vivre qui est quand même assez exceptionnelle. Faut dire les choses, c'est vrai. D'ailleurs, il m'a envoyé un message, il m'a engueulé. Ouais. Il t'a engueulé, bah au moins ça prouve qu'il est autre chose que monotone, tu vois. Me voilà rassuré. Je pense qu'on a oublié le principal. Je pense qu'on a oublié le principal, c'est de dire son nom. Son nom. Il était mal à l'aise. Oui, oui, mais enfin il s'appelle Albéric aussi, et ça je peux comprendre, cela dit, au niveau du. Qu'il est pas à l'aise. Enfin, soit, c'est pas grave. Le fait est qu'il t'ait viré et ça se fait pas. Bon, surtout quand t'as 16 ans et que la meuf en a 17, normalement t'es plutôt content, t'es plutôt fier, tu te la ramènes un peu. Sauf que lui il a compris tout l'inverse. Bon, ouais. Victoria. Oui. Il y a un des deux auditeurs dans le standard, il ne faudra pas le refuser. Mm-hmm. Parce que ce sera quelqu'un de bien, je te laisserai le deviner lequel. Il y a Adrien qui est avec nous de Maubeuge, salut Adrien. Bonsoir Mickaël, salut. Ça va, 18 ans, Maubeuge, donc Adrien en pleine forme. Super, super. Très bien, et quelqu'un évidemment, Mickaël, 18 ans, ah bah de oui. Vitry-sur-Seine. Je ne dis pas lequel des deux est mieux que l'autre. Ah c'est moi. Vous devinerez bien entendu moi. Tout seul, on verra. Bon. Mickaël ? Ouais. Ça va bien ? Ça va, la pêche est venue. Bah très bien, sinon qu'on t'entend pas très bien, Mickaël. T'as le kit ma libre ou le haut-parleur là, non ? Je suis en train de bosser. Ah, tu fais quoi ? Je suis dépanneur. Ah, dépanneur, oui, d'accord, ok, très bien. Donc pour Céline, c'est un petit problème aussi, on peut venir, y a pas de soucis. Oui, bah elle est à Fontaine dans l'Isère, donc ça va être un petit peu plus compliqué, mais bon. Elle fait tout le monde, lui ou quoi ? Ah, bah lui, il va à fond, il a raison. Ah, faut profiter de la vie, moi. Mais oui, mais oui. Bon, Mickaël, je te présente Victoria. Victoria, Mickaël, je te mets même un petit slow, tiens. Salut Victoria. Salut. Parfait. Eh ben je pense que là on est au top. Salut Victoria, salut. Voilà, je pense que là on était quand même plutôt pas mal en termes de drague. Bon, allez, on recommence, Mickaël, Victoria. Pourquoi est-ce que t'es meilleur que les autres ? Parce que je suis unique en mon genre. Oui, mais ça peut être positif comme négatif, hein. Ouais, mais à chaque fois ça passe. Y a pas de soucis pour ça. À chaque fois ça passe. Ça passe crème. Ça passe crème, toujours, ouais. Toujours la crème, ça passe. Oui, oui, on a compris ça. Bon, pour en revenir aux choses sérieuses, pourquoi, donc vas-y, explique-nous, pourquoi elle, si elle devrait te choisir toi, par exemple? Parce que moi, j'ai pas d'ex. Je pense pas aux ex. Je pense avec la personne actuelle avec qui je suis tout le temps. Oui. Après, j'ai les yeux bleus, j'ai les cheveux bruns, et je suis là, je suis prêt à tout. Ah oui, si t'es prêt à tout, alors. Ah non, pas du tout le racaille. Pas du tout. Bon, et Adrien? Ouais. Alors, vas-y, toi, pourquoi est-ce qu'elle devrait te choisir, toi? Je te mets l'autre slow. Bah, parce que moi, je suis le plus beau, je suis le plus fort, et tu sais tout ça, hein. Ah ouais, là, mais là, vous êtes bon, là, oui. Vous vendez quand même pas mal, là, les mecs, hein. Là, vous êtes pas mauvais, vous êtes très mauvais, hein. Même moi qui suis un piètre dragueur, je pense que j'aurais fait mieux. Non mais c'est vrai. Après qu'elle veut, là je suis en voiture, je peux venir chez elle quand elle veut. Ah bah voilà, en plus il est en Picardie. Et passe-moi ta mère, Victoria là. On va arranger des choses là. Ramène-toi. Voilà, hop là. Comment elle s'appelle, maman? Comment elle s'appelle, maman? Par contre, tu laisses le téléphone là-haut, s'il te plaît. Ouais, ouais, Victoria, comment elle s'appelle, ta mère? Valérie. Valérie. Allez, Valérie, là, viens au téléphone, là. Allez, Valoche. Oui, allô? Oui, Valoche. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Oh là là, c'est un bordel, m'en parlez pas, mon cher. Bon, bah, dites-moi, alors, évidemment, c'est compliqué, ma chère. Bon, qu'est-ce que vous pensez des deux, là, des deux prétendants, là, Adrien ou Mickaël? Qu'est-ce que j'en pense? Bah, pour l'instant, rien de bien particulier. Bon, il y a Adrien qui vient boire un petit thé, là, ce soir, vous l'accueillez? Ouais, bouge pas, bonne maman, allez. Non, mais Valoche, alors quoi? Ah bah non, pas ce soir, demain mais si. Tu veux, mais pas ce soir. Mais non, mais là ce soir. Non mais là ce soir, il arrive comme ça, on suit le truc en direct à l'antenne, il arrive, il boit un petit verre et puis voilà. Oui, bien sûr, mais d'où il sort celui-là? Il vient du nord là, mais il vient en voiture, hein, vous inquiétez pas. Tuné, en voiture tuné. Voilà. Bon, donc il arrive là, il est sur la route. Ouais, d'accord. Bon, vous êtes... l'attend alors. Non mais sérieux là, il vient. Il vient. Allez Valoche, rock'n'roll dans l'esprit là. Bon allez. Ouais, ça y est, rock'n'roll. Bon, allez, parfait. Bon, Adrien, tu prends la voiture? Vas-y, je suis dedans, là, je suis dedans. Eh ben, parfait, on va te donner l'adresse en antenne. Ouais, moi, je voulais juste savoir, Valoche, t'es célibataire? Oui. Ah, combien mesures-tu, Valoche? 1m60. Combien pèses-tu? 60 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Ah, mon tour. Non, je ne le dirai pas. Mais si, c'est entre nous, ça reste entre nous. Oui, bien sûr. Mais oui, ça reste entre nous. Non, je ne le dirai pas. C'est que ça doit être du lourd. Bon, quelle lettre alors? Quelle lettre, au moins la lettre? C'est... Ah oui. Ouais, c'est bien. Et la taille du dernier pantalon que belle maman a acheté? Comment? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 40. Ah oui. Je peux venir aussi? Non. Ah non, ben voilà, tu vois, Tof, hop là, un râteau, c'est parti. Ah, je suis déçu. Bon, Adrien. Ouais. Adrien, on va te repasser aux antennes avec Valoche, on va prendre l'adresse. T'y vas ce soir, Adrien, on te rappelle quand t'es sur place, d'accord? Ouais. Non, mais depuis quand c'est. C'est les filles là qui vont faire la loi là, les filles mineures. Non mais c'est sérieux, oui. Bon, Valoche, à tout de suite. À tout de suite. Allez, hop, ça c'est fait. Mickaël, bon malheureusement, c'est un échec cuisant, hein, mais c'est bon. Oh, c'est pas grave, y en a d'autres. Mais oui, bah certainement, évidemment, y a pas de problème. Bon, et eh bah écoute, Mickaël, quand tu veux, hein. Bah y a pas de souci, un gros bisou à tout le monde. Salut, Mickaël, à bientôt. Salut. Ciao. Allez, bye. On va faire la colle aussi, là maintenant, là en speed. La colle maintenant, c'est avec notre ami Renaud qui est retour à Avignon, là. Ça va toujours à Avignon, Renaud? Oui, toujours à Avignon, hein, je peux bouger. Ah oui, j'imagine bien que t'as pas déménagé depuis tout à l'heure. Bon, on y va, Renaud, c'est parti, refais péter la colle, s'il te plaît, pour peut-être repartir avec le smartphone. C'est un Narcos 45 Platinum qu'on vous offre, ça vaut 200 euros, il y a Android dedans, c'est la folie furieuse. Vas-y, on t'écoute. Pour couvrir ma maîtresse, je me gonfle et me dresse. Quand j'ai fini mon service, je me plisse et je pisse. Mais qui suis-je? Alors, pour couvrir ma maîtresse, je me gonfle et me dresse, c'est ça? Je me gonfle et me dresse. Quand j'ai fini mon service, je me plisse et je pisse. Qui suis-je? Bon, alors, si vous avez la bonne réponse, eh bien, vous n'hésitez pas, bien entendu, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64-900 ou alors au 63-22 depuis la Belgique ou alors sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Et puis, on donne la réponse dans une bonne demi-heure, hein. Dans une bonne demi-heure, Renaud, on verra, c'est toi qui gagne. Je te souhaite bonne chance en tout cas. Si vous avez vous la bonne réponse, on tire au sort parmi l'un d'entre vous. Si vous passez à l'antenne et que vous avez la bonne réponse, c'est gagné. Dans les autres cas, c'est perdu. Et à ce moment-là, c'est Renaud qui chope bien entendu le smartphone. Renaud, à tout de suite. Ouais. Yes, à tout de suite. Et vous pouvez bien sûr voir la colle également et y répondre. Et là, c'est gratuit sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKAELOfficiel. Retour avec Céline dans quelques minutes avec tous ces accidents. Retour avec Vincent également. On va essayer de lui trouver une fille là, qui pourrait partir éventuellement avec lui à New York, puisqu'il s'est fait larguer alors qu'il avait prévu ça comme cadeau pour sa copine. Dur, dur. Hein. Il y a la scène aussi qui dit Victoria, à quel âge? 17 ans, la Victoria. Et Secret Key qui dit on a déjà un super héros avec Mikael et un super zéro avec Toff. Pourquoi aller au cinéma? Exactement. Et Christelle qui dit enfin posé chez soi avec Mikael. Quoi de mieux? Continuez comme ça, mes chéris, je vous aime. Et nous aussi, Christelle, on t'aime. Et Tess qui dit sans Mikael, on n'aurait pas notre dose de rire et on serait en manque total. Mais ça tombe bien, on est là tous les soirs. On va se faire le son de... Qu'est-ce qu'on va se mettre maintenant, tiens? Ah bah David Guetta, je suis con, j'en parle depuis tout à l'heure. David Guetta, les appels de Toff juste après. Chaud, avec prêt? Plaisir, moi toujours. Parfait, on fait ça dans quelques minutes sur Fun Radio. 21h26, on est en direct hein, sur Fun Radio jusqu'à minuit. Passez le message autour de vous. Et ajoutez-moi aussi sur le Twitter si vous n'êtes pas encore là. Vous tapez MIKAEL_officiel. Et je vous ferai un petit follow également après David Guetta. C'est Shut Me Down. I was 5 and he was 6. Pour bien comprendre, Mikael No Limit, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi, je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon t'as bardé. Mikael No Limit, de 20h à minuit, sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, allez, bienvenue si vous arrivez, Mikael No Limit, 21h29, avec DJ Coma qui dit, non mais Victoria, oublie le mec, là, il t'aime pas, il te fout de ta gueule, c'est vrai. Emeline aussi qui dit, mon ex m'a offert un bracelet pour la Saint-Valentin. Ouais, si c'est ton ex, c'est bizarre quand même, hein. Et le... Peut-être qu'il voulait des choses. Ouais, peut-être, ouais. Le prince Nadia qui dit aussi, moi je n'ai qu'une seule chose à dire, tu prends le manche en main et prêt, tu guides. Exactement. Bon, et continue aussi, je rappelle qu'il y a le top tweetos. Hein. Tout à l'heure, on verra, on offrira le cadeau aussi, bien sûr, un cadeau à celui qui sera le plus influent sur le Twitter de l'émission. Donc allez-y, mettez un maximum de messages avec le hashtag MIKAEL, comme tous les soirs. Ce sera vers minuit le dimanche soir et vers 2h tous les jours de la semaine. Celui qui envoie le plus de messages et qui est élu l'auditeur le plus influent de la soirée. Alors c'est pas nous qui décidons, on a une machine qui un programme qui compte évidemment le nombre de vos tweets, hein. On fait pas ça comme ça au hasard, bien entendu. Bon, Sébastien qui dit coucou Mikael, ce soir j'ai converti ma femme à ton émission, peux-tu... Ah oui, je l'ai déjà lu celui-là. Il y a Romain qui dit c'est quoi ce prénom? Ah oui, c'était Albéric tout à l'heure. Oui, bah c'est particulier le prénom, je dois bien admettre. Retour avec Céline, et c'est vrai qu'on en avait parlé puisque c'était la Saint-Valentin, donc un mec qui... un couple londonien. Lui part en Australie pour le boulot, sa femme peut pas le suivre parce qu'elle a pas encore les papiers. Elle va arriver, il est déjà en Australie depuis quelques temps. Et à un moment, il se rend compte qu'il y a une bonne promo pour aller quelques jours à Londres. Il décide donc d'y aller. Et quand il arrive sur place, que se passe-t-il? La femme, enfin sa femme, sa copine n'est pas là. C'est sa mère, la belle-mère en l'occurrence, qui ouvre la porte et qui ne sait pas trop comment lui dire ce qui s'est passé. Mais à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai posé la question depuis tout à l'heure. Et il y en avait qui me dit ouais, parce qu'elle l'a trompé, parce qu'elle est morte, parce qu'elle s'est barrée avec un autre, parce que Massin à l'hôpital, un accident. Eh ben non, c'est Céline, je crois qu'on a eu tout à l'heure en Corse, qui avait pas une mauvaise idée. Attends, il y a Abdou aussi qui a peut-être la réponse là. Abdou, alors vas-y, dis-moi. Elle est morte de chagrin. Morte de chagrin, c'est bien essayé, ce Abdou, mais tu rentres chez toi, Abdou. Ce n'est pas la bonne réponse, c'est parce que elle a décidé de profiter de la même promotion et d'aller en Australie. Résultat, ils se sont croisés dans le ciel et se retrouvent de nouveau avec près de 20 000 km de différence, mais dans le truc opposé. Résultat, il est à Londres et elle est en Australie. Bien vu. C'est mignon. Ouais, mais c'est mignon. Ouais, c'est con surtout. Parce qu'avec la promo, ils auraient pu faire elle en Australie quelques jours, lui à Londres quelques jours et se voir deux fois plus longtemps. Ouais. Là, ils se sont vus zéro jour. Hein. C'est dommage, c'est con, c'est comme ça. On va faire les appels avec Toff aussi maintenant. Vous le savez, tous les soirs, on appelle les gens pour les prévenir de choses relativement dangereuses qui peuvent arriver s'ils ne font pas attention. Oui, car on est comme ça. On n'est pas des enfoirés. Nous, on tient au jus, on essaye de rassurer, on essaye de faire tout ça. C'est ça, et là on leur a demandé en fait quand est-ce qu'il y avait eu lieu leur première fois. Exactement, hein. C'était la première fois, on leur demandait comment ça s'est passé. Et à quel âge? Oui, à quel âge et... Quand tu dis première fois, la première fois qu'ils ont mangé un gâteau. Ah voilà, merci, merci. La première fois où ils ont couché, ouais. Donc du coup, on les appelle et je comprends pas. Les gens sont pas forcément contents d'avoir ce genre d'informations, je ne sais pas pourquoi. Allez, c'est parti, et on aura le canular aussi tout à l'heure vers 22h. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir à quel âge vous avez eu votre premier rapport sexuel, monsieur. Pardon ? La première fois que vous avez fait l'amour, c'était à quel âge, monsieur ? Moi, je demande à ta mère quand la première fois elle a couché avec ton père. Non, mais je vois pas le rapport, monsieur. Pardon ? Non, mais je vois pas le rapport avec ma mère, monsieur. Non mais tu veux que je t'encule ou quoi? Mais enfin pourquoi vous dites ça monsieur? Bah tu sais quand j'ai eu mon premier rapport, bah, le jour oui. que j'ai baisé avec ta mère et ta mère elle m'a léché. Et après ça je t'ai pissé dans la gueule. Okay. Ah oui quand même tout ça, mais j'étais déjà né alors. Bah enfin, ouais. Ah oui d'accord. Non mais y a pas de problème. Et donc vous aviez quel âge? Mais tu veux que je t'encule? Mais non, je veux juste vous me disiez à quel âge vous avez eu votre premier rapport sexuel, monsieur. Honnêtement, ta mère leur dit t'as valé. Oui, je sais, on me l'a déjà dit récemment. Ah ouais? Ouais. Mais bon. Que je te baisse, en vérité. Bah si vous voulez, mais c'est pas la question que je vous pose. Tu sais ce que je t'ai dit, espèce de sapti fils de pute? Non, monsieur. Le jour où je vais voir ta gueule, oui. en face, je vais t'enculer. Et je te jure, je serai le premier à tirer les pinces. D'accord. Mais la première fois que vous avez fait l'amour, alors c'était à quel âge? Mais c'est quoi cette question à la con? Mais c'est pas une question à la con, vous me donnez votre l'âge à la première fois que vous avez fait l'amour et puis on n'en parle plus. Mais tu sous ma gueule. Mais non, pas du tout, monsieur, c'est vous qui arrêtez pas de faire des chichis pour donner un âge. Mais est-ce que j'ai demandé quand ta mère t'a accouché, toi? En 1980. Mais j'en ai rien à foutre, moi, quand t'as accouché, je vais enculer ta mère, c'est tout. Ah oui, mais vous me posez la question, je vous réponds, moi. Moi, je suis poli. Mais quand... je vais te baiser. Oui, je sais, vous me l'avez déjà dit. Mais je vais t'enculer, toi. Oui, je sais, vous me l'avez déjà dit, monsieur. Ouais, mais elle s'y fait souvent qu'elle lui demande quand j'ai couché la première fois. Oui, c'est ça, c'est la question que je vous pose, monsieur. Mais c'est le jour où j'ai couché avec ta mère. Tu peux même lui demander à la date, elle te dira c'est quand. D'accord. Et vous voulez pas me dire quel âge vous aviez à ce moment-là? Ça sera plus simple. Attends, je rêve ou je suis sur Fun Radio? Ah non, pas du tout, monsieur. Mais tu te fous de ma gueule. Parce que j'écoute la radio en direct, là. Oui, bah donc si vous écoutez en direct, vous avez remarqué qu'on n'y était pas. Mais si, j'écoute la radio en direct. Ah oui. Et alors, c'était à quel âge? La première fois. Ouais. C'était un mai 15. Ah bah voilà. Et bah très bien. Ouais. Bah merci beaucoup. Allez, une bonne soirée. Mais je peux avoir Mickaël en... Ouais, tu peux avoir Mickaël, ouais. Allô? Allô Mickaël? Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ouais. T'as été violent avec toi, enfin le pauvre. Bah ouais, moi je savais pas c'était qui au début. Non mais t'as raison. Tu peux leur insulter encore un coup là, comme t'as fait tout à l'heure? De quelle manière? Bon, comme tu veux, violemment là. Non, mais c'est un peu méchant. Ah si, si, non, vas-y. Allez. Mais je vais baiser sa pute de mer, cet enculé qui m'appelle. Parfait. Eh ben voilà. Tu vois quand tu veux, c'est impeccable. Bon, hey, reste au standard, on va te filer un truc. Ouais, comment tu t'appelles au fait? Marwan. Marwan, bah très bien Marwan, on va te filer un pack fun, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse maintenant, d'accord? Ouais, merci. Allez, salut à toi. Ouais, salut. Prontov qui se fait qui se fait maltraiter maintenant. Oui. Et puis bah surtout maltraiter, mais ça change pas d'habitude, tu me diras. Bon, on fera d'autres appels tout à l'heure, n'hésitez pas, il y a Eric qui dit pourquoi les gens ont toujours le réflexe d'être aussi violents et de parler des mères. Ah ben ça je sais pas. C'est vrai que c'est toujours c'est ça, ça ma pauvre mère. Et ta mère, ouais. Et je vais machin ta mère, enfin bref, tout ça c'est un truc de dingue. Il y a Lucas qui dit mort de rire, le mec c'est un gros relou, il a largué pour son ex de quand elle avait 13 ans, je suis mort de rire. Oui, ça c'était tout à l'heure avec Victoria. Et puis je voulais vous poser aussi une question, est-ce que vous avez déjà fait des trucs de dingue pour retrouver une fille ou un mec que vous aviez par exemple croisé par je sais pas en soirée ou dans les transports en commun? Ah non, moi jamais. Non. Jamais toi? Ah bah non, c'est jamais. C'est vous à l'échec. Ouais, moi non plus, pareil, ça sert à rien. Moi j'ai essayé un jour. Une meuf, tof, toi, une ouais, fois, ouais. J'ai suivi une meuf. Non, tu m'avais jamais raconté cette histoire? Je sais pas, non. Ah non, je pensais, pardon, excuse-moi. Jamais. Je pensais que t'avais suivi quelqu'un jusqu'à chez elle. Alors, non, c'est pas un pervers. Non, c'est pas un pervers, toi, voyons. Non, je pourrais suivre une meuf, mais pas jusqu'à chez elle, jusqu'au parking et après c'est bon. Et après c'est fini, il voit qu'il a aucune chance. Il y a Marion qui est avec nous là. Marion, t'es là? Oui, bonsoir. Comment ça va, Marion? Ça va, dis-moi, moyen, mais ça va. T'as déjà... pourquoi moyen que tu t'arrives? Oh, rien, c'est la vie comme ça, c'est en ce moment. C'est oh, tout, mais c'est rien, rien de grave, rien de grave. On est là, Marion, là, ouais, on est là. En force. Voilà, on est là, tranquille. Bon, est-ce que t'as déjà fait un truc, justement, pour retrouver un mec, en l'occurrence, dans ton cas, que t'as croisé en soirée ou en transport en commun, là, non? Ben, moi, je l'ai croisé, j'avais 8 ans, en fait, à une soirée, parce que je gardais mes petits neveux dans le camion, tout ça, et... Attends. T'as rencontré un mec quand t'avais 8 ans parce que tu gardais tes neveux dans un camion. Il était beaucoup plus âgé que moi et voilà, je tombe amoureuse de lui. Non mais, c'est pas ça le problème, c'est qu'est-ce que tu foutais dans un camion avec tes neveux? Eh ben, je gardais mes neveux, quoi. Tu gardais tes neveux dans un camion? Bah oui. Bah oui, je suis con, mais moi aussi, ça m'arrive tellement souvent. Oui, évidemment, ils étaient morts. Qui? Non, bah les neveux aussi, dans un camion frigorifique. Non, justement. Ah bon, d'accord, bah voilà, rassuré alors, très bien. Bon, et donc du coup, t'avais 8 ans et après? Donc je l'ai recroisé, je lui ai menti sur mon âge, j'étais mineure mais je faisais plus que mon âge tout ça. Mais t'avais 8 ans ou 8 ans? Non, après plus tard, ça a été plus tard. Ouais, elle avait 10 ans. Parce que 8 ans, j'ai menti sur mon âge parce que j'étais mineure. Bah oui, c'était bien mineur. J'avais, hein. Non, non, parce que je me suis fait agresser par un pédophile, tout ça. Et oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, bon, c'est un peu glauque. Hein. Ah bah oui, là, je te crois. Non, pas du tout, pourquoi tu dis ça? En même temps, ça a démarré comme ça avec le camion. C'est hein, nous la version glamour. Ouais, mets-nous à dispo la version glamour. Nettoie tout, fais quelque chose de propre, s'il te plaît. Je t'en remercie. Excusez-moi. Et donc, bon, action, donc je l'ai rencontré, je l'ai revu, j'avais 11 ans, donc j'ai que des sages, depuis je suis tombée très très malade en fait. Ouais. Voilà, donc après j'ai été pris de grippe par un gars à cause de qui j'ai fait de la prison, enfin voilà, je suis sortie, je l'ai revu il y a 7 ans, mais j'avais arrêté mon traitement et il a paniqué en me voyant, donc il s'est enfui et enfin je l'ai plus revu, il est charpentier, il dessine. Ouais. Voilà, et donc la finalité, je voulais simplement savoir si en l'ai gros retrouvé. T'as revu un mec que t'as recherché. Non, j'ai eh ben oui, voilà, il fallait me dire non. C'était parfait. Oui, non, mais d'accord, ok, mais aujourd'hui tu le vois encore? Non. Bah voilà, c'est ce que c'est je voulais savoir. Parce que il y a ma petite pardon. Histoire justement qui est un peu plus glamour quand même. Hein. Ça m'apprendra voilà, à poser des questions idiotes. Vincent à New York. Ouais, une seconde, attends, chaque chose en son temps là. Non, je vous demande ça parce que justement à New York, on en parle. Il y a une meuf qui a croisé le regard d'un mec dans le métro et elle est persuadée que c'est l'homme de sa vie. Bah du coup, en fait, elle a collé des affiches partout dans le métro avec son portrait robot en espérant. Ah bah non, mais d'accord, en espérant qu'il est marié que. Ou quoi, qu'il... Le mec, il a des enfants, on sait pas, on sait pas. Et donc en espérant qu'il va lui répondre sans aller aussi loin évidemment, bah, venez nous dire ce que vous avez déjà fait pour revoir un mec ou une meuf que vous avez surkiffé par exemple. N'hésitez pas. Moi je me souviens qu'un jour j'étais j'étais en voiture tout seul, je venais de ramener un pote chez lui, donc je repars vers chez moi et là je vois quatre meufs qui avaient l'air bombasses, sincèrement. Et ils faisaient du stop et comme un con au lieu de m'arrêter, je suis passé. Mais non, j'ai pas tracé. Non mais attends, non, je suis pas comme toi. Il a accéléré, il est passé non, à côté. Non, j'ai pas accéléré, mais c'était pas sur autoroute, hein, c'était sur une route normale quoi. Ouais. Et c'était en ville et donc je passe et le temps de me dire mais putain, il y avait quatre meufs qui étaient là au bord de la route. Et ben, il y a un moment pourquoi tu t'es pas arrêté? Donc je pile sur les freins, je fais demi-tour et évidemment, il y avait un enculé qui lui n'a pas été aussi con que moi, lui évidemment, il les a pécho quoi. Ah bah oui. Ah bah il a pris les quatre là, je te confirme. Bon, Marion, Marion, reste avec nous deux minutes. On va récupérer Céline aussi là avec des accidents de scooter là, Céline. Oui, je suis là. Bon, alors du coup, j'ai peur de demander t'as déjà fait un truc comme ça Céline hein? Non. Bon, tant mieux alors. Donc jamais t'as craqué sur un mec dans un métro, un bus, je sais pas où, un avion, non? Non, jamais. Non, d'accord, ok. Toi, t'as plutôt craqué les motos, toi, non? Les scooters? Ouais, les scooters. Ouais. Bon, alors explique-nous, parce que tu nous as appelé pour nous dire que t'avais déjà eu 30 accidents de scoot. Ouais. Mais c'est-à-dire? C'est-à-dire à renverser à chaque fois, ou alors les bandes blanches, des choses comme ça. Comment ça, les bandes blanches? Mais au bout de la cinquième, t'aurais pu te dire que c'est pas fait pour toi. Ouais, je pense qu'à un moment, il fallait peut-être se rendre compte que c'était peut-être pas un truc qui était fait pour toi, oui. Mais j'aime pas la voiture. Non, bah le scooter ne t'aime pas, visiblement. Donc, dans l'eau, il va falloir choisir, hein, tu vois. Mais je sais pas, moi, prends les transports en commun. C'est bien aussi, les transports en commun. J'aime pas les transports en commun. Bah, oui, mais écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Continuer à risquer ta life? Ouais. D'accord, mais alors, vu comme ça, évidemment, pourquoi pas. Hein. Non, mais oui, c'est vrai que c'est tellement. Désolé, je suis casse-cou. Non mais d'accord ok mais je veux dire il y a un moment là, c'est suicidaire à un moment. Mais attends juste une question là, tu dis que t'as déjà eu 30 accidents mais t'es toujours en droit? Ouais. Toujours en droit, t'es le Pierre Richard du scooter en fait. Pierre Richard. Mais enfin même au-delà de tout ça, comment il y a encore un mec qui accepte de t'assurer? Non mais c'est ça oui. Bah, elle a pas d'assurance. Ah oui. Non je plaisante. Comment ça, j'ai pas d'assurance? Non, c'est une boutade. Non, t'as encore une assurance? Bah, heureusement. Non, ce qui est quand même déjà assez surréaliste, hein, faut quand même le dire. Non, mais c'est vrai. Bon, ça lui coûte 2000 euros par an, mais bon. Pour un scooter, évidemment, mais bon. Avec l'assurance de base, hein, bien entendu. Ah, bien sûr, hein, tiers payant. Évidemment. Bon, dites-nous si vous aussi vous êtes poisseux, tiens, en scooter, en voiture, en transport en règle générale. On en parle dans un instant, tiens. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Céline, reste avec nous. La réponse de la colle avec Renaud, ce sera dans quelques minutes. On aura Rudy également qui va venir nous parler de Poitiers. Rudy, reste avec nous. Et puis bah Canular, tiens, si vous avez envie d'en écouter un en particulier, alors qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait le coup du zoo, on avait fait le coup des gays, la soirée la soirée SM. On avait fait la bombe, la voiture, on en avait fait plein là. Si vous avez envie d'en écouter un en particulier, hashtag Mickaël sur le Twitter, on va l'écouter dans quelques minutes. Hashtag Mickaël sur le Twitter, ou vous pouvez appeler aussi 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Je vous l'avais promis. promis, ça va débarquer dans quelques minutes sur Fun. On va se mettre le son de Dust et Nicki Minaj avec Damn. C'est ce qui va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit et on est là jusqu'à minuit. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Pour bien comprendre, Mickaël No Limit, c'est... Excuse-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi, je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon on va barder. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, ouais. Comme tous les soirs. Eh ouais, en direct dans toute la France, il est 21h48. Il y a Romain qui dit maintenant Céline doit ressembler à un Picasso. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Et Sarvasati aussi, j'ai suivi un mec dans la rue, nous avons été ensemble 8 mois. Ah oui quand même. Bah, venez nous en parler pour voir si vous avez déjà fait des trucs un peu pas bizarres mais surréaliste comme là en l'occurrence, hein, la fille qui a croisé un mec dans le métro, ouais. Et du coup elle est persuadée que c'est l'homme de sa vie, il a mis des photos, des portraits robots de lui partout, donc c'est assez improbable. On en parle dans quelques minutes sur Fun Radio. 01 42 48 5000, appelez-nous. Et vous pouvez aussi venir tenter de choper votre écran plat sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Voilà, vous faites un like et un partage sur la photo où il y a l'écran plat à gagner. Puis si vous êtes tiré au sort, eh ben, l'écran plat est pour vous. C'est aussi simple que ça. Je vous souhaite bien entendu bonne chance. Si vous voulez jouer avec nous, vous êtes les bienvenus, bien sûr, dès maintenant. Il suffit simplement d'envoyer, d'aller sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Un petit point sur le foot également, toujours 0-0 et c'est prêt. Presque la mi-temps pour Saint-Etienne face à l'Olympique de Marseille. Et puis on va s'écouter aussi du son avec qu'est-ce qu'on va se mettre, bah, Dust qui va débarquer là. Voilà le son de Dust et Nicki Minaj avec Damn, c'est ce qui va arriver dans quelques instants sur Fun Radio. Donc restez bien là, il y aura aussi Shakira, Daft Punk avec Instant Crush. Bref, ne vous inquiétez pas, il va y avoir du lourd. Le prince Nadia qui dit Mickaël, parfois on voit des garçons dans le métro ou dans la rue, juste un regard et on adorerait les revoir. Ah oui, oui, oui, ça c'est sûr, hein, j'imagine bien. Hein, c'est... Bah, toi aussi, il en croise beaucoup, hein, il aimerait beaucoup aussi en revoir et, oui, et pourtant un échec total quoi. Et cuisant. Surtout. Et cuisant surtout. Bon, Vincent, Marion, Rudy dans quelques minutes, le retour, Dylan également qui voulait réagir. Et puis Céline avec son scooter, hein, Dylan qui voulait nous raconter aussi ses histoires de scooter. Le temps de se faire le petit canular avec Lucie et avec Amélie justement. Hein. Lucie qui sont avec Lucie et Amélie qui sont avec nous là. Comment ça va les filles? Ça va. Bah oui, ça va bien. Lucie. Et vous? Ça va, ça va. Bon, tant mieux. Alors les filles, vous appelez pour le petit canular? Ouais. Quel est l'heureux élu ou l'heureux élu? Le beau-frère, c'est mon copain. Ah, vous êtes sœur, donc c'est ça? Oui. D'accord, ok. Alors le copain, attends, c'est Lucie qui veut piéger le beau-frère. Et Amélie, donc toi t'es la sœur et donc t'es la meuf du mec. Ouais. Bon, très bien. Alors, on va donc y aller. Alors, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme histoire? Vous avez déjà réfléchi à tout ça? Alors, on va faire style qu'on est sortis toutes les deux ce soir. Ouais. Pour changer un petit peu les idées d'Amélie parce qu'elle était pas bien et tout. Oh, bah, qu'est-ce qui lui arrive à la petite alors? Hein, qu'est-ce qui va pas? Minou, minou. Hein? Et bah, elle est un peu tristounette. Oh, des problèmes sentimentaux. Ah, bah oui, elle s'est rendue compte qu'elle sortait avec un goujat. Un goujat. Voilà, c'est ça. Et c'est donc, bon. Du coup, tu l'as un peu sorti, c'est ça? Voilà. Très bien. Bon, sortie où ça? Ciné, bar, boîte, resto? Dans un bar. Quel bar? Barde Rousse à Avignon, si on peut se permettre. Oui, bah, si on permet, toi. Oui, ça lui fera la pub en même temps. Bah oui, Barde Rousse à Avignon, d'accord, ok, très bien. Et il est où lui? Il est pas dans le coin là? Non, il est à Montélimar. Oh bah très bien. Bon, on va y aller, on l'appelle, donc moi je te drague, enfin je t'ai dragué Amélie. Tu vas donc appeler Lucie, le beau-frère, donc le copain d'Amélie, en disant écoute, elle est en train de se faire draguer par un mec, le mec l'a invité à aller chez lui, elle a accepté, j'essaie de l'en empêcher, mais elle veut rien écouter. Et puis moi évidemment je serai là en disant mais tais-toi, vas-y, laisse tomber, chacun sa vie. Va me chercher un et verre. Puis va me chercher à boire, enfin bref, la bordel habituel quoi. D'accord? Ça va. Bon, allez, on y va les filles, c'est parti. Comment il s'appelle le mec au fait d'ailleurs? Hamza. Parfait, allez hop, c'est parti. Donc Amélie, n'oublie pas que t'es censée avoir un petit verre dans le pif, hein, donc d'accord. Ouais. Et que moi je suis Michel, le plus grand, le plus beau, le plus fort. T'as jamais vu un mec comme ça? Le roi des taquet, le meilleur. Enfin, bref, tu veux passer une nuit avec lui, juste une seule. Bon ah, bref, ouais, ok. Ça va être horrible. Allez, c'est parti, on y va. On appelle Hamza. Bonne chance. Et Lucie, en mode un peu paniqué quand même, hein. C'est bon, t'inquiète. Bon, allez, c'est parti. Voilà, un petit peu de musique d'ambiance, même si c'est pas très rock, mais bon. Allez. Allô? Hamza? Ouais. Salut, ça va? Ça va.

En plus c'est con, j'allais simplement lui dire qu'on était à la radio là. Oh, on attend, je lui ai pas encore dit qu'on avait baisé les deux. Ah oui, merde. T'ouvre la porte. T'ouvre la porte. Non mais j'espère qu'il était pas en train de conduire parce qu'il me semble avoir entendu le bruit d'une voiture. Oui, c'est possible aussi, oui. Bah attends, on rappelle. Bon, Tof, dès qu'il décroche, à toi. D'accord. 10 minutes, il est là. Attends. Bonjour. Merde, il est relou. Putain de merde. Oh là là. Bon, dès que ça sonne, Tof, vas-y, on y est. Moi, je suis prêt, moi, je suis prêt. L'acteur studio est de retour. Hey. Allez. Ce qui est con, c'est que s'il décroche pas... Putain de merde. Oh là là. Ah, allô. Il a baisé les deux. Il a baisé les deux. Allô Hamza? Hamza? Allô? Ouais, ça va Hamza? Ouais. Ça va, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Ça va Hamza? Hamza? Ouais. Ah, dis, ça va, c'est ta belle-sœur qui a voulu te faire chier. Ouais, attends, Lucie, explique-lui parce que je crois qu'il croit pas là. Hamza, c'est pas vrai, on est à la maison encore là. Ouais. Trop bien. Amélie, tu m'attends au péage d'Orange, je suis sur la route là. Et je vais te démonter. Je savais qu'il allait venir. Ah, il arrive. Oh merde. Oh, c'est pourri. Mais oui, il a dit tu m'attends au péage d'Orange, j'arrive. Oh putain. C'est pourri, Hamza. Mais oui, c'est pourri. T'inquiète. Fais demi-tour. Oui, rouge, frein à main, c'est pas grave. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bah, ça paiera le péage comme ça. Ouais. Bon, Lucie, Hamza et Amélie, je vous renvoie chez Sandro au standard. On va prendre vos coordonnées pour la montre, d'accord? Ça va. Super, merci. Bon, allez, salut à vous. Hein, et reste. Et, lâche le champignon, là, Hamza. Hein, tranquille, hein, tout va bien. Reste cool, là. Gros bisous, les filles. Salut. Bon, et si vous voulez refaire un petit canular, n'hésitez pas. On met le couvert, évidemment, tous les jeudis soirs sur Fun Radio. Donc, si vous voulez, vous appelez maintenant 01 42. 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0. Alors plein de messages sont arrivés, trop bon le canular, c'est Manu. Il y a Romain qui dit mort de rire, le mec est sur la route pour vous défoncer. Christelle qui dit t'en as rien à foutre. Oui c'est vrai, ça a bien marché ce coup là. Guillaume ici qui envoie son message qui dit mais c'est quand même épique, une super mise en scène. Oui c'est vrai qu'on a été quand même pas mal au niveau des bruitages. On était quand même en pleine boîte là. DJ Coma qui dit t'en as rien à foutre et Magda qui dit je ne sais pas comment je fais pour tenir, j'ai mal partout, j'ai froid, j'ai chaud. Pardon, un bon petit message bien sale, ça devrait me remettre en forme. Écoute avec plaisir. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance toi. Voilà, c'était la semaine dernière. Et Cristal qui dit Mickaël fait du cinéma ou du théâtre, sérieux, t'es doué. Ouais, écoute, je te remercie Cristal, mais tu sais que je ne pourrai jamais en faire, il y a une raison pour ça, c'est que je n'ai pas la moindre mémoire. C'est-à-dire que si je dois retenir un texte, comment vous expliquer que la scène, on va, bah, le film en fait il sera fait en 15 ans, hein, parce qu'il va falloir recommencer 100 fois. Mais voilà, mais écoute, je te remercie pour le compliment quand même. Continue à venir nous rejoindre, facebook.com/mikaelofficiel. Et puis on a Vincent et... Cet appel Allô est interrompu. Ah merde, Allô on a plus Vincent là, attends, on va essayer de le rappeler. On a perdu Vincent, dis donc. Bon, Marion qui est intéressée, oui. Tu m'étonnes, Marion, pour partir à New York avec Vincent, puisque Vincent nous avait appelé. Parce que en gros, il s'est fait larguer par sa meuf alors qu'il lui avait prévu un petit voyage à New York, aller-retour, pépère, hein, tranquille, une petite semaine à la cool. Et donc du coup t'étais intéressé pour partir avec lui toi, c'est ça? Oui voilà, oui. Eh ben écoute, il a raccroché, enfin il a pas raccroché mais la ligne a coupé, merde. Il a eu peur, il est parti. Ah, il a peut-être eu peur. Bon, c'est pas grave Marion. En attendant, il y a Dylan qui voulait réagir à Céline. Céline qui a eu 30 accidents de scoot là. Dylan, t'es là? Oui, salut Mickaël. Comment ça va le Nantais? Bien. Bon, bienvenue à toi, Dylan. Tu voulais réagir à Céline, toi? Toi aussi, t'es champion de l'accident? Ah non, c'est pas vrai. En fait, tu veux, dès que je prends mon scoot, il m'arrive un pet. Donc, genre, je crève, je pète. Tu crèves le pneu, bien sûr. Ouais, le crève. Il revient à la vie. Il meurt, en fait, je décède. Et je reviens à chaque fois à la vie. Ouais. Bon, et donc, du coup, à chaque fois, t'as la poisse. Voilà. Mais genre, c'est quoi la pire poisse que t'as eue? La pire poisse, c'est genre le pot d'échappement. C'est-à-dire? Bah, il s'est décroché et bon, ça a décapité un mec derrière. Non mais il s'est passé quoi? Genre je roulais, enfin tu vois, comme ça. Ouais. Et genre mon scoot il s'arrête, tu vois pourquoi. D'accord. Donc, du coup on l'emmène au mécano et tout, et le mécano il nous fait passer le pot d'échappement. Voilà. Et genre en fait toujours, à ce qui paraît, je l'ai pété le pot d'échappement. Ouais. À force d'accélérer, freiner. À force d'appuyer derrière et de freiner, mais c'est quoi ce mécano? on ne savait pas non plus et franchement, ça m'a coûté un bon blanc. Ah oui, bah c'est un mécanicien quoi, c'est un garagiste. Un escroc. Non, mais écoutez, la voiture freine plus. Oui, c'est le pôle échappement. J'ai compris, en fait c'est lui qui à chaque fois il fait semblant de te réparer une partie, il en abîme une autre. Ouais, il en abîme une autre, du coup après tu dis putain ça marche mieux là, mais putain là j'ai un autre problème maintenant. Ah bah ouais, mais il faut venir nous revoir monsieur là. On va arranger, vous inquiétez pas. Et ouais, tu t'es fait avoir Dylan. Non mais t'as remarqué aussi le garagiste quand tu vas, c'est tu lui dis ouais, il y en a combien pour l'apparition? Oh la pièce, 35€, 40€. Et l'addition, 500. La main d'œuvre, tu fais, ouais, mais vous m'aviez dit 45 euros. Ah ouais, mais il fallait que je l'installe, hein, monsieur. Ah bah oui, c'est la main d'œuvre, monsieur. Ah bah oui. En plus, là, j'ai travaillé le soir, donc comptez double. Pour peu que ce soit un jour férié, t'es dans la merde. Bon, Céline. Oui. Bon, arrête le scoot par pitié, là. Tu vas finir par être dans la merde. Non. Si, Céline. Arrête le scoot, c'est un ordre. Non. Si, j'ai pas envie de perdre des auditeurs. Sav, prends le taxi alors. Voilà, bah prends le taxi. Non, ouais. Non, c'est pas drôle. Si. Non, c'est pas drôle, mais le jour où tu vas en crever. Céline. Tu vas te niquer ta mère gentiment. D'accord, alors arrête maintenant, c'est terminé, hein, d'accord? Non. Mais. Vas-y, ta gueule. Céline. Eh oh. Va te faire enculer. Alors? Et Céline? Oui. De merde, oh là là, tout de suite exagéré. Bon, écoute, tu fais ce que tu veux de ta life, hein, Céline, hein, mais j'ai pas envie de perdre des auditeurs, donc reviens-nous en vie la semaine prochaine. Hein. Mais y a pas de problème. Bon, ça marche. Salut Céline, salut Dylan. Salut. À bientôt à vous, bye bye. Et on va se faire la colle à la réponse, je vais dire. La réponse à la colle avec Renaud d'Avignon. Donc Renaud, t'es là? Renaud. Bah s'il est parti aussi, on est au top là. Renaud. J'ai coupé le micro, excès de mollesse. Bon, je te confirme. Ça mérite un coup de pelle. Voilà. Allez, on y va, on appelle le gagnant ou la gagnante. T'étais avec nous là pour tenter de repartir avec le smartphone Larcos 45 Platinium qui vaut 200€ avec Android à l'intérieur. T'as posé une colle. Si quelqu'un décroche et donne la bonne réponse, tu perds Renaud et cette personne gagnera. Dans tous les autres cas, tu gagnes. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Céline. Salut Céline, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Céline, comment tu vas? Ben ça va super bien. Bon, t'as quel âge, t'es dans quelle ville? Super contente de vous avoir. Ben on est contente de t'avoir aussi Céline. T'as quel âge, t'es dans quelle ville? Alors j'ai 31 ans, je suis de Nice. D'accord, alors est-ce que tu as la réponse à la colle que Renaud va te reposer? Vas-y Renaud. Ouais. Pour couvrir ma maîtresse, je me gonfle et me dresse. Quand j'ai fini mon service, je me plisse et je pisse. Mais qui suis-je? Un parapluie. Oui. Eh ben ouais, et eh ben voilà, le smartphone est pour toi. Tu viens de l'enlever au nez et à la barbe de Renaud. Enfin non, pas de barbe, mais au nez en tout cas, parce qu'il a 14 ans, il n'a pas encore la barbe. Mais dommage. Au poil, voilà, c'est ça. Renaud, malheureusement, c'est perdu. Moi, je suis super content. Oui. Est-ce que je peux avoir un t-shirt Air comme Rock? Air comme Rock, déjà tu vas prendre à prononcer la marque, c'est comme un air de rock. Ouais, bah, c'est pareil. Hey, on va te dessiner, on va acheter un t-shirt blanc et je vais te mettre un R avec rock en dessous. T'es ok? Renaud. Oui. On va, je peux pas t'enfiler un parce qu'on va enfiler un tout à l'heure sur le Facebook et j'en offre qu'un seul par soir. Ah. Ah oui. Ah merde Renaud là, putain, on va quand même te filer un pack fun, cela dit au passage. Ok d'accord. Bon, salut à toi Renaud. Merci. Ciao Renaud, merci d'avoir participé. Et puis Céline, bravo à toi aussi, je te fais des gros bisous. Gros bisous à tous. Salut, ciao. Salut. Allez, restez sur Fun Radio, il y a Shakira et la belle Rihanna qui débarquent. Et ce sera évidemment le son de Can't Remember to Forget You sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et on est en direct toujours sur Fun Radio. Bienvenue si vous arrivez, 22h12. Mickaël No Limit en direct dans toute la France comme tous les dimanches soirs. Ce sera, c'est tous les soirs entre 20h, enfin tous les dimanches entre 20h et minuit. Hein, je vais y arriver avant Party Fun qui débarquera tout à l'heure. Et toute la semaine de 23h à 2h, juste après Love in Fun. Et il y a Tess qui dit en une semaine, j'ai déjà convaincu, deux fans de la concurrence d'écouter Mickaël, alors faites-les rire pour qu'ils se fidélisent. Eh ben, bien vu ça. Attends, je vais même te mettre la musique qui va bien. Voilà. Bien vu Tess, continue comme ça, les autres aussi d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à prévenir tous vos potes, bien sûr il se passe enfin quelque chose le soir à la radio et c'est sur Fun Radio, dimanche 20h minuit, tous les jours de la semaine de 23h à 2h, comme ça vous avez pris toutes les infos. Il y a Jojo aussi qui dit t'en as rien à foutre, ben non j'en avais rien à foutre du canular de tout à l'heure, et Sophie qui dit trop fort le canular, vous jouez bien les filles, c'est vrai qu'elles étaient pas mal. Bon allez, continuez à venir, continuez à débarquer, vous êtes évidemment les bienvenus, puis on va se faire le son maintenant de Shakira sur Fun Radio et la belle Rihanna, Can't Remember to Forget You. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit jusqu'à minuit. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-L suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël No Limit de 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, vous pouvez venir délirer avec nous également et prendre le contrôle de la radio jusqu'à minuit avec le Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Tapez ça, il y a un écran plat à gagner ce soir avant minuit. Donc si vous voulez gagner, bah, il est encore là. Il suffit simplement d'aller faire un like et un partage sur la photo où il y a l'écran plat à gagner, hein, 32 pouces, full HD, tranquille, avant la Coupe du Monde et tout, ça peut être pas mal. Si vous voulez le gagner, il suffit d'aller donc faire ce like et ce partage et de décrocher quand on vous appellera tout à l'heure avant minuit pour vous offrir cet écran plat. Le jeu est gratuit, donc en plus c'est nous qui vous appelons, donc tout va bien. Si vous voulez tenter votre chance, facebook.com/MIKL officiel. Vous pouvez m'ajouter aussi sur le Twitter si vous voulez pour réagir en direct, évidemment, hein, n'hésitez pas à taper MIKL_, c'est le petit tir en bas officiel. Et si vous me suivez, eh bien je vous suivrai également avec plaisir. On se followera mutuellement et par derrière pour les filles, bien entendu. Yandéa, Andéa, hein, j'imagine qu'il n'y a pas de faute, qui dit salut, je vous écoute depuis janvier, j'aimerais un message de bienvenue s'il vous plaît. Bien sûr Andéa, avec grand plaisir. Moi c'est toujours avec grand plaisir, c'est un message de bienvenue. Oh, je vais te crever la tête de ma mère, je vais te crever. Voilà, il y a même celui-là aussi pour la suite. Je vais prendre un avion, je vais venir te plastiquer, gros PD que tu es. Voilà, oh, c'était quand nous avions appelé un Corse, bien entendu. Bon, on va prendre on a récupéré Marion et Vincent là, enfin surtout Vincent, t'es là Vincent? Vincent, ouais, je suis là. Ah, oui, très bien, t'avais perdu. Bon, Vincent qui nous avait appelé parce qu'il s'est fait larguer donc par sa copine alors qu'il lui avait prévu un petit voyage à New York aller-retour pour le mois d'août et du coup tu cherches quelqu'un d'autre. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est combien? C'est une semaine? Oui, c'est 8 jours, 8 nuits sur place. Ah ouais, c'est ça, une bonne semaine, donc c'est plutôt parfait. La vie est belle. Hôtel évidemment, 9 étoiles, tout ça, non? 4, oui. Ah quand même? Ah ouais, donc ah ouais. Ah non, mais... Alors, il voyage en écho, mais il est bien. Non, je plaisante, me fous de toi, t'inquiète pas. Bon, eh ben écoute, plutôt pas mal. Donc, 4 étoiles à New York, je peux te dire, c'est pas mal. Hein. C'est lequel, pour info, comme ça? C'est le Moderne. À deux rues de Central Park. Ah ouais! Ah ouais, putain, bien, bien installé, c'est parfait. Bon, bah écoute, on a Marion qui est avec nous, là, qui voulait faire connaissance avec toi, Vincent. Là, Marion? Oui? T'as déjà été à New York? Non, j'ai jamais pris l'avion, j'ai toujours voyagé en camion, moi. Ah oui, mais bah là, évidemment, là, pour aller chez New York, ça va être compliqué de prendre le camion, mais... C'est compliqué, ouais. Vincent, du coup, est-ce que Marion, ça t'intéresse ou pas? Eh, on vient de voir les photos de l'hôtel, là, il est plutôt bien. Hein. Ah, tu t'es mis bien, mec, hein, t'as pas lésiné. Hein. Ah, tu t'es mis plus que bien, hein. Waouh. Je montre aux auditeurs. Faut pas hésiter quoi. Oui, enfin les gens qui sont dans le studio hein, parce que. Non, oui, oui. Parce que les gens vont dire mais on le voit pas, Tof, tu nous l'as montré. Ah, qu'est-ce que vous en pensez les gars là? Ah mais il est magnifique. Moi j'aurais après ce jour j'aurais cassé mais après tu vois. tout ça, chocolat sur l'oreille. Voilà, bah écoute Vincent, sinon ils sont très sexy les auditeurs là. Bon évidemment c'est des mecs mais y a ça m'intéresse pas. Ah ça t'intéresse pas. Merde. Bon Marion, pourquoi est-ce qu'il devrait te choisir toi? Comment? Je dis pourquoi. C'est peut-être un signe du destin qui fait que je ne dois pas poser cette question. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il devrait te choisir toi? C'est comme il le ressent, c'est comme il a envie. Hein. Ah ouais, donc tu sais bien te vendre toi. Hein. Ah ouais, là on sent la meuf comment qui a envie d'y aller. Hein. Non, je dis tu arrives à bien te vendre. Bah je fais mon possible quoi. Oui, on a bien vu. On a bien vu. Vous avez vu oui, bon, ah oui, oh là là. Évidemment. Oui, voilà. Bon, du coup, Vincent, tu dois pas te décider tout de suite. Hein. Tu as encore le temps de voir. Il a 28 ans. 28 ans. Ouais. D'accord. On peut peut-être lui en présenter d'autres. Oui, après t'es pas obligé de faire ton choix tout de suite, Vincent. Hein. Il y en a d'autres qui sont là, bah, qui vont appeler. Il y a pas de problème. Hein. Bon, Marion, reste encore avec nous. Je rappelle que Vincent est toujours à la recherche d'une demoiselle puisqu'il s'est fait larguer par sa meuf pour aller à New York tout frais payé, ce qui est quand même plutôt sympathique. Hein. Bon, évidemment, si il peut participer ou elle peut participer aux frais, ce sera avec plaisir. Mais dans l'absolu, de toute façon, le billet est perdu, donc tant qu'à faire, autant que quelqu'un en profite. Donc, et puis on sait jamais, ma Vincent. Hein, peut-être que L'amour est au coin. Va savoir. Exactement. Au coin de la 5e avenue. On peut pas savoir. Bon, dans le pire des cas, tu iras tout seul, Vincent. Note, c'est bien aussi, hein. Ah oui, non, ça c'est d'office. Si j'ai personne, j'y vais tout seul. Voilà, c'est ça. Et au pire, si la personne te saoule, ne fût-ce que pendant l'avion, bah une fois sur place, elle fait sa life, hein. Ah oui, non mais c'est vrai. Donc voilà, donc les filles, appelez-moi maintenant 01 42 48 5000 02 851 4x0. Vincent est là, il vous invite à New York pour passer une semaine au mois d'août. Bon, en attendant, Vincent, bouge pas de là. On va prendre Hugo qui est avec nous de Nantes là. Salut Hugo. Salut Mickaël. Encore un Nantais, hein, c'est pas mal. Ouais. Ben ouais, c'est bien, sois le bienvenu Hugo. Bon, alors toi tu nous appelais par rapport à cette meuf à New York qui a donc, décidément on reste en New York ce soir, qui a donc rencontré un mec, elle est persuadée que c'est l'homme de sa vie, mais comme elle n'a pas communiqué avec lui sur le moment même, elle a affiché son portrait robot un petit peu partout dans la ville en espérant le retrouver parce que pour elle, eh ben voilà, c'est le mec de sa vie. Et je vous demandais justement si ça vous était déjà arrivé de rencontrer quelqu'un dans le métro, dans le tram, dans le bus, dans l'avion, enfin bref, n'importe où, et bah de le kiffer et au final tout faire pour essayer de le retrouver. Ça t'est déjà arrivé toi Hugo? Ouais. Alors vas-y, explique comment ça s'est passé. J'ai croisé une fille dans la rue. Ouais. Et en fait j'ai eu coup de foot direct. Et le truc qui s'est passé c'est que elle pas à... Hein? Que elle pas, si. Ouais. Et du coup en fait j'ai demandé à tous mes potes s'ils la connaissaient ou pas. Et il y en a juste un qui a pu me répondre en me disant juste le nom de du village où elle habitait en fait. Et du coup, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que pendant 2 jours, j'ai fait du porte-à-porte, en fait, et au bout de la 158e maison, j'ai retrouvé. Ça, parce que tu les as comptés, 158 maisons. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, putain. Et du coup, en fait, on a passé un an et 6 mois ensemble. Oh, et ça s'est fini malheureusement, mais c'est quand même beau, c'est pas mal. Et comment t'as fait, en fait, quand t'as été la voir? Parce que la meuf, elle a dû se dire, attends, t'es qui, toi? Tu viens frapper à ma porte, t'es sérieux? En fait, je lui ai expliqué que justement j'avais eu le coup de foot pour elle, etc. Et que j'aurais bien voulu faire plus ample connaissance. Quoi. Oh, c'est trop beau. So sweet. Et ouais. Et alors, elle a dit quoi? Et du coup, elle a dit ouais. Et au bout d'un mois, un mois et demi, on s'est fait un resto, etc. Et puis, on s'est mis ensemble. Pas mal. C'est mignon. Ah, il s'est mis bien Hugo là, hein. Ouais. Il s'est mis pas mal. Bon, et depuis c'est terminé, donc du coup t'en as rencontré une autre, c'est ça? Bah ouais. D'accord, bon écoute, ce sont les choses qui arrivent. Bah merci pour l'histoire Hugo, là tu reviens quand tu veux, hein. Ouais, je pourrais avoir un pack fun. Oui oui, tu vas gérer ça avec Sandro Hugo. Ouais. Salut. Faire une dédicace ou quoi? Hugo, t'es né en quelle année toi? En 85. 85, d'accord, ok. Ah ouais. Ah ouais, t'avais une voix beaucoup plus jeune, Hugo, là, dis donc. Bon, alors, vas-y, fais la dédicace à une seule personne. Alors, choisis la bonne. Je fais une dédicace à mon pote Baptiste. D'accord, eh ben le message est passé, pas de problème. Salut, Hugo. Salut. À bientôt, ciao. Et sinon, son truc, ça m'a rappelé une histoire d'un... C'est pas vraiment, j'ai cherché la meuf, mais en fait c'était un aéroport, on était dans la file, et donc elle était genre 2 files plus loin, la meuf était plutôt mignonne, et sur son sac, il y avait son nom et son numéro de téléphone. Donc oui, j'ai pris je me souviens, on était là évidemment. Celle-là, elle est bien celle-là. Et donc je lui ai envoyé C'était l'année dernière. Ouais, ou il y a 2 ans, je sais plus. Ouais. Et donc la meuf, je lui envoie un message, et en fait elle m'a fait dégage. Tu sais, je lui envoie, ouais, j'étais dans la file derrière, machin. Mais elle m'a fait dégage. Mais évidemment, mais attends, mais elle a vu ta tête là. Il a trop regardé les trucs américains. Tu sais, les séries films américaines. Ah, non, romantiques. Ah oui, les films. Ah oui, c'est ça, oui. Les films pour filles, quoi. Ouais, non, c'est mais, ça. Tu sais, on aurait pu au moins discuter. On était dans une ville. On était venus tous les deux dans le même avion. On était dans une ville qu'on connaît pas. Dégage. Ouais, mais elle a raison. Elle a raison, c'est ça la vie. Ouais, c'est vrai. Bah oui, mais attends, elle a vu ta photo sur le Facebook et tout, que veux-tu faire? C'est non, comme même ça. Pas, c'était juste par téléphone, tu vois, c'était juste un SMS. Ouais, mais bon. Elle a rien vu, elle a même pas eu besoin de voir, quoi. Bon, dites-nous si ça vous est déjà arrivé, là. Appelez-nous au 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. J'avais dit que je vous tiendrai au courant, c'est 1-0 pour Marseille. Oh, l'OM. À Saint-Etienne. Il y a Camille avec un cas qui dit d'ailleurs, moi j'ai eu un mec à la librairie, magnifique. J'ai pas osé lui parler, mais il avait un air de toi, Mickaël, ça m'avait frappé. Eh ouais, mais il y en a beaucoup qui me disent que. Il voit mes sosies. Mais faites des photos, moi aussi je veux les voir. Non mais c'est vrai, faites des photos. Il y a Ariel qui dit il demande quoi en échange du voyage à New York? Bah rien Ariel. Attends, je vais quand même poser la question. Vincent, tu demandes rien en échange? Non, rien du tout. Voilà, donc ça peut rester platonique. Je veux dire, vous êtes pas obligé de coucher ensemble, quoi, ça je veux dire. Non, pas du tout. Voilà, mais accessoirement, si jamais... Ah bah si ça peut C'est, il a pris un grand lit, hein, donc. Bah ouais, bah c'est king size aux États-Unis, on peut dormir à 4 dedans, vous inquiétez pas, hein. Y a pas de souci. Et dans le pire des cas, Vincent, Polo te donnera ses adresses de bar à striptease, hein, si t'es tout, si tu pars tout seul, t'écoutes, je suis pas là pour rien, quoi. Y a un tour à faire spécifique, hein. Ouais, tu vas partir du pire au meilleur. Il y a un ordre à respecter. Exactement. En fait, tu pourras le faire avec le bus rouge. Parce que Polo, il va lancer ça bientôt. Voilà, il va lancer ça, il va lancer l'histoire bientôt. Le Polo Strip Tour. Le Polo Strip Tour. Bon, Vincent, reste avec nous. Donc, en gros, il y a rien comme problème. Donc, ça, c'est cool. Bah, Vincent, il y a Marion. Coupe ta radio, Vincent, derrière, là. Ça fait de l'écho. Voilà. Marion est avec nous maintenant, là. Salut, Marion. Salut, Mickaël. Salut, toute l'équipe. Comment vas-tu, ma belle? Ah, ça va et vous? Bon, très bien. Dis, Marion, t'appelles du Havre, toi? Bien sûr. Et on sera au Havre le 7 mars. C'est pas vrai. Mais on sera au Havre et donc j'espère que tu vas passer nous voir. Ah, bah évidemment, je viendrai. Bon, cool. Très bien. Bon, Marion, tu voulais rencontrer Vincent parce que t'aimerais bien aller à New York au frais de la princesse. C'est mon rêve, franchement. Dis-moi. Ah, c'est surtout depuis qu'elle a vu les photos de l'hôtel, se dit tant qu'à mais faire. Non. Ah ouais. Mais non, trop bien. Et, écoute, si tu veux, les vacances prochaines, je vais à New York, moi aussi. Et je vais dans Brooklyn. Voilà. Dans un hôtel miteux, mais au moins pas cher. Bah voilà, oui, mais bon. C'est ça. Ça t'intéresse toujours? Bah pourquoi pas, après, voilà, j'aimerais y aller. Elle est bien, elle est bien. Mais à côté de ça, t'as un meilleur intérêt, Marion, à aller avec Vincent en termes d'hôtel, pour le coup. Hein. Bon, bah Vincent, oui. Marion, Vincent, c'est une autre Marion, décidément, t'es abonné, oui, Vincent. Bah oui. Voilà. Alors, ben. Je vous présente, hein. Alors vas-y Marion, pourquoi est-ce qu'il devrait partir avec toi? Parce que moi je suis quelqu'un qui... Attends, tu sais quoi, je pense que les chiffres parlent mieux que... Bien sûr, si je peux vous rendre service. Les chiffres parlent mieux qu'à long blabla. Marion, combien mesures-tu? 1m74. Combien pèses-tu? Ah la fille, 75 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95C. Et la taille du pantalon que tu as acheté? 40. Moi je pense que tu vas te mettre bien Vincent. Attends, j'ai oublié la musique. Voilà. Ah ouais, il va se mettre bien Vincent, hein. Et, n'empêche, c'est quand même une putain de technique de drague, hein. Ouais, parce que tu sais, alors du coup les filles elles ont pitié. Le pauvre, il est romantique, il avait offert une semaine à New York, oui, s'est fait plaquer. Et là il est beau, et le mec il attend que ça tombe. Ça fait cher pour tirer un coup quand même. Non mais il attend. Bah, attends, ça se trouve c'est. Mais moi je suis là, y'a pas de problème. Bah oui, ouais, j'imagine. Ça fait cher pour tirer un coup, moi je suis là, d'accord. Marion, okay, Marion. Ça y est, tout de suite. Bon Marion, reste avec nous, bouge pas de là, Marion là. Les autres, appelez-nous les filles. Vincent, tu restes là aussi. 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis on va se mettre le son des Daft Punk maintenant sur Fun Radio. Allez, on va se mettre bien. On va te chiller, tiens. Pendant que Tof va chiller. Exactement. Bon, on va se faire les appels de Tof justement juste après. On va récupérer Louis qui voulait nous parler de mariage. Et puis on va prendre Rudy également qui est persuadé que sa copine le trompe. Tout un programme, on en parle juste après les Daft Punk. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limite sur Fun Radio. Le son de Daft Punk à l'instant, c'était Instant Crush. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël No Limite. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. Ouais, on est en direct, il est 22h33 sur Fun Radio. Y a Joyce qui dit moi aussi je suis intéressé par New York, sans blague. Elise qui dit aussi moi aussi j'ai vu un de tes sosies Mickaël près de chez moi dans une voiture rouge. Ah, mais je peux déjà te confirmer que c'est pas moi. Manon également qui dit oui il revend le ticket Mickaël, sinon je suis dispo. Ben j'imagine. Non mais apparemment je pense pas que tu puisses le revendre, enfin, je sais pas. Il y a et puis en même temps, tant qu'à faire, autant rencontrer quelqu'un d'autre, même si ils sortent pas ensemble, mais tant qu'à faire, autant pas partir tout seul. Je suis à 2h de la Belgique, je peux le rejoindre, j'imagine, mais t'inquiète pas, l'avion décolle au mois d'août, hein, tout. Oui, il y a le temps. Ouais, on a le temps. Il y a Christelle qui dit n'empêche, je me suis rendu compte que ça fait plus de 6 mois que je vous écoute, que c'est bon, continuez comme ça mes chéris. Eh ben merci Christelle, et puis tu reviens quand tu veux surtout. Secret Key qui dit moi je suis pas sorti en boîte, je voulais pas me taper tous les charognards célibataires. Ah ouais, parce qu'en plus il y avait des soirées. Hein. Ah, il y avait des soirées Saint-Valentin fuck. Ah, il y avait que les mecs qui étaient là en disant de la chair fraîche, miam miam miam, je vais me lécher les babines, ça va être génial. Bon, il y a du monde là qui est là pour Vincent, évidemment pour New York, tu m'étonnes, et on va se faire comme tous les soirs les appels de Tof, et là on va parler sextoy. Oui, bah en gros il y a une étude qui avait déterminé le profil type de l'acheteur de sextoy, hein, donc c'est un mec plutôt à la trentaine qui habite Montpellier. Montpellier. Un Montpellier, hein. Voilà, et donc du coup,

Ah ben, on a rien à foutre, tiens, on fera d'autres appels tout à l'heure, restez là. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, il y a Alice qui dit poids mort de rire là, vous m'importunez monsieur. Mais oui, vous l'importunez. Chloé aussi, putain, vous me faites mourir de rire. Première fois que je vous écoute, je vous kiffe. Merci Chloé, gros bisous et bienvenue ma belle. Lucas aussi qui dit pour New York, je suis preneur. Par contre, comptez pas sur moi pour coucher avec Vincent. Tu m'étonnes. En même temps, il a dit qu'il préférait une fille, hein, tant qu'à faire. Et Jason qui dit c'est la guerre de celui qui dit le plus de monsieur. C'est vrai que vous étiez quand même agressif mais poli. Ah non, mais c'est lui qui était le plus agressif. Moi j'étais tout à fait cordial. Ouais, non, mais tu t'emballes. Bon, Vincent cherche toujours une fille pour aller avec lui à New York au mois d'août, puisque sa copine avec qui il avait fait le cadeau, enfin à qui il faisait le cadeau, bah l'a viré. Il y a également Rudy avec nous maintenant là. Bah, c'est ça. Bonsoir Rudy. Bonsoir. Comment vas-tu? Nickel. Bon, nickel. Alors, avant d'écouter Fall Watt dans quelques minutes avec Changes, on parle de quoi, Rudy? Dis-moi, bienvenue à toi. C'était pour l'histoire avec ma copine en ce moment. Ouais. Et puis, ça se passe pas trop bien. Mmh. Et tu as bu pour oublier. Comment? Non, je dis, et tu as bu pour oublier. Mais c'était pour savoir ce qu'elle pense de moi, parce que je l'ai perçu avec un autre gars, et puis elle me dit qu'à chaque coup, que c'est jamais vrai qu'elle boit, tout ça. Qu'elle boit? Qu'elle voit. Ah, donc toi tu vois ta meuf avec un autre et elle dit non. Oui, c'est ça. Donc c'est une auditrice de l'émission, parce que moi j'ai toujours dit ne jamais avouer. Hein. Même si vous êtes dans une autre meuf, vous dites non, c'est faux, c'est pas moi. Donc tu veux quoi? Bon alors, explique-nous d'abord, la dernière fois que tu l'as vue avec un autre mec, elle faisait quoi? Elle était où? Mais c'était dans un appartement. Qu'est-ce que tu foutais dans cet appartement? C'est un appartement. On était en soirée, puis elle a vu le gars, elle avait un rendez-vous avec ce gars-là, parce que c'était juste un copain apparemment. Ouais. Et moi je l'ai suivi derrière en aperçu. Personne ne m'a vu. Tu l'as suivi derrière en aperçu? Non, il l'a suivi. Non mais. Donc tu l'as suivi? Excusez-moi, est-ce que je bégaye un peu? C'est pas grave, ça arrive même au meilleur, t'inquiète. Donc bon. j'ai descendu en bas dans les escaliers. Ouais. Et moi je l'ai vu dans un petit coin avec le gars là en train de l'embrasser. Ah bah oui, là c'est explicite effectivement, oui. Bon, et donc, tu veux qu'on l'appelle en direct pour... Ça serait bien. Donc je me suis caché, je me suis pas fait voir. Ouais. Elle a remonté, elle me dit qu'est-ce que tu fous là? Mais je viens de rentrer, mais j'ai rien à me dire. Elle me dit non. Et donc j'ai vu ça et j'ai dit tu l'embrasses en pleine bouche, faut pas que tu me dises que c'est vrai ou pas vrai. J'ai tout vu. Ouais. Et donc c'est comme ça, quoi. D'accord, ok, je comprends. Bon, et tu veux qu'on l'appelle pour lui poser la question, pour enquêter? Mais ça serait bien, oui. D'accord, ok, bah alors bouge pas, on va faire ça dans quelques minutes. Bon, on va écouter aussi le son de Fall Wall avec Changes, hein. Je pense que ça va nous faire du bien aussi ça. Ça va nous booster un petit coup là. Benji qui dit trop cool, vous venez faire quoi au Havre, Mickaël? Eh bien on va passer une petite journée avec vous, Benji et tous les autres. On va passer une petite journée avec vous, on va faire 2-3 conneries, on va aller faire une petite sortie pépère aussi. Bref, on aura l'occasion de vous en parler, ne vous inquiétez pas. Fall Wall avec Changes, c'est ce qui va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio. J'ai dit que je vous tiendrai au jus, toujours 1-0 pour Marseille. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. 1-0 face à Saint-Etienne. Saint-Etienne-Marseille ce soir, c'est 0-1 donc pour Marseille. Il y a DJ Comet qui dit je crois que Toff aura la médaille d'or des enculés à Stochi. Non, à Sodushi. Je rappelle qu'on fait les Jeux Olympiques tous les soirs de la semaine. On remet le couvert dès demain, les athlètes ont besoin de repos. Hein. C'est oui. Pour ça ils ont dû se reposer ce week-end. Il fallait entretenir les installations surtout. Exactement. Et d'ailleurs, on s'est blessé. Oui, en plus il y a eu des blessures, etc. Enfin bon, bref, une histoire. Je rappelle qu'il y a toujours l'écran plat à gagner sur le Facebook de l'émission. Tire au sort avant minuit, donc il vous reste une bonne heure là pour vous inscrire. Facebook.com/MIKL officiel. Faites un like et un partage sur la photo où il y a tout simplement l'écran plat. Et puis si vous êtes tire au sort à la fin de l'émission, eh bien vous repartirez avec cet écran plat, ce qui est quand même plutôt sympa. Magda qui dit bonsoir tout le monde, je suis là même si je suis malade. Là, merci d'être là aussi, avec grand plaisir. Merci à vous d'être là, de plus en plus nombreux tous les soirs. À voir d'ailleurs sur le Facebook et le Twitter, ça marche plutôt pas mal. Donc merci à vous en tout cas de faire passer le message. Je vous avais promis aussi le son de Fall Wild avec Changes. Promis, je vous le mets. Et puis on est aussi au cœur d'une heure sans pub. Là, c'est parti, une heure sans pub sur Fun Radio. Le son de Fall Wild et Changes. Donc comme promis, ça va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. Et si vous voulez écouter des sons en particulier, on avait demandé le son de Showtech tout à l'heure avec Bouya. Et ben je vais le mettre, promis, ça va débarquer dans quelques minutes ça sur Fun Radio, ne bougez pas de là. Bon, récupération de Rudy. Donc Rudy, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là. Donc Rudy qui nous avait appelé juste avant la pub pour nous dire que il était persuadé que sa copine le trompait, et pour cause, tu l'as vu en flag. Oui. Et quand tu l'as quand t'as discuté avec elle, elle a dit qu'elle avait rien à te dire. Oui. Et tu voulais qu'on l'appelle. Ce serait possible. Bon, bien sûr, tout est possible. De tension quand même. Hein. Donc tu l'appelles et tu vas lui dire quoi? Ben, pour savoir ce qu'elle pense toujours de moi. D'accord. Et ben, ça serait pour que ce soit formel, quoi. Pour que ce soit quoi? Pour que ce soit formel, si c'est lui ou moi, quoi. Ah oui, tu vas lui mettre un ultimatum. Oui. T'as raison, il y a un moment, faut pas se laisser marcher sur les pieds, faut montrer qu'il porte la culotte. Enfin, quoi, j'ai bien vu, là, mais... Bon, on y va, on l'appelle, alors, hein. D'accord? Oui. Bon, allez, hop, c'est parti. Bonne chance. Comment elle s'appelle, Rudy? Cindy, elle s'appelle. Elle s'appelle Cindy, ok. Bon, eh ben, écoute, c'est parti, on y va, on l'appelle. Bonne chance, Rudy, hein. Oui. Je pense qu'on va droit au casse-pipe. Ça va être dur, là. Ça va être très dur. Bon, là, ils nous entendent pas, mais... J'ai peur pour lui, quoi. Puis il m'a l'air gentil, Rudy. Mais bon. Allez. Allez. Tiens, il y a Tess qui dit, ne soyez pas addict ou... Je vais dire après. Vous êtes à la liste. Ah, bah parfait. Là, on est bien. Bon, alors là, c'est le répondeur. C'est le répondeur, Rudy. Attends, on va réessayer au cas où elle décroche pas quand c'est un appel masqué. Rudy, t'es prêt? Oui. Allez. Donc, Tess qui disait... Tess qui disait, ne soyez pas addict aux drogues, à la clope, au sexe, au café, mais Mickaël, vous pouvez. Non, merci Tess, gros bisous à toi. Et Joyce qui dit, quitte la Rudy. Oui, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Hein. Erne. Hello. Hello. Bonjour. Bon, attends, on rappelle encore une fois Rudy. Bon, après, là, malheureusement, si elle décroche pas, il y a des messages qui disaient qu'il fallait que tu la vires. Hein. Mais je pense que c'est un bon conseil. Hein. Oui. Je repasse, pas grave. Mais ça va aller. Il est enrhumé. Mais oui, c'est peut-être ça. Ah, ça pue, hein, Rudy. Hein. Bah, on va pas répondre. Hein. Non. Bah, elle est peut-être occupée. Hein. Ah, elle est peut-être en train de rouler un patin à une autre, hein. Bah, elle est avec le gars, je pense. Là. Peut-être. Bah, tu veux qu'on rappelle dans quelques minutes? On prend un petit peu de temps et on rappelle dans 10 minutes. D'accord, c'est gentil. Bon. Ah, bah, avec plaisir, Rudy. Dis-moi, tu viens de quelle région, toi? Tu viens de quelle région? Je suis tout près de Poitiers. D'accord, t'es né là-bas, tout ça? Je suis d'Angoulême. D'accord, ok, très bien. T'as rien à voir avec la Suisse ou quoi, non? Non. D'accord. Non, je pose la question comme ça par curiosité. Bon. Parce que l'été, je voyage, j'ai une maison et puis je suis genre du voyage. D'accord, donc tu voyages quoi? Oui. D'accord, ok. Bon, Rudy, reste avec nous, ne bouge pas. En attendant, bonne nouvelle, Vincent. Vincent. Oh là là. Et Vincent, où est-ce qu'il est, Vincent, là? Vincent. Oui. Oui, bah quand même, Vincent, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ce bruit autour? Ouais, là, je suis en train de boire un verre dans un bar. Ah, bah d'accord, il s'est mis bien, Vincent Pépère. Il a la belle vie, Vincent. Eh, il s'est mis bien. On vit, hein. Ah, bah t'as raison, Lotte, hein. Bah ouais. En même temps, je vais pas me morfondre, hein. Bah non. Ouais, évidemment. Il faut bien qu'il voit son chagrin dans l'alcool, hein. Bah oui, évidemment. Bon, Vincent, on a trouvé quelqu'un pour toi. Ouais. Mais par contre, Vincent, faut que tu te mettes dans un endroit où il y a moins de bruit, parce que là, c'est pas possible. Bon, ça va, je m'éloigne un petit peu. Voilà. Et pour information, il y a les Stéphanois à 2 minutes de la fin qui viennent de mettre un but un partout. Ouais, entre Saint-Etienne et Marseille. Dans le temps additionnel, ils doivent être vénères, les Marseillais. Hein. Putain, à 2 minutes de la fin. Bon, c'est mieux comme ça. Quoi? Ils doivent être verts, les Marseillais. Non, j'ai dit vénère. Ah, pardon. Mais effectivement, ils doivent être verts, les Marseillais. J'avais compris vert. Voilà, bon, il reste 2 minutes, hein, tout peut se passer encore, on verra bien. Bon, Vincent, oui, c'est beaucoup mieux comme ça, là. Il y a Martine qui est avec nous, là. Allô, Martine? Oui, bonjour, salut, Michel. Martine à New York. Oui, Martine à New York, oui, ça va bien. Ce serait bien, ça, bah oui. Bon, je te présente Vincent. Bonjour, Vincent. Bonjour, Martine. Alors, tu m'emmènes à New York au mois d'août? Juste, Martine, ça dépend de toi. Ah bah moi je suis partante, hein. J'ai jamais vu New York, c'est mon rêve d'aller aux États-Unis. T'achètes pas un billet? Bah non, j'attends qu'on me l'offre. Ah bah oui, évidemment, c'est pas compliqué, hein. T'achètes un billet, tu prends un hôtel, t'y vas et puis et voilà. Voilà. Mais non, là c'est l'occasion justement. Ah d'accord, mais comment ça se fait que t'as pas de mec, Martine? Oh bah j'en ai, mais pas pour m'offrir des voyages à New York. Ah oui d'accord, alors, combien tu mesures, Martine? Ah, pourquoi la taille, c'est important? Bah oui, non, évidemment, Martine. Pour monter dans l'avion, c'est important? Bah c'est oui. Scientifique. C'est une étude scientifique que Toff mène depuis de nombreuses années. Exactement, il a tout un livre qui sortira bientôt. Il y a le Bro Code et puis après, il y aura le Toff Code. Voilà, alors de combien mesures-tu, Martine? Bon, je fais 1m71. Combien pèses-tu, Martine? Oh là là, mais curieux. Ah, très. Oh là là. C'est scientifique, ne t'inquiète pas. Jacente. D'accord, quel est ton tour de poitrine, Martine? Oh non, alors là vous exagérez, là c'est pas important pour pas compter. Ah si, c'est important. Comptez au-dessus du nombril, Martine. Ah bah tu n'iras pas à New York avec Vincent. Oh bah Vincent, est-ce que qu'est-ce que t'en as à faire de mon tour de poitrine? Bah écoute, j'ai un peu à faire de tout moi, je suis intéressé par tout donc voilà. Ah bon, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Ouais. Bon alors ce tour de poitrine, Martine. Je peux envoyer une photo si tu veux. Bah oui, mais d'accord, mais tu peux donner tour de poitrine, Martine, on gagnera du temps. Oh là là là là, bah moi que... Allez, je vais vous dire quoi. Bah est-ce que tu veux, mais dis-le. Alors elle va inventer, là. Non, non, mais c'est indiscret, votre question, là. Oh là là, Martine, bon bah tant pis, alors. Non mais après, bon bah si tu veux pas, c'est pas grave, tant pis, c'est pas grave. Ouais, t'iras à pied. Allez, 90 B, ça va. Eh ben voilà, tout ça pour ça, en plus, là, dis donc. Et la taille de les pantalons que t'as acheté? La taille 38. Ah bah voilà. Eh ben voilà, on y est là, c'est bon. Bon oh Vincent. Bon Vincent. Oui. Qu'est-ce qu'il est con alors lui. Enfin. Alors Vincent, ça te va? Bon, on a oublié de te dire, oui. Vincent, quelle pourrait être ta mère, hein. Oh, ça va, quoi. Bah, Martine, t'as 50 piges, il y en a 28. Je voulais juste dire un truc à Martine, tu sais qu'on y va en avion maintenant, hein, plus en bateau. Oh, on rigole, Martine. Oui. Martine, ça va, il rigole. Ah, il rigole. Ah bon. Mais oui, il rigole. Ah, le bateau est arrivé, Martine. Exactement, le France. Dans ce... le Titanic est revenu pour toi. Voilà, il y a une semaine de voyage, ça va aller. T'as une, t'as une cabine en cale et tout, tranquille. Et ça va être génial. Troisième classe. Bon, attends, il y a aussi Léo qui est avec nous. Salut Léo. Salut tout le monde. Ça va bien? Ça va et toi? Bon, toi t'appelles pour Vincent, toi? Ouais. Bon, je pense qu'il va te dégager direct, hein. Je sais, mais moi aussi j'aimerais bien partir à New York, on prend la boîte à striptease à deux. Hein. Non, Vincent, Léo, je vais t'expliquer pourquoi, parce que c'est 21 ans aux États-Unis. Hein. Ouais. Mais je m'en fous. Non, non, mais eux ils s'en foutent pas. Ah, ils vont te fracasser la tête. Ah ouais, je peux te dire on que. On ira à Brooklyn là-bas, il n'y a pas d'âge. Ouais, il n'y a pas d'âge, ouais, partout là-bas, partout. Ouais. Bon, Vincent, je te laisse lui dire qu'il est retourné chez sa mère ou tu. On ira à Brooklyn, tu sais. Non, je préfère rester à Manhattan et effectivement, je préfère être avec une fille qu'avec un garçon. Ouais. Donc pour l'instant, tu restes avec Toff. Voilà, il va être content, Toff. Mais oui, moi je suis toujours disponible. Totalement disponible. Merci, bon, avec donc plaisir. Vincent, tu préfères rester sur la première ou la deuxième, Marion? Bonne question. Je dirais peut-être la deuxième. La deuxième, oui, bah écoute, très bien. Marion, t'as toutes tes chances là au Havre. Ah bah oui, cool. Cool, attends. Et Martine, Vincent, on en fait quoi? Tu gardes ou tu gardes pas? Je sais pas. Tu sais pas? Bon bah écoute, Martine. Oh là là, bon va Martine, le dentier là, bon bouge pas Martine, attends deux secondes. Marion, reste avec nous, on va garder les deux filles là, enfin la dame et la fille. Léo, bon toi t'as été viré directement, hein. Tu reviens quand tu veux. Bah ouais, j'irai avec toi, je m'en fous. Ah bah voilà, faudra faire comme ça. On fera bien. Faudra faire comme ça. Salut Léo. Passez une très bonne soirée à toutes. Toi aussi mec, à bientôt Léo, ouais, merci d'écouter, ciao. Retour avec Rudy qui voulait appeler Cindy. Et tant qu'à faire, puisqu'on y est là, je voulais savoir si vous avez des plaisirs simples. Je donne un exemple, des trucs que vous faites et qui vous mettent mettent bien, surtout quand la journée est pourrie par exemple. On se branle. Hein, Marion. Mais moi je peux pas commencer ma journée sans boire mon verre de jus d'ananas le matin. Oh par exemple. Jus d'ananas le matin. Mais oui, je peux pas commencer, sinon c'est une journée de merde. Mais ça te brûle pas l'estomac? Bah non. Oh non, d'accord. Non, parce que je suis tombé sur une liste de ce qui rend heureux les Anglais, comme par exemple recevoir un colis de la poste. Ah bah c'est les Anglais en même temps. Bah oh là là, trop bien. It's wonderful, it's wonderful. Ouais, mais t'inquiète pas que quand c'est un petit une petite enveloppe du fisc ou les trucs comme ça, c'est pas wonderful du tout. Hein. Exactement. Sinon, il y a nager nu qui fait plaisir aux Anglais. M'étonne pas. Ouais. Faire rire quelqu'un. J'aime bien aussi, c'est super agréable. Ouais, bah ouais, j'imagine. Faire rire quelqu'un de bon cœur. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Mais ça, c'est bien les Anglais. Hein. Découvrir dire qu'il y avait encore un nugget de poulet alors qu'on pensait que c'était le dernier. C'est anglais. Un massage de la tête, ouais, ça c'est bien. Non, si, ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Ce moment où on réveille quand on est encore à moitié endormi et qu'on voudrait pouvoir se rendormir, oui, et puis on se rend compte qu'on le peut. Ouais, ça j'avoue que c'est bien. Quand tu dois te lever, ouais, genre à 8h du mat et que tu penses à 4, tu te réveilles à 4h et tu dis putain, faut que je me lève et tu te rends compte qu'il reste encore 4h. Là, c'est top du top. Des draps propres dans le lit, bah oui. Enfin, c'est même pas une question que ça te rend heureux, c'est une question de logique en même temps. Pouvoir enfin faire pipi après s'être retenu, ouais, ça fait plaisir aussi. Mais j'ai eu le coup quand je suis arrivé à la radio tout à l'heure, putain, je devais pisser sa mère là, je suis arrivé, ça faisait plaisir. Non mais c'est vrai. Enlever les chaussettes humides quand il a plu, ouais, ça c'est quand même un peu crade. Non, si, ça je dois dire, ça fait du bien. Une fois qu'on a fait les JO, que tu peux enlever les trucs plein de savon là, je ouais, te dis, ça ouais, fait du bien. C'est vrai. Créer quelque chose de ses mains et se dire ça c'est moi qui l'ai fait. Bon, faut voir à quoi ça ressemble après. Hein. Ou encore trouver le cadeau parfait pour quelqu'un qu'on aime, entendre quelqu'un qui se prépare à aller bosser quand on est encore en congé. Ah ouais, ça c'est cool. Tu vois ta copine, tu sais, qui part, qui doit se lever, qui prend la douche, et toi t'es là, tu dis oh putain, fais-moi une bruit, connard, oh connasse, fais chier. Et puis salut, je vais bosser, hein. Ouais ouais, c'est ça, allez au revoir, et hop, toi tu te rendors. Marcher le premier dans la neige, ou encore quand le serveur se dirige vers votre table avec votre commande. Ah ouais, ça c'est cool. C'est bizarre, il n'y en a pas un seul qui a dit se branler, quoi. Moi ça me choque. Effectivement, bah les Anglais visiblement c'est pas le cas. Donc on va en parler dans quelques minutes. Donc toi c'est boire le jus d'ananas, Marion, au réveil, ah, c'est ouais, ça, au réveil. Complètement. D'accord. Et toi Rudy? Allô? Parfait. Ouais Rudy, c'est quoi le truc que tu fais qui te fait kiffer? Mais ça qui me fait kiffer, que ma copine elle me suce la banane le matin. Très bien. Je savais que parfois comme ça des questions que je pose, je sais au début que c'est une mauvaise idée, mais bon, une fois que je suis lancé, c'est comme quand tu prends la voiture, tu te lances à 200, t'as un mur, tu sais que tu dois freiner, ouais, mais c'est trop tard. Ouais. Tu vois, t'es lancé, il y a plus rien à faire, hein, c'est mort. Bon, toi de se faire sucer Rudy, et toi Vincent? Vincent! Il boit un verre, oui, il peut pas tout faire. À 2 km. Qu'est-ce qui te fait kiffer, toi, les petits trucs comme ça de la vie qui te font kiffer? Un truc en particulier? Une bonne Chopin, dit! Hein? Tout de suite, non, c'est une bonne question. Mais les choses simples. Ouais, ouais, non, mais d'accord, simples, mais quoi? C'est ce qu'on vient de te demander. C'est quand, dans les choses simples, qu'est-ce qu'il y a qui te fait kiffer? Ouais, c'est dur à dire, hein, ça. Il y a beaucoup de choses. Mais donne-en bon, une! Boire un café, manger du chocolat. Non, non, ça rien de tout ça, je sais pas. Les... Pignoler ? Honnête, je sais pas, j'ai un peu la tête ailleurs en ce moment, donc... Ouais, dans un verre en l'occurrence. Je pense que c'est pas le premier. C'est vrai que j'ai quelques amis qui m'attendent, donc... Ah bah oui, mais bon, et on cherche quelqu'un là, Vincent, là. Ah, il va pas nous mettre la pression alors qu'on est en train de chercher une meuf pour toi, dis donc. Ouais, ben si, je mets un peu la pression. Ben oui, mais bon, t'as la pression, ça c'est sûr, effectivement, ouais. Bon, attends, et toi, Polo, c'est quoi, toi, qu'est-ce qui te fait kiffer? Moi, c'est boire du café. Ah bah oui, bien sûr. Il a dormi chez moi 10 cafés, sa mère. Non, c'est pas vrai, j'ai été obligé... Ce matin, non, je ne compte pas ceux d'hier. C'est pas vrai, j'ai le pas bâtard. Bu 10 cafés. Non mais t'es sérieux? Mais arrête, j'en 10 ai bu ce un, matin, mec. J'en ai bu 10 un, et après il dit ouais, mais on est mal accueilli chez toi. On mais est très mal accueilli. J'étais déçu, franchement. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai dormi comme un chien sur le canapé comme ça tout seul là, regarder la télé. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, il y a Paul PC28 qui dit mort de rire, Zarbi les Anglais. Il y a Dédé qui dit un truc simple, écouter une bonne petite musique dans ma voiture en montant le son, c'est vrai. Camille avec un K qui dit mon lait frais du matin. Guillaume qui dit la classe attitude en fun radio. Oui Guillaume, effectivement, c'est comme ça tous les soirs. Et Bertie qui dit mon père me dit arrête d'écouter ses débilités. Moi je lui ai répondu oui mais moi j'aime bien ceux qui font ses débilités. Oh c'est gentil Bertie, mais pourquoi il dit ça? Je comprends pas. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance. Non, je comprends vraiment pas. Mickaël, No Limit. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Un peu fermé peut-être. Hein. Non, mais c'est vrai. J'ai l'impression qu'il est un peu fermé. Bon. Un peu, ouais. 23h03 sur Fun Radio, on est au cœur du Nord sans pub. Bienvenue, prenez le contrôle. On est là jusqu'à minuit, où vous êtes chez vous. Et puis on va se faire le son de Major Lazer maintenant avec Shanna Paul. Come to me sur Fun Radio. Come to me. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont sont à la radio tous les dimanches de 20h à minuit sur Fun Radio. Mais oui, on est là tous les soirs sur Fun Radio, dimanche 20h minuit, la semaine 23h-2h. Et Ginette du 26 qui dit: ma fille s'est endormie avec mon portable qui diffusait Fun Radio quand je vous dis que vous avez une jeune fan. Oh, c'est vrai, oh. Ginette. Attends. Allez, réveille-toi! Normalement, c'est bon, la Ginette, elle devrait être debout. Quentin qui dit: salut toute l'équipe, vous gérez à mort. Merci Quentin. Et Camille avec un K qui dit: un petit plaisir, revoir mon album photo de moi avec les artistes que j'aime et que j'ai rencontrés. Ah bah voilà, nickel, Camille avec un K. Et Secret Key qui dit: ah oui, on est bien accueillis chez Mickaël. Coup de pelle pour ceux qui croient le contraire, je confirme. Voilà, évidemment qu'on est bien accueillis. Bon, tous vos messages qui continuent à arriver d'ailleurs, hein, hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Il a demandé de faire un petit point Facebook, de Twitter, pardon, Twittos. Mais bien sûr. Alors, on en est où dans le top Twittos? Je rappelle qu'on offrira un cadeau à celui qui est numéro 1 tout à l'heure à minuit, hein, juste à la fin de l'émission. Celui qui aura été le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag M-I-K-L, tout simplement. On y va. C'est parti. Alors, numéro 5. Cédric. Numéro 4. Guillaume. Numéro 3. Secret Key. Numéro 2. Magda. Numéro 1. Paul PC 28. Paul PC 28. Très bien. Alors attention, celui ou celle qui sera donc numéro 1 tout à l'heure. Donc là, ce serait Paul PC 28 qui gagne si jamais il continue à être premier. Et c'est avant minuit, enfin juste à minuit, qu'on va vérifier, hein, tout simplement, lequel est numéro 1. Il y a Elouen qui dit: ce qui me fait kiffer, c'est vous écouter tous les soirs, je vous adore. Et j'espère être rappelé pour le t-shirt. Ah bah Elouen, je te le souhaite, hein, t-shirt comme un air de rock qu'on vous offre toute la semaine sur le Facebook de l'émission. On l'appelle également en direct à la fin de l'émission. Donc allez-y, hein, vous allez voir, il y a plein de modèles, vous allez pouvoir les choisir direct et tout, vous serez livré rapidement. Et Elise qui dit: moi, un truc que j'aime, c'est vous écouter, ce que je fais depuis 6 mois, je ne m'en lasse pas, continuez, je vous aime, sauf Tof. Ah, t'as raison Elise, enfin quelqu'un qui a bon goût. Ouais, mais c'est oui, de la merde, Tof c'est du caca. Mais oui, enfin quelqu'un qui a bon goût. Bon, il y a Louis qui est avec nous de Dijon là. Allô Louis. Allô, salut. Ça va Louis? Oh, oh, oh. Oui. Bon Louis, alors toi tu t'appelles de Dijon Louis? Oui, j'ai appelé. 27 ans. Non, 23. Ah, 23 ans. Ah, pardon, autant pour nous. Putain, on d'accord, va corriger. Okay. Ouais, on a une erreur dans le standard, Louis. Tiens, c'est pour Sandro. Voilà. Bon, Louis, alors 23 ans de Dijon, c'est ça? Oui. Bon, tu nous avais appelé parce que tu t'étais marié, c'est ça? Attends, c'est quoi, ouais, ton, c'est quoi ton travail, au fait? Quoi? Ton taf, tu travailles où? Chez Electrodépôt. Et tu fais quoi? Tu fais quoi, Electrodépôt? Je vends les tablettes, je les mets dans les cartons. Ah d'accord. Ah ouais, d'accord, c'est, okay, pardon, c'est ouais, ça. Excuse-moi, ce qu'on appelle cartonnier, quoi. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est ça. Tu les mets dans les cartons, ouais, c'est cartonnier. Ouais. Voilà, d'accord. Bon, bah, très bien. Mais c'est un métier humble. Bon, il y a pas, y a pas de métier à la con. Voilà. Bon, Louis, c'était quoi l'histoire du mariage? Rappelle-le peut-être pour les auditeurs qui n'étaient pas là. Et ben en fait, pour le faire en temps, je t'avais demandé ma copine en mariage et tout le tralala, donc ce week-end. Alors on est parti le tralala, ouais, surtout. Dans un hôtel. Ouais. Et en fait... Un bel hôtel, un hôtel classe ou... Vers Dijon, vers Place d'Arcy, c'est l'hôtel de la Cloche. Alors, l'hôtel de la Cloche, d'accord. D'accord. Et alors, tu l'as demandé au mariage? Et ben en fait... Quand le mec, quand on partait, là-bas, je l'ai pas encore donnée et elle est tombée sur le trottoir. Et en fait, elle l'a vu, elle a dit: c'est pour qui ça? Et moi, je suis arrivée derrière: c'est pour toi. Oh, so sweet. Oh, t'as craqué un peu le portefeuille, hein, pour l'hôtel de la Cloche quand même, hein. Un petit peu, ouais. Ouais. T'as payé combien, à peu près? T'as cassé ton cochon en porcelaine? Ta tirelire est passée? Ah, il s'est passé quoi? T'as payé combien? Je crois que j'ai payé 240. Ouais, ouais. 240 euros? Ouais. Et attends, mais qu'est-ce qu'elle a dit en fait quand tu lui as dit le mariage, tout ça là? Elle a fait: t'es sûr? Et là, le réveil a sonné. Allez, Louis, il faut aller à l'école! Non, c'est non, mais sérieux. Non, mais sérieux, elle a fait. T'es dans quelle année, Louis? Ouais, allez. T'es pas abruti, tu sais faire le dessin, ça, c'est un problème. Ah, c'est moi qui suis pas abruti, bah oui. Et John qui dit: c'est quoi ce kikou, il se fout de toi? Mais non, il se fout pas de nous, voyons, y'a pas de problème, hein. Hein? Bah oui. Mais non, bon, en quelle année? Il est bientôt marié. Ah ouais. Ça fout. Putain, t'aurais pu calculer depuis que je t'ai posé la question la première fois, Louis, quand même. Oui, merde. À force, tu pourrais te l'écrire sur la main. Donc tu veux pas me dire en quelle année t'es né? Hein, tu te fais. De quoi? Tu vas te faire. Je vais me faire quoi? Bah comme raser. Ça, enculé. Ah, enculé. C'est un peu violent, Louis. Et hein. Comment elle s'appelle, ta meuf? Pas toujours les gens, elles changent pas de nom. Hein. Mais je sais pas, t'as bien changé d'âge alors. Quand est-ce qu'on l'appelle? C'est possible. Hein. Hey, on peut l'appeler peut-être non pour voir pour le mariage. Bah j'ai déjà fait. Non mais pour redemander. Oh non. Non merde, oh putain c'est dommage. Non, ouais, c'est surtout demain. Ah, ouais, je comprends, ouais, parce qu'elle elle doit aller à l'école demain. Bah, ouais. Elle est encore étudiante, ouais. Elle? Bah, elle a un peu 24 ans. Eh, hey, mais Louis, quand tu vas à la maternelle, tu déposes tes enfants en même temps ou pas? Attends, elle a 3 ans, elle va pas encore à l'école. Toi, par contre, tu devrais y retourner. Ah, parce que. Ah, oui, mais c'est vrai qu'il a un enfant de 3 ans, lui. Hein, Louis? Oui. T'es daron, en fait? Ouais. Ah, ouais, putain, non. C'est dur, hein. Mais tu vas en conseil de classe et tout, t'es un vrai daron ou... Ouais, en fait, je suis délégué des parents là-bas. Non, c'est bon ça. Et Magda qui dit mort de rire, Louis ne donne jamais sa date de naissance. Oui, non, c'est normal. Romain qui dit le mec, il a une vingtaine d'années et il a toujours pas mué. Non, mais ouais. Pété de rire, il est énorme, Louis. C'est Camille et Marchand. Et Cédric qui dit piégé, va dormir, t'as cours demain, Louis. Eh, je me pose. Tu mesures combien, Louis? Bah, 1m70. D'accord, tu perds tes cheveux un peu, non? Non. Non, jamais? Non. Par contre, toi, tu commences. Ouais, non, mais non, je n'ai pas commencé, il a presque fini. J'ai plus rien, moi. Il a presque fini. Bon, et Louis, alors du coup, donc pas de mariage, alors, hein? Si, en fait, elle m'a dit oui, mais elle fait... Ah, d'accord, c'est ton père, okay, qui vient te dire va dormir. Attends, on va le rappeler, Louis. Ça a dû démonter. Non, ça a dû couper la ligne. Ouais. Le mini-gif va dire comme ça. Attends, attends. Salut, c'est Arnaud. C'est Dan qui va décrocher. Oui, allô, pourquoi vous appelez mon fils? Bah, attendez. Salut, c'est Attends, on va le remettre, le répondeur. C'est genre, on n'entend rien. Classique derrière. Salut, vous êtes le répondeur. Allô. Allô, Louis. Oui. C'est quoi ton répondeur de merde là? On n'entend rien à ce que tu racontes sur le répondeur avec la musique à fond. Oui, mais je vais couper. Ça a coupé? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai bougé mon téléphone et bip. Ah ouais, et bip. D'accord, okay. Putain, c'est vraiment un téléphone, c'est dur. Ouais. Hein. Ah ouais, je comprends. C'est de la merde. Bah ouais, c'est de la merde, je comprends. Bon, Louis, t'as ton permis, Louis? Ouais. Tu l'as passé en quelle année? J'ai passé en 2010. En 2010? Ouais. Ah, ça va. Non, 19 ans, c'est bien, tu gères, hein, Louis. Hein. Ouais. Et t'as encore tous tes points? Non, il me reste 3. Il t'en reste 3? Ah ouais, mais t'as fait quoi pour les perdre, ces 3 points? C'est tous les autres points, pardon, les 9 autres. Il est parti. Ah, il est nouveau parti, c'est bizarre. Dès qu'on creuse un peu là, malheureusement, ça coupe toujours cette ligne c'est de merde. C'est bizarre. Hein. Ah, ça c'est scandaleux. Ah, mais c'est télécom aujourd'hui, hein. Mais on peut pas réécouter le répondeur parce qu'il était quand même grandiose. Ah si, attends, pour ça il faut qu'il décroche pas. Attends, on va le rappeler encore un coup là. Prends le répondeur avec le... Hop là. Ah, voilà. Le répondeur, Louis, c'est pas très bon, tu vois là. Un message, on sait jamais. À la fin de votre message. Allez, ciao. Oh, il est bon. Hey, salut, c'est bien chez Louis, mais je suis pas là. C'est alors que c'est un téléphone portable. Comment ça, il est pas là? Il est pas où? Tu vois, on sait pas où il est. Oh, il est bon, Louis. Oh, il est bon. Vivement dimanche prochain, parce qu'il nous appelle tous les dimanches. Oui, bah c'est normal, c'est le seul jour où il peut appeler. Bah, c'est pas faux, les autres jours, il dort. Effectivement, puisqu'on est là de 23h à 2h. Il y a Christelle qui dit j'ai bac blanc demain, je n'arriverai jamais à dormir avec leur connerie. Tess qui dit petit Louis, super ce gosse là, comme toujours, il est trop chou, sale gamin. Et Sophie qui dit j'adore Louis. Invite-nous au mariage, bah j'espère. Habib aussi qui dit j'ai le stress pour le stage, c'est demain. Souhaitez-moi bonne chance, merci, je vous aime l'équipe. Bah bonne chance à toi Habib. Et Manon qui dit quelque chose qui me fait plaisir, c'est de se mettre au chaud sous la couette après une grosse journée de boulot ou de cours. C'est vrai que ça fait plaisir quand t'es vraiment crevé, que tu peux enfin aller sous la couette, ça fait plaisir. Voilà, en toute simplicité. En toute simplicité. Allez, venez nous rejoindre encore, on va faire les appels de Toff dans quelques minutes. On va récupérer Vincent là. Vincent. Vincent. Oui. Ah, ouais, tu choisis Marion alors ou pas là. Bah oui. Ah, évidemment. Ben oui, ben j'attends toujours, hein. Eh ben on va te donner le numéro de téléphone, Marion, et puis après vous nous tenez au courant, hein. Bah évidemment, bien surtout sûr. Si ça fait des petits. Et bah voilà. Bah, on sait jamais. Et Marion, je t'attends le 7 mars au Havre. Hein. Bah oui, mais il faut que tu me dises où est-ce que vous allez, tout ça aussi. Bah écoute, il faut que je revoie encore parce que je n'ai plus le nom exactement. Mais t'inquiète pas, on vous tiendra au courant la semaine avant. On mettra le nom sur le Facebook, le Twitter. On dira l'antenne, y'a pas de problème. D'accord, Marion? Impeccable. Est-ce que je pourrais avoir un petit pack fun? L'autre elle va aller à New York et elle veut encore un pack fun et ça c'est normal, elle veut des capotes, elle préfère. Bah oui, bon Marion t'inquiète, on va te filer ça. Et merci. Vincent, merci à toi, à bientôt Vincent. Merci. Ouais. Salut. Allez, à bientôt. Marion, gros bisous. Martine aussi. Bisous, continue comme ça, je vous adore. Merci Marion, t'adore aussi Marion. Rendez-vous le 7 mars, ciao. Ciao. On aura Jérém aussi de Blois dans quelques minutes. Salut Jérém. Salut Mickaël, ça va? Ça va et toi? Oh Blois, j'ai fait mes 3 jours à Blois moi. Non. Si. L'armée à l'époque évidemment. T'as fait tes 3 jours? Ben oui. Ouais. Eh, hey, hey. Oh, c'est. Ils sont réformés, rassure-moi. Il a fait. Bah, bien sûr. Il a fait le Vietnam, Polo. Hein. Vietnam, j'ai fait tout. J'ai fait toutes les guerres. L'Irak, mais la première. Hein, la première. Dans les 90, ouais, etc. Ouais. Ah ouais, si vous croyez. Ouais, bah ouais. Bon, Jérém, on parle de quoi dans quelques minutes avec toi, dis-moi? Bah, dis-moi, je vais demander mon ami en mariage. Ton ami ou ton ami Mon ami I. Ton mec, quoi. Voilà, c'est d'accord. Ça. D'accord. Bon, eh bah, écoute, bouge pas, on va faire ça dans quelques minutes, tu restes là? Ok, y'a pas de problème. Allez, bougez pas, si vous voulez nous contacter, c'est très simple. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, et on fera le match d'impro qui va suivre dans quelques minutes, si vous voulez le faire ce match d'impro. Il y a des cadeaux à gagner, bien sûr. Et bien, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Depuis la Belgique, on l'avait demandé tout à l'heure, le son de Showtech, je vous le mets maintenant. C'est Booyah sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. About is I'm fighting, keeping them good vibes in the air. Mickaël, le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Et faites passer le message autour de vous, on est là sur Fun Radio, 20h minuit les dimanches et tous les soirs de la semaine, de 23h à 2h, il y a Secret Kick, il y a les Louis, les dents pipi et Oli. Cindy qui dit vive Blois, c'est les meilleurs, et Guillaume qui dit il a vraiment 23 ans, Louis là, on dirait qu'il a 10 piges. Évidemment Guillaume, je sais pas s'il a 10 piges, mais il est pas très très vieux quoi. Olivier qui dit mort de rire, bon fou rire à 17 000 km en vous écoutant, ça fait plaisir, bonjour à vous d'Australie. Oh. Je rappelle qu'on fait des émissions également en direct de chez les auditeurs et que Olivier étant un auditeur, il n'est pas marqué avec une petite astérix qu'on ne doit rester qu'en France ou en Belgique. Ouais. On peut se déplacer chez n'importe quel auditeur, suffit de nous inviter Olivier. Il suffit de nous inviter Olivier. On va en profiter pour organiser un combat de boxe entre un kangourou et Toff. Exactement. Parce qu'il paraît que ça se tape bien. Tout kangourou. À fait. Il y a Eric qui dit. Ouais. Non, il paraît que ça se tape bien. Mais ouais, c'est vrai. Eric qui dit aussi manger chinois ou Jap devant une bonne série télé, ça c'est un kiff. Pourquoi pas. Mystique aussi qui dit moi si je mange pas au réveil, je suis de mauvaise humeur toute la journée. Et Romain qui dit aller chercher le courrier et voir qu'il n'y a pas de lettre d'impôt ou une amende ou alors une carte postale de ton pire ennemi qui passe d'élection de ses vacances, etc. Alors que toi t'es sous la pluie. Ça c'est des petits plaisirs. Et Elise qui dit aussi je viens juste d'arriver, ça vaut bien 3 coups de pelle et un coup de lance-flamme. Ouais Elise pour le coup là. Un minimum. Ah ouais. 2, 3 et le lance-flamme. Voilà, il y a Camille aussi qui dit qu'est-ce que la prochaine fois Polo pourrait éviter d'envoyer des ondes négatives sur l'OM? Ce serait sympa, merci au passage, j'encule le PSG. Voilà, hop, ça c'est dit. Et Nicolas pour terminer, je rigole tout en vous écoutant en fin de radio tous les jours, ça envoie du lourd chaque soir. Merci les gars, vous êtes au top. Merci Nico, sois le bienvenu également. Et puis pour tous les autres, si vous voulez parler avec nous, vous êtes les bienvenus aussi. On va se faire le match d'impro. On a un mec, il manque une fille. Il manque une fille pour jouer avec nous au match d'impro ce soir. Donc si vous voulez jouer avec nous, alors je peux vous dire déjà que c'est un film de cul, évidemment, comme d'habitude, hein, l'improvisation à faire, mais avec une petite complexité. Oui. Par contre, difficulté plutôt. Je sais pas si vous avez remarqué, mais pour aller à New York, le standard il a explosé. Pour l'impro, c'est moins. Ah ouais, bah, il faut faire des trucs là, c'est différent. Hein. Bon, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour jouer avec nous au match d'impro comme on le fait tous les dimanches. Bon, Rudy. Oui, je suis là. Bah oui, on s'en doute bien, Rudy. Ouais, là, Rudy toujours ouais. Au taquet de la forme, hein, Rudy, là, qui est donc persuadé que sa copine le trompe. C'est même pas persuadé, c'est encore au-delà de ça, parce que là, t'as des preuves. Tu l'as vu avec un autre. Ah, mais là, pour moi, c'est fini pour moi. Ah, c'est fini. Bon, tu veux qu'on l'appelle quand même? Une petite dernière fois, et puis ça sera gentil quand même. Eh bah, écoute, avec plaisir, hein, y a pas de problème. Bon, on y va, on l'appelle. Allez, c'est parti. Je rappelle que donc, Rudy nous avait appelé parce qu'il a grillé sa meuf en train d'embrasser un autre mec, et quand il lui a dit. T'as pas un truc à te dire, elle a dit bah non, pourquoi? Hop. Et depuis, bah c'est un peu tendu, ce qui est normal. Surtout chez Rudy. Et son plaisir à Rudy, c'est de se faire sucer la banane au réveil. Ouais, il a raison. Oui, ah bah, bien sûr, dans l'idée, bien sûr. Allô? Parfait. Allô? Je pense qu'on va se marrer. Attention les gars, attention. Ça va être du lourd. Ouais, j'ai reconnu. Encore. Oh, mais c'est ça, on peut pas ne pas reconnaître. Pourquoi t'as quand même reconnu, ça sert à rien. Je suis pas sur Fun Radio là. On va le laisser dans la galère, bien sûr. Quoi? Ils nous entendent pas. Sur Fun Radio. Bien sûr. non, je suis ma soeur. Oui, je te crois, ouais. Mais il y a même les gars derrière, t'écoutes pas. Ah, on est des enculés quand même. Ah oh ouais, grave. Tu me crois pas? Oui, mais oui, oui. Oh, qu'est-ce qu'on est des de cons. De quoi? T'as rien dit. Ouais, le problème, c'est qu'il va jamais lui parler. Je crois pas. J'ai pas dit ça. Tu m'aimes? Mais il veut plus, il a dit que c'était fini. Allô? Raccrocher. Allô? Le boulet, je vais intervenir, sinon on va la perdre. Merde. Bah, trop tard. Mais attends, mais je comprends pas. Rudy. Oui. Pour toi, c'était fini et tu lui dis directement, tu m'aimes. Mais mec, elle t'a trompé, Rudy. Ouvre les yeux. Open your fucking eyes, motherfucker. Et en plus, t'as de la chance. Enfin, de la chance. T'es tombé. T'es un enfoiré. Oh là là. T'es tombé en flag. Mais oui. Il l'a eu en flag, donc vas-y. Bon, attends. Non, ça fait plus d'un an que je suis avec elle. Eh ben, enfin bon, là, ça fait plus d'un an qu'elle a plus envie, apparemment. Bon, Rudy, attends, on la rappelle. J'espère qu'elle va décrocher, mais à mon avis, elle décrochera plus. Allô. Allô. Oui. Pourquoi tu raccroches? Bon, je vais intervenir. Ouais. Allô, Cindy. Opération commando, là. Allô, Cindy. Non, t'es sérieux? Bah, je sais pas, j'ai juste appelé par ton prénom, là. Cindy. Oui. Bon, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Oui. Dis, on t'appelle parce que... Bon, je comprends totalement toute l'histoire, hein, t'inquiète pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Cindy, avec Rudy, là? Oh, c'est un peu compliqué. Non, mais vas-y, on a le temps, t'inquiète. Oui, sauf que... Attendez. Vas-y, on attend. Tu peux me tutoyer, Cindy, n'hésite pas. Hein. Oui, bah oui. Voilà. C'est bon ? Je vais bouger plus loin. Vas-y, bouge plus loin, où tu veux, Cindy. C'est fait ? Non, c'est qu'il y a mes parents à côté. Donc, d'accord. Non, mais ce qui s'est passé, c'est juste que bah ça allait plus et que bah déjà au niveau de ses parents, ça passait pas, ce que je comprends tout à fait. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que bah c'est pas de la même famille, je veux dire, c'est des voyageurs, moi je suis rien pour eux. Et ça n'allait pas, donc ça n'allait pas, et donc voilà. Et donc ça n'allait pas. Ok, donc ça n'allait pas. Et donc du coup tu l'as viré ou parce qu'il dit que t'as embrassé un autre ? Oui, mais lui il a couché avec d'autres. Donc, ah voilà. Ça c'est toujours comme ça, on a toujours que la moitié de l'information, hein. Rudy ! Oui ? Viens ici ! Je suis là. Donc t'es en train de nous faire croire que c'est elle la méchante alors que tu t'es tapé d'autres meufs ? Non, mais jusqu'à présent, ça fait un an que je suis avec elle, j'ai pas trompé depuis. Ah d'accord, depuis, mais tu l'as trompé. Avant, oui, avant. Ah, Rudy, t'en la joue ? Voilà, encore une. Voilà. C'est mal. Tu peux pas mentir à Mickaël comme ça, c'est j'en bave. Voilà. Bon, Cindy, du coup, c'est fini ? Mais oui. Donc c'est fini, on revient plus en arrière, c'est plié, terminé, on ferme la boutique. C'est pas ça, c'est juste que j'accepte pas d'avoir un copain qui m'insulte de salope quand il est bourré et qui m'insulte de cinéma. Non mais Rudy, enfin bon, voyons. Tu me laisses alors? Mais oui, elle vient de le dire. Mais tu crois quoi? Tu croyais qu'elle allait te dire quoi? Mais oui, tu la traites pas de salope, ça veut rien dire. Mais y'a pas que ça, si vous saviez tout. Oh là là, je sais pas, attends, on doit y aller. Bon. Attends. Dis-moi. Attends. T'as peur, il la reprend au standard d'avant pour voir. Alors que si t'as fait peur, vas-y, alors. C'est pour dire. C'est pour vous dire que c'est chaud. Ouais. Attends, parce que je veux tout savoir, moi. Attends, Rudy est toujours là, Rudy, hein? Oui, je suis là. Bon, très bien. On va se faire le match d'impropre avec Yoann, avec Marion. Il y aura Jérémy, là, qui veut demander en mariage son mec. Et donc, on devrait récupérer Cindy, là. Allez, on y va, c'est bon. Et on est en train de vivre un grand moment. Ah, là, un grand moment. Il y a Olivier aussi qui dit bah, venez à Sydney, il n'y a aucun souci, je vous attends. Merci Olivier, putain, on va être bon bien ça, là-bas. Sydney, on va être bien là. Secretly qui dit une bonne émission de Mickaël No Limit et je suis comblé, j'oublie tous mes soucis. Et Léo également qui dit Mickaël est l'élément essentiel à la vie sur Terre. Oh merci Léo, c'est gentil. Ah. Bon alors on en est où là? Toff dans est le revenu dossier, du là, reportage. Toff, là, le reportage j'ai mis bon ordre à tout ça. Il en bafouille. Et alors, non, ça va, c'est bon, elle peut raconter. Ah bon alors Cindy, on t'écoute. Cindy? Non, y a pas trop grand chose à dire. Juste que, ben oui, c'est fini parce que j'accepte pas d'avoir un copain qui m'insulte de tous les noms. Et c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est tout. C'est qui raconte des choses partout dans mon. Enfin, dans là où j'habite. D'accord. Là, la merde, ça a coupé. Bon, ben Rudy, de toute façon, c'est plié ma gueule. Hein. Ça fait 7 mois qu'elle me trompe, ça fait 7 mois qu'elle couche avec un gars. Mais ouais, toi aussi, Woody. Bah oui, mais toi aussi, tu l'as fait, hein. C'est, tu l'as bon, fait, non, voilà. Mais beaucoup avant, il y a moins d'un an et demi en arrière. Oui, bah oui, mais à l'époque, elle te trompait pas, donc chacun son tour, Rudy. Bon, eh, Rudy. Bon, Dylan, c'était elle dans l'histoire. Rudy, respire, je vais te donner un conseil. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas arrêter tu vas fermer ta gueule. Tu vas arrêter de c'est pour rire. Tu vas arrêter de la tromper et doucement, tu vas essayer de reconquérir son cœur. Ça va pas être facile. Tu vas lutter. Mais au bout, peut-être que tu vas réussir. T'as compris? Ouais. Pas compris. T'as compris, Rudy? Oui, j'ai compris. Et allez, plus pas. Motivé, t'as compris? J'ai compris. T'as compris? J'ai pas compris. Oh putain. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mikael, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Peut plus. Peut pas. C'est. Je crois que tu voulais que je fasse. Je sais pas. Je vais y aller. Je démissionne. Bon, y a Romain qui dit, je suis explosé de rire là, vos conneries. Y a Loulou qui dit, vous êtes géniaux. Trop cool de vous écouter pour décompresser avant les cours. Eh ben, bon courage à toi, Loulou et Camille avec un cas qui dit un petit plaisir. Être au cinéma. Ouais, c'est sympa aussi ça, le ciné là. Bon, on va récupérer Jérémy là pour faire la demande en mariage. On va prendre le gagnant également pour l'écran plat. Hein, si vous voulez choper l'écran plat, facebook.com/MIKL officiel. On tire au sort dans quelques minutes sur Fun Radio. Le temps d'écouter l'excellent son de Avicii maintenant sur Fun Radio, Addicted to You. I don't know just how it happened. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. 23h34, on est en direct jusqu'à minuit, on est au cœur d'une heure sans pub. Il y a Terry qui dit, je vous écoute pas souvent, mais à chaque fois je suis là, je m'éclate, merci beaucoup. Ben, merci Terry d'écouter aussi, même si c'est pas souvent. Sophie qui dit, manger des pancakes avec du jus de fruits, j'adore le matin. Alors bah, t'aurais été servi, hein. Polo ce matin, il a bouffé là comme un gros porc, 10 pancakes, au moins, hein. Plus 10 cafés, il s'est mis plus que bien. Ouais, ben c'est ça la vie. Il s'est mis plus que bien. Christelle qui dit, j'avoue, vire là. Non, mais je pense qu'en fait, c'est elle qui l'a viré, je pense qu'elle a bien raison. Et Nico qui dit, Mickaël, me voici en vacances pendant 2 semaines et donc je serai avec toi tous les soirs en espérant que tu me répondes. Ça me fait super plaisir d'entendre à nouveau ta voix. Écoute, avec plaisir, Nico, j'espère bien que tu seras là. D'ailleurs, bonnes vacances à ceux qui sont déjà en vacances. Bon courage à ceux qui attendent les vacances. Rassurez-vous, ça va arriver. Et puis autre chose également, nous, on sera là, bien entendu, hein, pas de vacances. On reste avec vous tous les soirs de la semaine, 23h-2h. Et tous les dimanches de 20h à minuit. Bon, on va se faire encore quelques appels avec Toff. On va parler de tromperie là. Oui. Ouais. Oui, la tromperie. Bah, oui. Non, c'était pas la tromperie. Non, mais c'était de savoir si les gens préféraient tromper avec une prostituée, avec une pute. Exactement. Ou avec une fille rencontrée sur internet. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait de moins en moins de gens qui allaient voir les putes. Tout à fait. Parce qu'il y avait de plus en plus de sites pour rencontrer des gens pour un petit. Et nous avons enquêté. Et nous avons enquêté et comme d'habitude ça s'est mal passé. Voilà. Voilà. On y va, on appelle 23h35 en direct sur Fun, c'est parti. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que vous préférez tromper votre femme avec une pute ou avec une femme rencontrée sur internet? Bah arrête tes conneries là. Mais non. De sale face de rat là, qu'est-ce que tu me veux là? Non, est-ce que vous... Oui. Tu, avec une pute ou avec qui? Je vais te chier à la gueule moi, tu vas voir. Tu veux tromper ma femme, gros PD que tu es. Ah non, monsieur. Enculé, fils d'enculé que tu es, toi. Toi, tu dois pas avoir beaucoup d'amis dans ta vie, hein. Hein, tu dois y aimer les bons casques militaires dans ton cul, toi, hein. Mais enfin, les monsieur. Gros blancs, là. Arrête tes conneries. Mais parce que voilà. je veux savoir si vous trompez votre... avec une pute ou avec une femme rencontrée sur internet. Mais rien du tout, moi je trompe rien du tout, moi je la trompe avec ta mère, ça te va? Oui, mais ma mère, vous comptez... franchement, ta mère, elle doit être bonne, non? Bah pas mal. Elle est bonne, ta mère, franchement. Ouais. Ah ouais? Ouais, grave. Que tu me la présentes, non? Bah je croyais que vous la connaissiez déjà. Ah bah oui, c'est vrai, je lui ai éjaculé à la gueule la dernière fois, mais c'est vrai, putain, merde. Je suis con, moi, des fois. Bah oui. Ah, tu vois, là, je suis un peu fatigué, là, je suis encore au boulot et tu me casses les couilles, là. Ah mais pas du tout. Tu me casses les couilles comme ça, là. Mais je veux pas vous casser les couilles, monsieur, je veux juste savoir. T'as envie de sentir mes couilles toucher tes couilles, c'est ça? Ah, peut-être. Ah, tu vas kiffer, à mon avis, hein, sentir mes couilles toucher tes couilles, hein. Ah, ça, tu vas aimer, à mon avis, hein, c'est mon vrai gars. Ah, à mon avis, ouais, tu vas kiffer quand tu vas être à quatre pattes, là. Hein. Ah tu oui. Tu vas en redemander, hein. Et après, tu sais ce que je vais faire? Je vais t'attraper par tes deux oreilles. Oui. Hein, et je vais te violer la bouche, hein, d'accord? Et je vais te casser les dents, ok? D'accord. Tu es content, je vais te violer la bouche là. Tellement que je vais te violer, après je vais te chier à la gueule. Ok? D'accord, monsieur. Alors viens plus me casser les couilles maintenant. Ok? Avec plaisir, monsieur. Petit fils d'enculé. Voilà, fils de putain même. Ok ? D'accord. Ok, bon, mais ça va. Allez, je t'emmerde, ok ? À bientôt, hein ? Sans ami, va. Il était motivé, hein ? Sans ami, va. Sans oui. ami. Bon, on va le rappeler, hein ? Bah oui. Allez, hop. C'est il a l'air tellement temps. Charmant et cordial. Allô ? Oui, allô ? Oh, encore toi, là ? Que tu me veux, là ? Bah, je veux savoir si vous préférez être... Non, franchement, tu as pas d'amis. Tu as vraiment pas d'amis, quoi. Ah. Tu cherches des amis ou quoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi ? Je te plais ? Tu me connais ? On se connaît ou quoi ? Non, on se connaît pas, mais peut-être qu'on pourrait se plaire. Ben, pourquoi ? Tu as envie de sentir mes couilles toucher les tiennes, c'est ça, en fait. Bah, peut-être. Hein, parce que, vu la voix que tu as, à mon avis, tu es un gros PD, toi. Hein ? Bah, peut-être, oui. Enfin, je me suis pas encore découvert, alors. Mais qu'est-ce que tu me veux, là ? Mais qu'est-ce que tu veux ? Bah, je... dis-moi, raconte-moi. Mais non, je veux juste... Si tu veux parler. Je sais pas, on dirait que t'as un problème, non ? Je sais pas, t'as pas autre chose à faire, hein, je sais pas, non ? Non, moi j'ai rien d'autre à faire. Ah ouais ? Non. Putain, en plus tu me fais rire, espèce de con, là. Bah, c'est déjà putain, ça. Putain, mais tu es vraiment con, hein, vas-y. Oh putain, mais qui c'est le mongolien que j'ai au téléphone, là ? Moi, hein, je m'appelle Tof. Tof comment ? Bah, Tof comme Tof. Tof, c'est ouais. Quoi ce nom de merde, là ? Bah, c'est mon nom. C'est ton nom, bah putain, t'as pas été gâté par la nature, hein. Et à ta naissance, t'avais pas un bec de lièvre pour avoir une voix comme ça ? Non, mais par contre, j'ai pas de menton. T'as quoi ? J'ai pas de menton. T'as pas de menton ? Non. Ah, t'as, tu dois avoir une sale face de rat, quoi, en fait. Hein. Ouais, il y a un peu de ça. Tu es très vilain. Tu es une meuf, toi ? T'as des meufs, non ? T'es vilain, toi. Si tu savais. Si tu savais ce que je baise. Ah ouais ? Ouais. Du thon ? Ah, tu veux baiser du thon, toi ? Hein. Du thon et de la sardine. Oh putain, en mort de rire. MDR, quoi. Hein ? Ouais. Bon. Oh putain, vas-y, franchement, t'as pas d'amis, sérieux. Non, j'ai pas d'amis, mais je te rappelle. Allez. Tu me rappelles, ciao, enculé, va. Bon, on le rappellera dans la semaine, hein. Oh bah. Il était charmant, il était gentil, on le rappellera dans la semaine. Y'a Loulou qui dit le mec que vous avez appelé va débarquer et va tous vous violer la bouche. Ouais, surtout toi, enfin nous on n'y peut rien. Secret Key qui dit mort de rire, quelle violence pleine de classe. Magda qui dit petit fils d'enculé, j'ai adoré. Et Valentin qui dit allez aux putes, c'est pas trompé car il n'y a pas de drague, c'est juste de la baise. Oui Valentin, mais non en fait. Hein, c'est moi j'aime bien tromper. Ouais, je n'en doute pas un instant. Bon, on va se faire le match d'impro là avec Marion, avec Johan. Vous êtes là tous les deux ? Mais bien sûr. Yes, parfait. Deux, ouais. Alors, match d'impro, donc on va, vous allez jouer maintenant. Hein, le but, évidemment, gagner des cadeaux. Il va falloir être le meilleur des deux. Vous êtes donc on fait un film de cul. On est à Sotchi, hein, en Russie, d'accord. Et il y a évidemment les Jeux Olympiques. Hein, vous connaissez le principe. Jeux Olympiques. Vous avez donc 2 minutes pour jouer un rôle. Jeux Olympiques. Donc Jeux Olympiques, film de cul, d'accord. Pas de souci. Vous faites les trucs que vous voulez. Vous êtes joueur, vous êtes entraîneur, vous êtes comme vous voulez. On s'en fout. Mais il faut être bon, d'accord ? Faut être bon, d'accord. Et les auditeurs voteront pendant la pub pour savoir lequel des deux doit être gagnant. Au fur et à mesure, on va peut-être s'insérer dans le business, d'accord ? Ah, ça serait bien. Ah bah, t'inquiète pas. On y va, c'est parti ? Ouais, c'est parti. Allez, okay. 3, 2, 1, c'est parti. Salut, écoute-moi, j'ai été ranger les skis là tout à l'heure. Tu pourrais me dire s'ils vont bientôt ressortir ou pas ? Je sais pas encore. Viens, on va aller voir tous les deux. Vas-y, si tu veux. Bon, on y va, vas-y, viens. Ok, je te suis. Voilà. Eh bien, les Jeux Olympiques d'hiver de Sochi commencent. Bon, écoute, là, faudra agresser les skis, parce que là, ça va pas. Hein. Bah, écoute, si tu veux les agresser, pas de soucis. Tu veux m'aider ? Vas-y. C'est pas drôle, je me sens seule. Bah, baise, espèce de con, là, on va pas t'obliger à aller, vas-y. Merci, un peu de soutien. Bah, de rien. Allô ? Ouais. Qu'est-ce que vous faites là, les gars là ? Je vois pas. Qu'est-ce que vous faites là ? Bah, je vois pas. Qu'est-ce qu'elle fait la petite avec son petit cul là ? Oh bah écoute, je vais graisser les skis pourquoi ? Tu veux pas graisser autre chose ? Bah si. Attends, regarde, je déboutonne mon pantalon là, t'as pas envie de graisser autre chose ? Bah si, viens. Ah. Ah non, c'est pas la peine, elle est à moi. Ah ouais, mais t'avais pas l'air de la prendre plus qu'autre chose, alors comme tu sais pas la prendre, moi je la prends, hein. Bah t'as raison, dans tous carrément. Les sens du terme, hein. Ah bah oui, viens. Attends, tais-toi, ma petite, là, fais autre chose, là, graisse. Oh, qui a vu le bobsleigh, là ? Oh, vas-y. On est l'équipe marseillaise de bobsleigh. Marseillaise ? La petite cochonne, là, je crois que je vais lui mettre mon gros bobsleigh dans le cul, là. Vas-y, viens, t'attends. J'arrive, vas-y, allez. Attends. Et regarde, il y a une tête de con qui arrive. Je foute la pointe. C'est qui, c'est qui? À la Marseillaise. C'est Igor. Igor. Je suis le russe. Je m'occupe des matériels. Ah bon? Oui. Et moi, je suis Boris. Voilà. Je m'occupe de m'occuper de Igor qui s'occupe du matériel. Et là, ouais, je vois que petite, pas très bien entretenue. Ah, ouais, bah non, forcément. Ah. Viens, monte sur la table. Vas-y, j'arrive. Je vais m'occuper de toi. Je vais chercher mes outils. Je t'attends, vas-y, viens. Toi, tu es chaude. Complètement. Tu veux un peu vodka avant? Ah ouais. Allez. Igor, on a un autre là, on a un mec là, on en fait quoi? Remets-le dans le placard, on s'en occupera plus tard. On le tue ou pas? Après. Ah, après, d'accord. D'abord, okay, là, je suis occupé avec la petite. Très bien, bon, il faut s'arrêter là. Malheureusement, les deux minutes sont à partie. Lequel des deux a été le meilleur? J'ai bien idée, mais je ne vais pas vous influencer. Est-ce Johan, est-ce Marion? À vous de jouer. Hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. C'est pas le meilleur qu'on y fait, hein, en termes d'improvisation. Non, hein, on n'avait pas été au top du top, mais c'est pas grave. Je me sens un peu seul, en fait. Ah, bah ouais. J'ai tenté des trucs, mais bon. T'as vu comment elle essaye de le couler, le pauvre, là? Bon, allez-y. Hashtag et Mickaël, votez et on revient juste après. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Mickaël, nos limites. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct toujours sur Fun Radio, dernière ligne droite également. Hein. Je rappelle qu'il y a Chucky qui va débarquer sur Party Fun à partir de minuit sur Fun Radio. Donc restez bien branchés. Tout à l'heure, il y aura évidemment le retour de Bruno dans la... Ah non, pardon, c'est con. Ah non, c'est la dernière semaine avant les congés. Ils sont encore là pendant une semaine, là, Bruno dans la radio. Donc profitez-en bien. Et Dédé qui dit sans hésiter, je vote pour Marion. Le mec a fait tapisserie dans le jeu de l'impro. Oh bah c'est sympa, ça va être content, tiens. Ah bah ouais, ah bah oui, content, la tapisserie là, totalement. Bon, si vous voulez discuter avec nous, si vous voulez délirer, il vous reste encore 10 minutes pour gérer également votre écran plat sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Voilà, vous venez, vous faites un like et un partage de la photo où il y a l'écran plat. Et si vous êtes tiré au sort dans moins de 10 minutes, l'écran plat sera pour vous. Je vous parlais de Chucky justement. Eh bah, vous connaissez évidemment Chucky avec Skydive. Il sera dans quelques minutes dans Party Fun pendant 1h de set. Voilà, Chucky donc, Skydive sur Fun Radio. Et alors, il y a plein de messages qui sont arrivés aussi. Il y a Dédé qui dit sans hésiter, je vote pour Marion. Il y a Dédé, je l'avais déjà lu. Secret Key qui dit moi, je vote pour Marion. Mamzelle Océane qui vote pour Marion. Ginette, je vote pour Marion. Secret Key qui dit le Bobsleigh. Oui, c'est ça, c'est la version marseillaise. Angelina qui dit une équipe marseillaise de Bobsleigh, mort de rire, ça m'a tué. Magda également, le mec, il est où là? Bah, il était pas très présent, le mec, hein, Johan? Ah oui. Ah pas, et c'est ce qui t'a tué je pense, hein, parce que tu partais bien, hein, c'est après que ça a été la merde. Tess qui dit je vote direct pour la meuf, elle graisse à fond. Ah bah oui, tu devrais continuer à graisser un petit peu plus ce Marion, hein. Tu crois? Oui, tu n'as pas assez graissé à mon goût. Chloé qui dit c'est la première fois que je vous écoute Mickaël sur Fun, trop cool. Merci Chloé, gros bisous et bienvenue à toi. Yélis qui dit mort de rire, espèce de face de rat. Ah oui, ça c'était avec Toff tout à l'heure. C'est vrai que Toff a une face de rat comme quoi, rien qu'à la voix. Et puis bien sûr, je vais te violer la bouche comme Toff s'est fait déchirer, évidemment, c'est normal. Bon, eh bien je pense que le ou la gagnante va se faire connaître. Ah. On sent le suspense ou pas là? Grave. On sent ou pas le suspense? Ouais, ouais, on sait pas trop, ouais, on hésite. T'hésites? On sent que c'est chaud, que c'est tendu, que c'est serré. Que... Bah ouais, attendez. Attention, roulement de tambour. C'est parce qu'on recompte les voix là. Voilà, on recompte les voix pour être sûr de ne pas se tromper parce que c'est, ah bah non, très, c'est important. C'est très très très serré. Oui, je sais, c'est long, mais c'est vraiment très serré. Hein. Attention, mesdames et messieurs, le gagnant ou la gagnante est... J'ai changé ma finale. Parce que vous avez remarqué. Ouais, c'est pas mal, elle est c'est mieux là. Hein. Ouais, on est... Voilà. Avec un score très serré de 99%, Marion. Ouais. Eh ben voilà Marion là. Ouais, une chose qui roule. Bon, Johan, bon, la prochaine fois effectivement prends les devants parce que là effectivement c'est Marion qui t'a invité, c'est Marion qui t'a proposé, mais c'est oui, Marion. Complètement, j'ai pas senti seule. Et puis il a fallu qu'elle me graisse alors qu'elle aura dû te graisser toi, tu vois dans l'idée, hein. Ouais, mais à la base je suis timide. Ah ouais, timide, ouais, bah moi aussi là-bas, si tu, je suis timide, figure-toi, c'est vrai, hein. Ouais, ça s'entend pas comme ça, c'est vrai, j'admets, mais quand même, malgré tout. Bon, il y a Loulou qui dit, je vote pour le mec pour qu'il ait quand même au moins une vote, un vote. Oh, c'est mignon, merci Loulou, c'est bien Loulou. Et Daria aussi qui dit, aplatime à la bourre pour vous écouter, à cause du taf, fais chier, un petit message d'encouragement. Ah bah t'es pas à la bourre, là, il reste 8 minutes, c'est-à-dire que ça fait 3h52 qu'on est là, ça arrive seulement maintenant, là. Donc, allez, bon, un petit il message d'encouragement. Trop tard. Aussi quand même. Enculé de tarasse. Voilà, ouais, bah, un petit message là, Daria, tiens, gros bisous à toi. Bon, et ben bah, voilà, bravo Marion, hein, tu vas repartir. Avec alors qu'est-ce qu'on a à offrir là qu'est-ce que je vais avoir ah oui les Sony Box les haut-parleurs Bluetooth ils déchirent le truc est tout petit le truc est tout petit c'est offert par la maison du GSM et le truc est tout petit tu vas voir ça donne un son de ouf malgré merci. Que ce soit tout petit j'avoue que quand je l'ai reçu dans le bureau je me suis dit le son va être dégueulasse et en fait pas du tout pour l'avoir testé merci beaucoup vous gérez bah, écoute avec grand plaisir Marion bon et puis j'espère attends, faut que je te dise un truc Mickaël parce dis-moi. Que je t'ai eu à l'instant là tout à l'heure à propos de Vincent là il a pris mon numéro et j'attends pour voir ce qu'il pense de New York. Pour New York ? Oui. Ah bah écoute, je t'espère pour toi en tout cas. Bah je vous tiendrai au jus de toute façon. Ah bah, j'espère bien, oui, c'est... tiens-nous au jus hein, en graissant évidemment. Bah évidemment, bien sûr. Graissant bien. En graissant, bien entendu. Évidemment. Salut tous les deux, à bientôt. Merci beaucoup Mickaël, à bientôt. Ciao. Ouais, vas-y Johan, t'auras gagné ça au moins, hein. Vas-y. Ouais. À une seule personne, choisis la bonne. Bah je me fais dédicace à Elodie, ma copine, tu vas... J'embrasse fort. Oh, so sweet. Eh bah ben, très bien, le message est passé, y a pas de problème. Salut à toi. Salut. À bientôt, Johan. Bon, eh ben, avant de faire le gagnant Facebook, pour l'écran plat, pour le t-shirt comme un air de rock qu'on vous offre toute la semaine, et ben, on va prendre Jérémy également. Hein. Jérémy, toujours là, Jérémy. Toujours là, présent. Bon, Jérémy qui voulait qu'on appelle son mec pour la demande en mariage. C'est ça. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est beau. C'est beau. Bon. Je me masturbe rien qu'à l'idée. Bah oui, j'imagine. Bon, on y va ? On est parti. Allez, écoute, bonne chance, hein, Johan. C'est, non, merde, c'est pas Johan, j'ai dit n'importe quoi. Jérémy. C'est Jérémy, on va appeler Pierre, ton mec. Voilà, vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Ça fait deux ans. Oh, ouais. Bah bonne c'est chance. Mignon. Allez. J'espère que ça va nous faire une belle finale. Parce qu'il va décrocher surtout aussi. On va terminer sur une note négative. Oui, allô. Ah voilà. Allô, mon chou. Mon chou. Oui, allô, ça va. Ça va et toi? Ouais, j'arrive de chez ma mère. Hein. J'avais dit que j'allais manger chez elle ce soir. Bon, puis moi, je suis chez mon pote et tout, mais je vais pas tarder à rentrer. Mais bon, je voulais t'appeler, c'était pour te demander quelque chose, me tenait à cœur. Mais à quoi? C'est bon, vas-y, je t'écoute, mon loup. Bah, tu sais, ça fait deux ans qu'on est ensemble. Ouais. J'ai réfléchi depuis quelques mois. Donc, j'aimerais savoir si tu voudrais m'épouser. Taxer. Non, m'épouser. Ouais, d'accord. T'attends que j'arrive, s'il te plaît, parce que j'attends d'arriver à la maison. Là, tu me fais quoi, là? C'est pour trouver mon amour que je tiens à toi, de tous les bons moments qu'on a passés et qu'on passera encore. Oh là là. Ah, c'est trop choupinou. Mais oui. Ah. Ouais, d'accord. Là, tu me... Ouais, d'accord. Voilà. Bah, va te faire enculer maintenant. Ça me troue la rondelle. Pardon. Non, c'est rien, c'est un copain qui fait le con derrière moi. Non, mais attends, c'est sérieux ou pas, là? Oui, c'est très sérieux. Je sais pas, je me fais enculer derrière. Donc. Non, parce qu'en fait, pour vraiment trouver mon amour, on est sur Fun Radio en direct. Hein? On est sur Fun Radio en direct. Enculé de tarasse, enfoiré. Enfoiré, toi. Oh, mais c'est mignon, écoute. T'es un enfoiré, le loup. Putain, oh. T'es un enfoiré. Bon, alors, Loulou, est-ce que Loulou et Loulou, là, bon, vous dites oui ou merde? Bah bonjour quand même à tous. Eh bah bonjour, salut Pierre. J'aime bien les mecs, en plus, je vous estime bien les mecs, je vous écoute tous les jours. C'est plus, vrai je suis là, oh, comme par hasard, je suis pas là comme par hasard. Eh bah voilà, c'est... Je voulais dire un truc, mais c'est pas grave, c'est pour l'autre. Bébé, excuse-moi du mot, même si t'as entendu dans toute la France, bébé, t'es un enculé, quoi. Voilà, et ça, c'est bon, au sens propre comme au figuré. Exactement. Vous êtes pédé ou bien je pense que vous êtes un gros pédé, massissi, hein. Ma si si hein. Ah c'est lui qui l'a dit pas moi. Peut-être pédé tous les jours, je m'en fous quoi. Ouais mais c'est toi qui se fait insulter donc t'inquiète, c'est pas grave. C'est pas un problème. Bon alors oui. Loulou, je dis quoi, tu sais quoi, moi je te dis je t'aime, donc je te dis oui bien sûr. Oh, ah bah non, faut dire non, ah là là, non. Non, même si, et puis je m'en fous sur mes coups dans toute ta branche, je m'en fous, Loulou, tu sais quoi, même si j'ai fait une erreur envers toi une fois dans ma vie, malheureusement. Mais rappelle pas le négatif, là. Ouais, mais si, parce que je suis content, et moi je le pardonne, et puis je suis super content de sa proposition, de sa demande, et puis ça me fait super plaisir. Oh, qu'il est con. Réfléchis quand même, tu vas fourrer le même trou du cul toute ta vie. Oh, eh oui. Oh, un peu de poésie quand même. Et fier de l'être, les gars. Bon, bah tant mieux, c'est le principal. Bon, bah soyez heureux tous les deux là. Bah, merci. Super. Beaucoup. Salut merci, à vous. Loulou. Je t'aime, Loulou. Oh, Loulou et Loulou. Salut vous deux, à bientôt. Merci à toute l'équipe de fun. Ciao. Je vous aime. Avec plaisir. Bye à vous, bye bye. Oh, bah ça reste sur une note positive comme ça, c'est bien. C'est vrai. Ah oui, c'est beau. C'est terminé beau, tout son cet amour. Dimanche quand même, nickel. Il y a Valentin qui dit la meuf a pas perdu sa soirée, hein. Une enceinte et peut-être un voyage. Ah bah je te confirme, Valentin. Ah non, bonne soirée. Hein. Ah, elle s'est mise très très bien même. Hein. Il y a Ludy qui dit un kiff de vous écouter tous les soirs et Fafa qui dit j'adore vous écouter, continuez. PS, Toff s'est fait violer la bouche. Encore, mais ça ne saurait tarder. Voilà, ça va venir. C'est une question de d'attente quoi. On attend que le mec qui lui a proposé ça il y a une demi-heure débarque à la radio. Enfin et... bon, il y a des Corses qui m'ont proposé de me plastiquer, ils sont toujours pas venus. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui allaient me faire courir jusqu'à Foriani. Bon, j'attends toujours. Ouais, mais t'inquiète pas, un de ces quatre ça va arriver, tu vas voir. T'inquiète, ils vont tout te mettre tout d'un coup, tu vas voir. Et ça va être ça. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance toi. Ouais, ce qui est bien c'est qu'il l'enterre d'abord. Hein, trouver l'erreur dans le truc. Je t'enterre, ensuite je te mets ma bite sur la tête et ensuite je te coupe la croissance. C'est ça qui est bien. C'est pas mal. C'est très bizarre. Bon, allez, vous avez été nombreux à jouer sur le Facebook là pour gagner le t-shirt, pour gagner également l'écran plat. On appelle maintenant celui ou celle qui s'est inscrit ou inscrite, pardon, pour l'écran plat. Et si ça décroche, ce sera gagné. Et je rappelle qu'on demande les numéros par message privé, donc fallait bien vérifier vos messages privés évidemment. Allô ? Allô ? Allô ? Comment ça va ? C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Comment tu t'appelles ? Moriane, ça va très très bien Moriane. Bon, je t'appelle parce que tu as fait un like et un partage pour gagner une télé. Ouais. Eh ben écoute, un écran plat 32 pouces Full HD, c'est pour toi ma gueule. Excellent. Eh ben voilà. Terrible. Eh ben voilà, avec plaisir. C'est Moriane, c'est ça? C'est ça, merci beaucoup. Hein. Moriane, eh ben écoute, avec grand plaisir, la télé elle est pour toi, tu vas gérer ça avec Sandro, standard, je te la repasse maintenant. Ok, merci, c'est sympa. Avec plaisir, salut Moriane, à bientôt. Salut, salut, je vais mettre ton nom tout à l'heure sur le Facebook, hein. Il y en a encore plein qui vont dire ouais, j'ai du faux, j'ai du fake, gnagnagnagnagna. Ah non, c'est pas du fake. Non, ben je te le confirme, hein, c'est à force d'envoyer les cadeaux, je peux te confirmer que ça ne l'est pas. Salut Moriane, ciao. A bientôt, et on va enchaîner avec le t-shirt, on fera le top tweet juste après. Et les t-shirts, c'est ceux que j'avais avec la tête de mort, là, vous aviez bien kiffé, pardon. Eh ben on en a à vous offrir maintenant, il faut aller sur là vous offrir tous les soirs. Allô ? Allô ? Allô, bonjour, comment tu t'appelles ? Elwen. Elwen, très bien. Encore dire des gens qui diront, de toute façon, il n'y a que des meufs qui gagnent, etc. Deux mecs d'affilée là. Elwen. Ah ouais, super. Ouais. Bon, eh ben voilà, le t-shirt comme un air de rock. Pour toi, c'est quoi celui que tu préfères ? Moi, j'aime bien celui avec un Mickey. Ouais, la tête de mort en Mickey, celui-là je l'ai eu hier, ouais, il déchire sa race. Ah ouais, la tête de mort en Mickey avec les oreilles de Mickey, ils sont il est top. Bah allez voir hein, facebook.com/Mickaël officiel, je vous en filerai d'autres bien sûr sans problème tout au long de la semaine avec plaisir. Eh ben bravo à toi et puis bah tu vas rester au standard, on va t'expliquer tout comment ça marche, d'accord ? Okay. Merci Noël. Avec plaisir. Salut à toi. C'est vrai, c'est cool. Merci. Bah continue, fais passer le message autour de toi. Hein. Ah oui, bah je fais de la pub partout, sur ma page, j'ai de la pub pour vous. Parfait. Et je rappelle que le t-shirt vaut quand même 95 euros, donc c'est quand même pas un cadeau. Ah ouais, c'est un beau t-shirt. Ah bah attention. Ouais, et Made in France, monsieur. Alors, la France. Tout est fait en France. Et oui. Bon, salut à toi, en tout cas, passe une bonne soirée. Ah bah oui, là, je vais passer une super bonne soirée. J'imagine. Salut ma gueule, à bientôt, bye bye. Bon, et puis on va se faire le top tweetos maintenant, hein, pour terminer. Donc, quels sont les auditeurs les plus influents sur le Facebook de l'émission? Et surtout, quel est le gagnant? C'est le numéro 1, sauf si le gagnant a déjà gagné quelque chose, évidemment. Il ne repartira pas avec son sextoy offert par... passagedudésir.fr. La fille est content, hein, de rebalancer son petit nom. Bah oui, parce que là, on est revenu dans les trucs normaux et tout. Bah ouais, la semaine dernière, on était perturbés. Hein. Bah oui, oui. Bah ouais. Bon, on y va. J'ai du mal à suivre. Bah ouais, numéro 5. Cédric. Numéro 4. Guillaume. Numéro 3. Secret Key. Numéro 2. Magda. Et numéro 1. Paul PC28. Ah, ça n'a pas changé alors, hein. Si un peu non. Non, Paul PC 28 était numéro 1. Oui mais Guillaume était pas là avant. Oui non, mais... si il était là mais il était 4ème. Ah bah voilà. Bah voilà. Bon alors Paul PC 28 qui a déjà gagné son sextail ou pas encore? Oh il me semble qu'il a déjà dû gagner un ou deux même. Ouais ouais bah alors on va gagner, on va prendre celui qui a gagné pour le coup, enfin qui n'a pas encore gagné. On fera ça dans quelques minutes, on va vérifier qui n'a pas encore gagné justement. Bon avant de partir, minuit 2, on est presque à l'heure dis donc. Hein. Pour une fois c'est jamais ouais. arrivé. Hein. Non, enfin, on est déjà pas à l'heure mais bon. On se fait le générique? Ouais avec Abdou en guest. Avec Abdou en guest ouais. un auditeur, alors c'est parti. Abdou t'es sûr tu connais les paroles hein. Par cœur. Bon déjà si t'as pas le casque mec t'es pas dans la merde. Voilà, ah, voilà, hurle pas dans le micro. Avec un casque ça ira. Alors sur ton attention, 3, 2, 1, c'est parti. Merde, c'est moi qui fais de la merde. C'est tout ce que je mérite. Voilà, on y va, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites là-dessus, c'est toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, qu'il y a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Tu peux plus dormir ou bien manger, car t'encules ton nom toute la journée. Pas mal, pas mal, pas mal. Meilleur pas mal. Que Polo, dis donc, ah ouais, c'est ouais. pour te dire. Hein. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance, toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais t'as fait d'un sale con. Quel cauchemar. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Allez, ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu pousses des vides là-dessus, c'est toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Et toi ton nom c'est un enculé. Oui, tous les deux. On est des enculés, c'est vrai, des enculés. Eh ben voilà. En toute simplicité, bah bravo Abdou. Merci. Il a été moins mauvais que Polo hein. Ouais ouais il est bon, il est bon. C'est pas mal, c'est pas il mal, c'est bon, pas mal. Bon. Bravo. Bon ben merci en tout cas à tous d'avoir d'avoir été là ce soir. Je parle aux auditeurs, Abdou, Maxime. Merde, j'ai oublié ton prénom. Ali. Ali, autant pour moi. Shame on me. Voilà, je mérite un coup. Hop. Voilà, je me suis mis une baffe dans la gueule et je pense que c'est honnête, hein. Non, non, non, non, non. Non, si, si, si, c'est honnête, j'ai mérité. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un auditeur qui me disait, ouais, une auditrice que je devrais faire du cinéma. C'est impossible, je ne peux pas, je n'ai aucune mémoire. Même parfois j'oublie mon propre prénom, c'est pour vous dire. Ça arrive, ça parfois arrive. J'arrive, je me dis je m'appelle Michel, en fait pas du tout, c'est parfois j'ai une petite. J'ai un problème comme ça, ça arrive, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi. Bon bah passez une bonne soirée, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances là, profitez bien avant d'enfoirer hein. Ah écoute c'est la vie. Bande d'enfoirés. On y passera un jour aussi. Bah ouais, aux vacances évidemment. Ah oui bien sûr. On se retrouve demain dès 23h sur Fun Radio. Et toute la semaine évidemment avec encore plein de cadeaux à gagner. Merci à tous ceux qui ont été connectés ce soir sur le Facebook, sur le Twitter. Merci aux nouveaux également qui viennent de débarquer, qui se sont rendus compte qu'il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio. Et que c'est sur Fun Radio que ça se passe. Je vous fais des gros bisous, demain 23h on sera de retour. Salut tout le monde. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira au rail. Une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio.